Donc, 21 décembre 2023, c'est la date où est produit l'enregistrement présent. Vous pouvez voir maintenant à l'écran Mona en compagnie de Berthold. Alors, je vous salue, vous allez bien? Oui. Très bien, merci. Excellent. Donc, vous l'avez sans doute deviné, c'est David au micro qui salue tout le monde qui va écouter cet enregistrement. Le sujet que je vais aborder principalement aujourd'hui, c'est celui du potentiel d'auto-guérison individuelle. Il y a d'autres sujets aussi que je veux amener, là. Je m'explique un peu. Ce qui est possible, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui sont atteints de problèmes de santé, qui leur engendrent de la souffrance, des douleurs aussi au quotidien. Donc, il y a des gens qui sont atteints de diabète, de bronchite chronique, la maladie de Parkinson, fibromyalgie, problèmes cardiaques, cancer, etc. Pour ma part, je suis atteint d'un problème de santé. En fait, je suis atteint d'un lichen sclérueux atrophique au pénis. C'est pas quelque chose d'agréable. En cette année 2023, ça m'a occasionné beaucoup de soucis. En passant, c'est pas une maladie transmissible sexuellement, une bactérie ou un virus, c'est une maladie auto-immune. Je tiens à le clarifier. C'est sûr que c'est un sujet délicat parce que ça concerne mon organe génital, mais en même temps, un peu comme les gens qui sont atteints de différents problèmes de santé chroniques, ça me crée de la contrariété au quotidien, parce que dans mon cas, pour faire une histoire courte, j'ai déjà abordé dans des enregistrements que j'ai fait en solo sur ma chaîne YouTube, mais pour les gens qui vont plutôt écouter les enregistrements que je fais avec Mona et Berthold, bien, je peux leur mentionner brièvement que lors de l'été passé, il a fallu que je sois opéré d'urgence, parce que mon problème de peau, en fait, c'est de la peau qui va devenir blanche, c'est de la peau qui dépigmente, qui devient cassante. C'est très désagréable et ça m'a amené à ce que mon urètre a bouché là, d'une manière importante, là, dans le sens que j'avais des difficultés à uriner. Et à un point tel que quand que j'ai rencontré par la suite un urologue, j'ai été consulté au privé parce que naturellement ça va plus vite qu'au public ici au Québec. En passant, j'ai toujours pas été recontacté par le réseau public au Québec après plusieurs mois, parce que la demande a été faite. Donc, je suis très content d'avoir été au privé, mais avant que je sois opéré, là, c'était pénible. À chaque fois que j'allais uriner, le jet urinaire diminuait, etc. Donc, j'ai été opéré d'urgence. Ça a débouché l'urètre. Aujourd'hui, je peux uriner normalement. Sauf que mon problème de santé, comme m'expliquait mon médecin, c'est que c'est susceptible de revenir plus tard. C'est-à-dire que l'urètre rebouche de nouveau avec de la peau qui va se former et ça me garde sous tension. En lien avec ça, je dois m'enfoncer une tige dans le pénis deux fois par jour, présentement. Oui, ça fait mal. C'est un désagrément. Mais si je le fais pas, comme il m'expliquait, il dit que ton urètre risque de reboucher de nouveau. Fait que j'ai comme pas trop le choix. Et c'est sûr que ça fait mal parce que le dilatateur urétral est fait d'un pointu d'une manière progressive, un peu comme si on prend un sapin, que c'est un pointu qui se fait progressivement pour élargir. Puis là, moi, il faut que je pousse. Je vois rire, mais c'est plate comme situation. Ça fait mal en maudit, là. Mona a pas l'air de trouver ça plate. Oui, ben, je le parle à des gens de mon entourage, puis ils partent à rire aussi. Puis... Non, mais on continue. C'est ça, mais pour vous dire, en fait, c'est un inconfort au quotidien. Heureusement que ça arrive pas à tout le monde, mais tu sais, dans un sens, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Sauf que, dans le fond, selon la science officielle, je suis pogné à m'enfoncer une tige dans le pénis jusqu'à ma mort régulièrement. Puis si je le fais pas, comme m'avertit le chirurgien, il dit ça risque d'en boucher de nouveau. Puis si on s'entend, si ça bouche, à un moment donné, puis je vais pas uriner, la vessie risque de gonfler, puis je me risque à me ramasser avec des problèmes, là, dans le sens qu'ils vont mettre une sonde urinaire, soit défoncer la vessie ou défoncer l'urètre, ça risque de pas être agréable, là. Non, de toute façon, ça a l'air jamais très agréable. Non, tu sais, Des fois, je fais des blagues à des gens en disant, mais ça a mis du piquant dans ma vie en 2023. Mais c'est le genre de piquant que disons, je m'aurais privé, là. Mais en tout cas, c'est un problème de. C'est une maladie auto-immune qui ne se corrige pas, c'est chronique. Donc, c'est tu vas ça. subir un peu cet agent d'agression-là très longtemps si tu restes avec cette approche-là. C'est ça que je C'est comprends. ça. Selon l'approche de la médecine officielle, dans le fond, je suis pris à m'enfoncer une tige. Là, présentement, c'est 2 fois par jour. Éventuellement, je pourrais se passer. Sauf que, tu sais, c'est jusqu'au moment de ma mort, là. Tu sais, il n'y a pas de solution qu'on me propose, sauf faire ça ou mettre une crème à base de cortisone pour, dans le fond, enlever l'inflammation ou amincir la peau. Mais ça ne règle pas le problème de fond. J'ai été naturellement consulté en médecine complémentaire. J'ai consulté 2 personnes qui sont médiums et guérisseurs, qui m'ont fait des traitements énergétiques. Par contre, à l'heure actuelle, ça n'a pas réglé nécessairement le problème parce que, après, quand j'ai été opéré, ils ont enlevé la peau qui était blanche et pigmentée. Là, il restait de la peau rosée qui était normale. Sauf qu'il y a de la peau blanche qui est réapparue au bout de l'urètre, malheureusement, un petit peu. Fait que là, je suis obligé d'appliquer le protocole 2 fois par jour, m'enfoncer ça de manière très rigoureuse pour pas que ça rebouche. Ça me garde sous tension. Et en lien avec ça, bon, j'ai consulté les médecines complémentaires dans le sens du médium. Ça n'a pas donné à l'heure actuelle des résultats où ce que ma peau est redevenue rouge comme avant au lieu qu'elle soit blanche puis cassante. Fait que c'est un inconfort. J'ai fait de la visualisation, la méditation, j'ai même fait de la prière. Il y a des gens qui ont prié pour moi. Ma mère a été à l'église pour moi pour demander que je guérisse. J'ai pratiqué l'auto-hypnose, des techniques de gestion du stress. Mais mon problème ne se règle pas. Moi, la question que je veux vous poser, entre autres aujourd'hui, c'est à quel point l'individu possède une capacité d'auto-guérison par rapport aux problèmes de santé auxquels il est confronté. Et il y a sans doute d'autres personnes qui nous écoutent, qui vivent des inconforts. T'sais, il y a des gens qui sont atteints de rhumatisme, ça occasionne des douleurs. Même chose pour, t'sais, je pense à mon beau-père, il est atteint du Parkinson, des tremblements au quotidien. Selon la médecine officielle, ben c'est une maladie dégénérative, fait que ça ira pas à s'améliorant, comme on dit. Donc, il y a plein de gens, que ce soit dans nos vies ou des gens qui nous entourent, qui vivent des souffrances. Et c'est de voir par rapport à ça à quel point la personne a un pouvoir d'agir. C'est sûr qu'on peut affaire avec la médecine officielle, la médecine alternative, complémentaire, mais au-delà de tout ça, puis la raison pour laquelle je vais aborder le sujet avec vous, parce que vous avez étudié comme moi l'instruction supramentale qui a été véhiculée entre autres par Bernard de Montréal, à quel point l'individu qui intègre l'instruction, qui se conscientise, peut agir d'une manière occulte pour régler un problème de santé. À quel point quelqu'un peut mener un rapport de force avec l'esprit à travers l'utilisation de la colère mentale, de l'opposition créative, dans l'optique de régler un problème, à quel point on peut amener l'esprit à agir sur la matière à notre avantage, peut-on le manipuler à ce point-là, à quel point un problème de santé s'inscrit aussi dans le cadre d'un plan de vie par rapport à une âme que. Des fois, j'ai la difficulté à croire ça, là, tu sais, pourquoi que quelqu'un viendrait sur la Terre pour être atteint du diabète d'une manière chronique puis être obligé de se piquer régulièrement. En tout cas, bref, à quel point ça peut s'inscrire dans un cadre de plan de vie pour des raisons d'évolution? Oui. David, il y a quelque chose que tu oublies dans ta prémisse en partant, là. Oui. Ça s'appelle la planète expérience ici, non, pas d'autre chose, là. Fait que ta prémisse de base de dire, je sais pas pourquoi qu'on s'incarne avec des programmations de souffrance, ça fait partie de la vie ici en passant. Là. La maladie fait partie de la vie sur la Terre. Oui, c'est C'est pas clair. le seul à souffrir des problèmes chroniques, là, comme tu le dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on part avec une mauvaise. C'est comme si on ne devrait pas vivre ça. Premièrement, c'est faux, ça. On vient ici vivre toutes sortes d'expériences. La maladie en fait partie. T'sais, c'est pas. Pour Oui. moi, c'est déjà. Il faut partir avec ça. Il faut partir avec cette idée-là. Maintenant, est-ce qu'on peut s'auto-guérir? Ça, c'est ta question. Je vais laisser Bertha. J'ai une petite idée là-dessus. Je souffre de douleurs chroniques depuis l'âge de 27 Mais ans. avant d'élaborer plus, en début d'enregistrement, en termes d'amorce, je voulais continuer avec des questions. Ensuite, je vais vous présenter puis je vais vous proposer de répondre. J'agis comme ça pour mettre un petit peu la table puis amener les gens aussi qui nous écoutent à répondre eux-mêmes à certaines questions qui peuvent être posées. Mais après ça, naturellement, je vais vous faire parler, là, c'est le but de l'enregistrement, là, je vais compléter un petit peu avec ma mise en contexte. OK. C'est que, d'un côté, il y a des gens qui vont dire qu'il y a des programmations, c'est irréversible, c'est une fatalité, il y a un destin. Mais en même temps, il y a des gens qui sont confrontés à des situations de santé très graves, puis ils s'en sortent. Je pense notamment au cas de Guy Tenenbaum. Donc, c'est un homme que vous pouvez voir son témoignage sur YouTube. D'ailleurs, je mettrai le lien web là, en bas de l'enregistrement, là, en vidéo. Lui affirme qu'il était atteint d'un cancer de la prostate terminale en phase 4 et qu'il a réussi à se guérir, donc connaître une rémission. Il avait rencontré des médecins qui lui donnaient 3 mois à vivre. Ils n'ont même pas offert la chimiothérapie. Ils lui proposaient des soins palliatifs. Et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'en changeant son mode de vie, en changeant aussi sa façon de penser, son mindset, et aussi en pratiquant le jeûne, qu'il a réussi à s'auto-guérir du cancer. C'est-à-dire qu'il explique qu'en pratiquant le jeûne, lui, c'est sûr qu'à la base, ce qu'il faut mettre en contexte, présentait un surplus de poids. Et ce qu'il expliquait, c'est que les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre essentiellement. Donc, si on les prive d'alimentation en mangeant plus de nourriture sucrée, eh bien, l'organisme va procéder à ce qu'on appelle une autophagie. Il va se dévorer de l'intérieur en mangeant tout d'abord les cellules qui présentent des dysfonctionnements, dont les cellules cancéreuses. Il mentionne entre autres comme ça qu'il réussit à s'en sortir. Par contre, c'est ça qu'il faut mettre en contexte par rapport à son témoignage, que lui, il avait un surplus de poids. C'est sûr, si la personne est mince puis elle pratique le jeûne dans l'optique qu'il y a une autophagie, ben, elle peut souffrir de dénutrition, puis la dénutrition peut l'amener à la mort. Fait qu'il faut faire attention par rapport à ça. Je ne dis pas aux gens de pratiquer le jeûne, mais je dis que ça peut être intéressant de prendre en considération son témoignage. Son témoignage, dans le fond, puis il y en a d'autres aussi sur YouTube. Il y a certaines personnes qui vont dire que les gens ont une capacité d'auto-guérison qui est quand même importante. Là. On parle d'un cancer en stade 4 là, qui était considéré comme terminal qui l'amenait à la mort. Donc, c'est sûr, quand on regarde des témoignages comme ça, il y a des gens qui peuvent écouter l'enregistrement et se dire « ben là, si lui s'en est sorti puis moi c'est moins pire, ben je risque moi aussi d'avoir la capacité de m'en sortir si j'ai une certaine hygiène de vie, alimentation, etc. » Mais à quel point c'est réaliste puis à quel point tout le monde peut en venir à atteindre ce point? Ça, c'est une question que je me pose. Et en lien avec la question des capacités d'auto-guérison, ben, j'ai choisi le sujet dans le contexte présent aussi. C'est-à-dire qu'au Québec, au moment où on se parle, comme c'est le cas depuis au-dessus de 20 ans, nos urgences débordent. Donc, c'est sûr, si les gens réussissent à prendre soin d'eux-mêmes puis d'éviter d'aller aux urgences qui sont déjà surchargées, puis là, dans le contexte de la grève présente des infirmières, c'est encore pire. Donc, ça peut être, je pense, quelque chose d'intéressant, surtout dans un contexte où la population est vieillissante, c'est-à-dire qu'on parle qu'à partir de 2030 au Québec, une personne sur trois va être âgée de 65 ans et plus. Donc, c'est sûr que quand la population vieillit, souvent les gens ont plus de problèmes de santé à régler, ce qui fait que la demande sur les réseaux de la santé augmente. Donc, en lien avec tous ces facteurs-là, je pense que ça peut être un sujet intéressant à l'étude. Donc là, c'est vrai, là, j'ai fait ma mise en contexte. Je dois admettre, j'ai été peut-être un petit peu long, mais je vais vous laisser parler. Mais juste avant, ben les annonces comme d'habitude qu'on peut faire, là, c'est-à-dire, Mona, j'imagine que tu donnes toujours du coaching d'individuation. Oui, un petit peu. Ben, je fais beaucoup de choses, en fait. J'enseigne toujours le yoga, alignement postural, le pilates, puis un peu de coaching. Excellent. Donc, Les gens qui s'intéressent, c'est sûr que vous pourrez prendre contact avec elle. Donc, vous allez avoir les informations à ce sujet là en bas de l'enregistrement présent. Sinon, ben Berthold, toi, tu fais toujours là, des vidéos là, sur ta chaîne YouTube. Oui. Donc, c'est tout. C'est tout, bon, OK. Donc, mais je peux quand même mentionner aux gens que habituellement, le samedi matin, aux heures du Québec, tu vas faire un enregistrement en direct devant le public où tu vas prendre les questions et commentaires qui vont être formulés. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à interagir avec toi, bien, c'est l'occasion de le faire. Sinon, bien, c'est sûr que j'observe que tu as fait des capsules là, au cours des dernières semaines là, en solo là, où tu vas parler de différents sujets. Sinon, je voulais mentionner aussi qu'il y a toujours la chaîne Supramental Berthold où vous pouvez retrouver plusieurs centaines d'extraits d'enregistrement là, que tu fais au fil des ans. Donc, je salue Didier Mignot qui s'en occupe, qui généreusement de son temps là, a sans doute consacré plusieurs heures là, à sélectionner les meilleurs moments de nos entretiens ou de tes enregistrements solo pour en faire bénéficier là, du public là, sur le web. Donc, je salue naturellement son travail. Sinon, de mon côté, en lien avec Berthold, ben, je tiens à mentionner que je dispose en date d'aujourd'hui de plus de 900 enregistrements par rapport à toi, là, en format MP3, qui figure dans mon audiothèque sur archive.org, dont vous allez avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. Donc, Berthold, si la tendance se maintient, probablement qu'en 2024, on va franchir la barre du 1000 enregistrements. C'est probable. Donc, sinon, ben, de mon côté, je tiens à mentionner aux gens que si vous appréciez tous les enregistrements que je rends disponibles au public au fil des ans, donc il y en a plusieurs centaines, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et aussi Interac, dont vous allez avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. Et je tiens à mentionner que c'est important de rien prendre pour acquis. Dans le sens que peut-être que du jour au lendemain, un jour, je fermerai ma chaîne YouTube ou mon compte d'archive.org. Donc, dans la vie, il faut rien prendre ou peut-être un jour même l'Internet sera fermé dans le cadre d'une opération spéciale, d'un grand reset international avec la mise en place d'un nouveau réseau. Donc, faut rien prendre pour acquis. Et c'est sûr que si vous aimez les enregistrements, notamment ma quantité colossale que vous pouvez retrouver sur archive.org, plusieurs centaines, ben, vous êtes les bienvenus présentement de vous en faire des copies en les téléchargeant. Et je pense que ce que je dis est très vrai aussi par rapport aux enregistrements de Berthold, dans le sens que toi, de ce que j'ai constaté récemment, c'est que tu as enlevé de ton compte YouTube les vidéos d'enregistrement en direct que tu as fait avant le mois d'octobre 2023. Oui, ben, pas c'est sûr, je prends pas de chance. Comme M. Minot, quand il prend des extraits, il prend le meilleur. Mais dans un direct, j'en dis des choses, là. Puis des fois, je mériterais quasiment de me ramasser au tribunal. Ne nous affolons pas, faut pas être trop sévère envers soi. Oh ben, il y aurait matière des fois à poursuite au niveau technique, là, je dirais ça de même. Quand Mais même le tu droit sais, d'en opinion, ouais, moi, je encore. cours pas après. Je fais pas un éditorial non plus, là. Ça me tente pas de faire ça de même. Fait que je fais juste prévoir là, au cas où. De toute façon, je trouvais que ça prenait de la place pas mal. Puis de toute façon, ben comme M. Mignot puis d'autres, ils prennent juste le meilleur en les enlevant de ma chaîne, ben d'une certaine façon, ben ça fait qu'ils sont mieux archivés, je trouve, ailleurs. Parce que des fois, je dis des conneries pendant 20 minutes, puis là, je dis de quoi qu'il y a de l'allure quelques secondes, puis après, je redis des conneries pendant 20 minutes. Mais c'est ça, Bien, je pense là. que tu es un petit peu sévère envers toi-même, là. Je n'irai pas jusqu'à ce point-là dans la critique qui peut être faite par rapport à ton contenu. Mais le point que je voulais faire, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que vu que j'ai une banque de 900 enregistrements qui sont toutes là, ce n'est pas le cas. Il faut comprendre que ce n'est pas exhaustif, là. Ben non, c'est pas grave non plus, là. Ça n'a pas à l'être. C'est dans le sens où c'est plus ce que je veux dire par là, c'est que des fois, pour sortir une affaire intéressante, on parle pendant longtemps. Je parle quand je fais mes directs, là. Surtout si t'es tout seul, c'est pas facile de monter en énergie. Moi, ouais, ben aussi, je fais avec les sujets qu'on m'apporte, là. Non, non, c'est sûr que à quelque part, tu t'adaptes au public, puis c'est improvisé. C'est sûr que tu oscilles en fonction des commentaires des gens. Des fois, il peut y avoir des petits problèmes techniques aussi. Fait que, tu sais, je peux comprendre que ça peut être intéressant qu'il y ait, dans certains cas, des montages qui soient faits avec les meilleurs extraits. Mais en même temps, c'est un petit peu dommage pour les gens qui te découvrent récemment, dans le sens que les gens qui t'auront découvert après le mois d'octobre 2023 et qui auraient été curieux à t'entendre depuis 2021, par exemple, Mais là, il y a toute cette partie-là là, qui ne peuvent pas avoir accès sur ta chaîne. Oh, ben, il en reste un peu, c'est éparpillé un peu partout, là. C'est ça, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas. Mais là, ça, c'est mon côté bibliothécaire, là. Mais qu'il n'y a pas quelqu'un ou un endroit centralisé, là, comme ça pourrait s'appeler Berthold International, où on les a toutes numérotées, là, les enregistrements, là, de A à Z, là. Ben, franchement, au fil des années, il y a bien des affaires des fois que. Non, non, il y a peut-être. Moi, en tout cas, si je ferais des archives puis tout, je garderais peut-être 10% pour les directs, là. Mais c'est surtout un exercice, là. Puis, en tout cas, je sais qu'il y en a qui gardent le meilleur, là. Mais encore là, Puis. c'est subjectif le meilleur, parce que moi, si je fais un montage d'extrait en lien que une entrevue qu'on fait versus Didier Mignot, ça se peut que chacun de notre côté, on retienne des extraits différents du même enregistrement. Ben ouais, mais je fais confiance pareil, je veux dire, il y a des affaires que je me rappelais même plus, que j'ai vues ailleurs, puis non, je donne pas vraiment ben ben de valeur à ce que je fais. Je le sais qu'il y en a qui ont il y en a qui ont probablement archivé dans des disques durs externes. Fait que je serais pas surpris. Il y a tellement de monde qui m'aime pas, qui sont obsédés par moi, il doit y en avoir qui m'aiment, qui sont obsédés assez pour archiver, là. Sûrement. Oui, bien, certainement, là, en tout cas, peu importe, mais le point que je voulais dire au public, c'est de prenez rien pour acquis, dans le sens que si vous aimez un enregistrement de Berthold, ben c'est sûr que si vous le sauvegardez pas, ben ça se peut qu'il disparaisse dans quelques semaines, comme c'est arrivé récemment là, pour des enregistrements que tu avais produits devant le public là, qui ont été supprimés. Puis en même temps, ben, dans le passé, tu avais déjà fermé une chaîne YouTube, donc. C'est important que les gens s'imaginent pas que le matériel qui est diffusé présentement sera là éternellement. Ben souvent, les gens, ils vont penser comme si je donnais ben, ben de la valeur à tout ça. Mais jusqu'à un certain point, oui. Mais la valeur que ça a, souvent, c'est déjà fait. Je veux dire, c'est pas fixé. C'est pas la job que ça avait à faire, ça a été fait, là. Puis il y a ben des affaires aussi qui étaient rendues hors contexte, là, parce que c'est pour ça, moi, j'ai gardé les choses que je parle plus d'une façon générale. Parce qu'il y a bien des affaires que j'ai produites, c'était comme par rapport au moment là, où je le faisais. Puis c'était lié à des détails dans l'actualité. Puis finalement, ça, c'est pas intéressant. Là, ça ne l'était plus. Donc, c'est tout là. À part ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. OK. Donc, on va commencer à proprement dit. Donc, le thème que je voulais aborder principalement avec vous, c'était la question de la capacité de l'individu à s'auto-guérir. Donc, puis à quel point, advenant le cas, qu'il en est capable. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe. Sans doute, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent étant confrontées à des problèmes de santé chroniques, des difficultés. Qu'occasionne la souffrance au quotidien, ben, il se questionne sans doute sur le même sujet. Donc, c'est pour ça que je voulais aborder cette thématique-là en particulier. Donc, je vous laisse parler, là, c'est vrai. On n'a plus rien à dire. Je regarde mon oeuvre, j'attends, elle dit qu'on n'a rien à dire. Ben, c'est parce que il y a trop. C'est ça, l'élaboration est tellement grande, c'est difficile de partir sur ça, là, mais. Ben, OK, je peux vous relancer avec une question très simple, là. Est-ce que l'être humain a le potentiel, selon vous, de s'auto-guérir à 100%, 50%, 25%? À quel point qu'il peut agir sur sa santé? Bon, moi, je dis que c'est du cas par cas. Puis guérir à 100%, là, il faudrait se comprendre, là. Pour moi, c'est non. Présentement, l'humain n'est pas assez évolué pour s'auto-guérir. Par contre, des victoires sur le cancer, comme tu as donné un exemple, j'ai une amie, moi, qui a combattu trois cancers, qui a 74 ans aujourd'hui. Donc, les moyens, est-ce que c'est de l'auto-guérison? Non. Mais ce que je peux dire que j'ai vu d'elle, parce que je la connais bien depuis 30 ans, c'est que c'est là-dedans qu'elle a travaillé. C'est la pensée qui est le problème. C'est comment on pense, comment ça rentre dans notre cadran, puis qu'on adhère à ça tout le temps. On ne s'en rend pas compte, mais on est tout le temps là-dedans. L'inquiétude, il y a plein de choses, mais elle, ce qu'elle a dû modifier, elle est devenue très, très froide mentalement. C'est incroyable, là. Même sa voix a été transformée. C'est du métal aujourd'hui, cette femme-là. Quand elle parle, on le sent. Mais il a fallu qu'elle change toute sa façon de penser. Puis c'était ça, les cancers. Quand le cancer, c'est une maladie, pour moi, c'est une tentative de guérison du corps. Le mal a dit. Le mal dit quoi? Ben, c'est du cas par cas aussi dans la maladie. T'sais, le cancer, ça ne se traite pas de la même façon. Si on parle d'auto-guérison, mettons, ou de guérison en médecine douce, mais il ne traite pas le cancer de la même façon qu'une maladie auto-immune. Fait que là, t'sais, comparer Oui. d'une maladie d'auto-immune ou de douleur chronique d'arthrose avec des gens qui guérissent le cancer, c'est très compliqué de regarder ça de même. Mais humainement parlant, moi, je pense qu'on n'est pas. On n'est pas en fusion. Moi, je pense que le jour où les humains vont être en fusion vraiment, là, oui, la guérison peut se faire. Parce que le corps éthérique va être bâti. Mais tant que tu n'as pas de corps éthérique bâti, tu n'as rien qu'un cerveau éthérique, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Faut être vraiment en fusion pour être capable de dire qu'on peut transformer quelque chose. Moi, je ne me considère pas en fusion. Peut-être en démarche d'eux, mais sûrement pas en fusion. Sinon, je me serais guéri moi-même des douleurs que j'ai, mais. Je peux juste les soulager. Puis je me suis rendu compte qu'ils utilisent ça aussi pour me faire bouger. Quand mon. Tu sais, nous-mêmes, là, se voir nous-mêmes, c'est très difficile. Fait que si je me mets à moi-même, ben, ils s'arrangent pour me donner mal au dos, pour que je le regarde comme il faut. Il y a une raison. Mais comme dans ton cas, on avait déjà parlé dans un autre enregistrement de l'accident d'automobile que tu avais eu dans le passé, qui avait changé ta vie, puis qui avait mis fin à ta carrière dans le domaine de la danse. Exact. Donc, pour toi, cet événement-là, parce que c'est sûr que suite à cet accident-là, tu as eu des douleurs au dos, puis tu sais, tu as eu différentes problématiques. Est-ce que pour toi, ça faisait partie de ce que j'ai compris? Ben, tu me diras si je déforme ou pas, là. Est-ce que ça faisait partie de ta programmation? Pour moi, c'est clair. OK. L'accident d'auto a changé ma vie. C'est pas par hasard que c'est arrivé. Et là, il fallait que ça frappe. Moi, c'est quoi la question, en fait? C'est qu'est-ce que je comprends de tout cela sur 35 ans? Parce que ça fait 35 ans. Oui. Ils se servent de ça maintenant pour me faire prendre conscience des choses. C'est que ça, c'est le même depuis 35 ans. C'est ça que je dis. Il y a des semaines où j'ai aucun problème. Il y a des jours où ça bloque. Fait qu'il faut que je le regarde. Faut que je regarde comment ça prend. C'est quoi la pensée qui fait que ça déraille, là, quelque part. Puis je le fais. Puis ça soulage à chaque fois. Je retrouve un confort. Je prends aucun médicament. Puis je devrais être sur le Dilaudid à temps plein. Il faut quand même comprendre que c'était mon diagnostic de prendre la morphine à vie pour soulager mes douleurs. C'est Ce que je ne fais pas. Donc, ça, c'est quand il y a même une pas rien, guérison, là. Ce que il y a un acquis. c'est ça, c'est quand même pas rien, parce que les gens doivent comprendre qu'habituellement, de la morphine, on donne ça à des gens atteints d'un cancer en phase terminale, là. Tu sais, c'est l'artillerie lourde, là. Tu sais, le Tylenol extra fort, là, c'est beaucoup plus faible que ça, là. Tu sais, c'est. Ben, mettons, oui, je serais fini au fentanyl aujourd'hui, là. Bien, Non, c'est ça, surtout qu'il y a c'est. une escalade au fil du temps à cause de l'accoutumance du corps. Mais moi, ma question, c'était de savoir justement par rapport à la douleur, surtout qu'on t'avait prescrit quand même du Dilaudid. Moi, mon père, quand il était atteint d'un cancer terminal au niveau de l'intestin, dans les derniers jours, c'est ça qu'on lui donnait, là, C'est ça. qu'on lui injectait, là, il était en phase terminale. Mais justement, comment tu fais pour gérer la douleur pour. Premièrement, démystifier la douleur. Ça n'a fait. Excuse-moi, Bertha, je ne vais pas te couper. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est d'apprendre à comprendre que la souffrance fait partie de la vie. Puis que la souffrance est une hostie de game. Mais ça fait partie de la game, de comprendre que la souffrance. Moi, j'ai réalisé que je ne pensais jamais être capable de contenir ça dans ma vie, puis finalement, je suis très bien pareil. Donc, c'est peut-être intéressant de regarder que la souffrance peut nous rendre plus forts si on n'en meurt pas. Vas-y, Bertha, je te laisse aller. Oh, ben, tantôt, je ferais une respiration. Mais quand j'étais enfant, je m'étais rendu compte que si je me coupais puis que j'observais ma blessure, la douleur s'amplifiait. Puis que si je m'en occupais pas, ouais, puis si je m'en occupais pas, ça diminuait. Fait Un peu que ça, je suis rendu là, je m'en fous. moi, ben, c'est sûr, ben, on s'habitue. Ben, je parle pas dans le sens qu'on sera jamais habitué, mais je veux dire. Apprends à vivre avec. Ce sera à le tolérer. Ça. Contenir la souffrance, pour moi, c'est un exercice intéressant. Et plus je la contiens, je l'ai contenue, puis plus les douleurs disparaissaient, mais aussi on m'amenait des solutions. Je peux me. T'sais, tantôt, j'avais mal au dos parce que j'ai été faire une connerie, là. Ben, j'ai fait quelques petits exercices que je connais, puis ça s'est replacé. Il y a des choses qu'on apprend à faire. Souvent, chaque individu doit trouver ses propres solutions. Moi, ça m'a coûté 150 000 piastres d'ostéopathe qu'on rentre comment travailler avec mon corps en passant là, dans 30 ans. Mais c'est ça. C'est un apprentissage, une belle expérience en réalité, parce qu'aujourd'hui, je peux aider du monde qui souffre physiquement. Des fois, je rigole, je dis que, oh, Lynn, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Mais c'est parce que j'imagine que tu as quand même le dos qui est fragilisé à vie là, suite à ton accident, là. Fait que c'est clair, clair que tu veux pas voir ma colonne, ça fait peur. Mais le point que je voulais emmener par rapport à ça, c'est quand les gens sont confrontés à un problème de santé irréversible, qu'on dit irréversible, en tout cas selon la science officielle, comme par exemple une maladie auto-immune ou les gens qui sont atteints d'un certain niveau de diabète, que là, ça devient difficilement renversible. Changeable, c'est OK, si on ne peut pas changer la situation, c'est sûr qu'on peut composer avec la douleur, comme tu disais, ça occasionne certaines souffrances, mais ça crée une lourdeur dans la vie, à un certain niveau, tu sais. Ah, mais il faut être capable de se poser les bonnes questions, premièrement. C'est quand on souffre de quelque chose, c'est de savoir pourquoi qu'on souffre, qu'est-ce qu'il y a à régler. Il y a quelque chose. Je pourrais parler pendant des heures de ça, parce que c'est des plus que j'ai dû enlever dans ma vie. Cette souffrance-là m'a servi à enlever, à me poser des questions, à me dire comment je peux régler ça, est-ce que je peux, y a-t-il d'autres voies de faire? Connaître le corps, apprendre à connaître comment ça marche, la mécanique. J'ai acquis tellement d'affaires dans ces 30 ans-là que je ne suis même pas capable de m'énerver contre ça. Parce que ça fait partie, oui, à contenir la souffrance, mais on pourrait dire contenir la souffrance émotionnelle, c'est pas plus facile non plus, là. Il faut arriver à être complètement neutralisé. Aujourd'hui, moi, souffrir ne me dérange plus. Il n'y a plus « Oh non, aussi, encore, ah oui, encore, j'ai mal. » Rien de tout cela. Je me lève le matin, j'ai mal au dos. Ah, aujourd'hui, j'ai mal au dos, on verra tantôt. C'est tout. Il n'y a plus d'évaluation de ça. Il n'y a même plus de rationalisation de ça. C'est pour ça que je vais devoir répondre. Parce que je suis décroché complètement. Je m'en fous. Arrangez-vous avec. Je ne peux plus mon problème. Moi, mon problème, c'est que je vérifie comment je me sens dans la journée. Si je ne me sens pas bien, je le regarde. Le dos, il faut savoir décoder. À quoi sert? Moi, la place où c'est ciblé, c'est l'axe du corps. J'étais très faible. C'est ça qu'il faut comprendre. J'avais une progression d'une chieuse. Chieuse ascendant chieuse, là, ça ne va pas chier loin. Donc, si j'ai cette programmation-là de l'âme comme ça, puis que j'ai à vivre une initiation solaire, c'est évident qu'ils vont me passer à travers avec ça. Pour devenir plus fort. Mais c'est là que je. Ce que vous voyez de moi aujourd'hui, c'est un résultat de 30 ans de travail. J'étais une chieuse. Imagine, même pas capable de parler, caché en arrière d'un truc. Et j'avais peur de mon homme après un mur. Tu me faisais quasiment sauter. C'est ça, la monnaie initiale. J'ai bâti ma vie grâce à cette souffrance. Mais ça, c'est en fait un usage constructif, justement, pour arrêter. Donc, t'as pas de poids, sinon, tu te plains toute ta vie. Ben, c'est ça, mais là, tu disais que tu étais chieuse dans le sens que tu. C'était quelqu'un qui vivait par rapport à un sentiment de victime, de tristesse, j'imagine, au début, là. Non, mais j'avais peur de tout. J'étais trop sensible. Une grande sensibilité mal gérée qui a peur de tout. C'était effrayant. Je pleurais sur rien. Je voyais un moustique pleurer, se faire écraser. Je pense que je partais à broyer. Imagine un enfant maltraité. Je suis encore pas capable de regarder ça, d'ailleurs. Je viens bleu marin. Pour moi, ça a servi à me bâtir. C'est ça, je veux dire... Sortir de la programmation de la peureuse, qu'on parle, et la brûler, cette peur-là, brûler le vivre, la peur, puis la brûler. Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus grand-chose qui me fait peur, là, je veux dire. Fait que pour moi, ça a servi. Puis probablement que c'est pour ça que j'ai moins mal aussi. Sinon, ton côté, Bertol, parce que si je ne me trompe pas, à un moment donné, c'était l'appendice, je pense que tu avais eu quelque chose. Puis ça t'avait fait super mal, là. Tu avais été à l'hôpital, puis tu étais sur le bord de, je comprenais, de mourir. Moi, ben, c'est parce que ça avait ouvert. Ça peut être très dangereux. Moi, c'est parce que j'avais 12 ans, puis je disais j'ai mal au ventre, mais j'ai jamais été plaignard. Fait que personne ne se rendait compte que j'étais malade, mais j'étais vraiment malade. Puis finalement, ben, c'est ça, à un moment donné, ça éclate. Puis là, j'ai failli mourir, mais il reste que. Ben, franchement. C'était pas dû. Ben, c'est ça, mais d'un autre côté, je le savais, puis ça me dérangeait pas. Mais c'est ça qui est particulier, parce que t'as des gens, par rapport à ça, il y en a qui vivraient de la peur, de la tristesse, qui passeraient par toute une gamme d'émotions. Moi, j'étais malheureux. OK. À 12 ans, là, j'étais malheureux, j'avais envie de mourir tout le temps. Fait que, une journée, à un moment donné, tranquillement, je voyais que j'étais malade, là, je vomissais de la bile, puis de quoi qu'il allait pas, j'étais tout le temps en train de prendre des bains où j'étais couché. Puis en plus, l'école était sur le bord de recommencer, fait que je me suis dit, ben, peut-être je vais crever avant. Mais ben, franchement, ça me dérangeait pas, là. C'est pour ça, peut-être aussi, que je m'en plaignais pas trop. Mais à un moment Ben, c'est sûr donné, j'ai. que je comprends que si t'étais pas bien, la possibilité de mourir, tu sais, t'as pas grand-chose à perdre. Tu sais, à la limite, Ben, c'est ça. ben c'est ça. Exactement. Oh, j'étais tellement malheureux, je veux dire. Justement, j'étais probablement trop sensible. Puis, je veux dire, ben, même à 12 ans, déjà, je suivais toute l'actualité, je suivais tout m'intéressait. Mais il reste que, finalement, je me disais en même temps, est-ce que mon entourage va s'en rendre compte? J'étais curieux. Mais là, à un moment donné, je vomissais noir. Tu sais, il y a la bile noire à un moment donné, c'est comme vert noir, comme un sac à poubelle un peu. Fait que là, puis il fallait que je cours, tu sais, j'avais pas le choix, fait que j'étais rentré vite aux toilettes pour vomir, puis c'était vraiment, bon, en tout cas, c'est comme vomir du goudron, là. Puis ça pue. Fait que là, ça a comme, je me suis fait pogner, là, que j'étais malade. Je me suis fait emmener à l'hôpital. Puis T'étais je pas t'oublie. plaignard. Non. Non, vraiment pas. Mais je veux dire, moi Vraiment. j'étais. Ben c'est ça, j'étais curieux. Curieux de savoir comment ça va finir. Oui, ben j'étais curieux de voir ce qui allait arriver. Ben je me disais, est-ce que mon entourage va s'en rendre compte? Ben je me souviens à cette époque-là, je me rendais compte que mon entourage ne me voyait pas. Vraiment. Je dis, ils vont-tu le voir? Mais finalement, non, non, à 12 ans, en plus, c'est le père de mon père, il avait eu la même chose à 12 ans. Puis, ben c'est ça, il est mort à 46 ans. Mais mon père, il m'a écrit une belle carte qui disait dedans, ton grand-père, il a eu la même affaire au même âge, j'espère que tu vas pas finir pareil. Yes, papa. Mais c'est sûr que ça peut avoir, dans certains cas, des problèmes de santé, une composante génétique. Ben, il y a de la programmation aussi là-dedans, par rapport à la génétique. Je veux dire, c'est un ancêtre, il y avait un conflit, si on peut dire, sans tomber dans les affaires de biologie totale, puis tout, mais il reste, s'il ne l'a pas réglé, ça peut sauter de génération puis revenir. C'est des programmations héréditaires. Puis le père de mon père, ben, moi, parce que vu qu'il est mort tellement jeune, je ne l'ai pas connu, mais de tout ce qu'on m'en disait, c'est une figure tellement détestable. Puis que mais du moins, j'ai peut-être hérité d'une partie de la programmation, mais je n'ai réglé sûrement une partie aussi. Je serai jamais aussi détestable que lui. Puis Ce serait difficile. bon. Mais moi, je suis d'accord avec Bertol, ça se transmet. Je pense que ce que le parent ne règle pas se transmet en on dit génétiquement, mais ce que le parent ne règle pas, l'enfant, la suite ramasse ça. C'est ce qu'on appelle le karma, là, Ou la familial. transmission de mémoire transgénérationnelle. Mais par rapport à ça, est-ce que vous évaluez qu'il est possible que Vio ait un soin énergétique ou une consultation en hypnose régressive, que ce type de mémoire-là peuvent être neutralisés par un soin, non? Ça dépend, là, c'est du cas par cas. Moi, il faut que tu brûles la mémoire. Si tu ne brûles pas, il n'y a rien à foutre avec ça. Quand même qu'il m'hypnotiserait et m'amènerait dans un autre. Ça peut pas. C'est pas de même que ça se règle. Il faut brûler la mémoire pour Qu'est-ce la que vie. tu entends par brûler? Ben, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une mère qui souffrait de maladie mentale qui n'a pas réglé son problème. C'est sûr que ça a sauté sur nous autres après, là, les deux enfants. J'ai eu à vivre devant, à faire face à ça. La maladie mentale que ma mère n'avait pas réglée. Donc, il a fallu que je la brûle, il a fallu que je vive un état de marre pendant un certain temps pour comprendre c'est quoi la maladie mentale puis comment couper avec ça. That's it. Et à partir de là, c'était fini. Puis la maladie mentale, elle est allée ailleurs, sur mon neveu, ma soeur. C'est vrai ce que je dis là, mon neveu souffre de maladie mentale. Puis ma soeur, borderline aussi. Là. Ça, Ben, moi, je. c'est au niveau psychologique. Il peut y avoir. Ben. C'est le même mécanisme pour n'importe quoi. Ben, au niveau physique, moi, la façon que je vois ça, c'est comme étant autre chose, dans le sens que, disons que quelqu'un, son père est atteint du cancer, lui, la personne développe un cancer par rapport au même type d'organe. Il y a une dimension physique que la personne peut dire, ben, je compose intelligemment avec la maladie, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne va guérir, tu sais. Ben, moi, je me poserais la question à quoi sert l'organe avant de penser à guérir. Hein? Genre. Oui, mais comme dans mon cas, c'est ça, j'ai fait quand même une étude dans. L'organe atteint, il sert à quoi? C'est ça, ben, comme dans mon cas, ben, moi, c'est au niveau du pénis. Puis on s'entend que dans mes ancêtres, il y en a peut-être en tant que Québécois religieux catholique qui étaient peut-être complexés avec la sexualité. Ça se pourrait, hein? Tu sais, je veux dire, ici, le sexe était mal vu au Québec. Mes parents étaient très religieux. Puis j'étais un milieu Ça. plutôt conservateur. Donc, moi, je me suis dit, il y a peut-être un ou même plusieurs de mes ancêtres qui ont eu des problèmes de timidité génitale ou autre, ou ils se sentaient coupables de leur sexe. Puis là, ça s'est peut-être transféré sur moi. Tu sais, c'est une hypothèse, là. C'est toi qui le sais, c'est ça que je dis. Il faut se poser des questions pour nous-mêmes. C'est là où je suis d'accord avec toi. C'est du cas par cas. Là. Faut voir, C'est c'est ça, mais ça toi. devient subtil parce qu'on touche quelque chose de tabou. C'est sûr que C'est les ça. gens de ma famille ne vont pas se présenter à moi puis se vanter, hey, j'ai des problèmes de timidité génitale, puis je parlais de ma sexualité. Ce n'est pas les choses que les gens vont afficher ou vont être fiers. Donc, il y a une dimension là-dedans qui devient difficilement exploratoire par rapport à ça. La lurette, à quoi ça sert, une lurette? Ça sert, dans le fond, c'est le bout, dans mon cas, c'est le méa urinaire, pour être plus précis, le bout du pénis qui bouche. Ça sert à uriner. Donc, ça circule. Il y a des gens qui Donc, vont. il y a quelque chose qui bouge. Oui, c'est ça. C'est peut-être Bon. moi qui est bouché ou qui n'entend pas quelque chose, qui a m'ajusté, là, être plus fluide, là. Si on peut le Il y a prendre. peut-être, je veux dire, bon, ben, c'est beaucoup de responsabilités, puis tout. Puis là, bon, visiblement, ça a servi. Je veux dire, il a servi. Parce que tu as eu un enfant dernièrement. Puis là, je me dis, peut-être qu'au niveau de l'inconscient, il y a des affaires qui font que peut-être qu'inconsciemment, tu n'en veux pas d'autres. Je ne le sais pas. Un point Mais hyper les intéressant maladies. à C'est parce que les explorer. maladies auto-immunes, c'est bien. J'ai une tante, elle faisait de la sclérodermie, c'est une maladie de la peau qui est durcie. Puis là, les gens ils viennent dur, puis ça comprime les organes internes. Mais je m'étais intéressé à cette maladie-là quand j'avais su qu'elle avait ça. Parce que c'était une de mes tantes qui était bien spéciale. C'était maman reine. Puis j'ai tout le temps eu l'impression que. C'est comme si sa personnalité se cristallisait dans la matière des aspects. Puis après, par après, je me suis intéressé, puis il y a une composante psychologique à la sclérodermie, la plupart des maladies liées à la peau. C'est pour ça Apparence. que dans ton cas, moi, je l'essayerais l'hypnose. Parce que c'est les maladies liées à la peau qui a le plus d'effet. Ben, je ne dis pas de ne pas l'essayer. Ce que je dis, c'est qu'on peut essayer des choses, mais en même temps, si ça ne donne pas les résultats, tu peux l'essayer, tu n'as rien à perdre. De toute façon, il faut passer à l'étude de nos vies. Ben, passer à l'étude de nos vies, c'est expérimenter des choses. Moi, je t'invite à le faire au contraire. Pas de ne pas rien faire. Mais ça se peut que tu découvres qu'il n'y a rien qui fonctionne aussi dans ce contexte-là, qu'il faut que ça, tu le regardes autrement. Je pense que quand on est en initiation comme les êtres que nous sommes, on n'a pas accès aux mêmes réparations que d'autres. Ben, et les autres, justement, à qui tu fais référence? Ben, je me réfère à rien d'autre qu'à moi maintenant, c'est difficile de Bon, mais sortir c'est ça. parce que là, finalement, il n'y a pas de point de comparaison. Ou, ben ça, j'aurais le Ben, goût c'est de parce dire. qu'on ne vit pas le même monde. Moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer. À partir du moment où tu rentres en initiation, les lois de l'astral ne fonctionnent plus avec nous autres. Ça, c'est over my dead body. Je peux vous en mettre à plein à la vue là-dessus. Maintenant, c'est les lois du monde mental qui rentrent, puis tranquillement, qui se rapprochent de nous. Puis, tu sais, on parle d'éventuelle fusion un jour. Ils vont se servir de tout ce qu'ils peuvent pour libérer. Il faut que le corps upgrade aussi. Il y a plein d'affaires dans tout ce qu'on dit. Il y a l'ADN qui doit être modifié. Ça peut être utilisé, la souffrance peut faire que ça fait des corps plus forts, l'ADN se modifie. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais j'entends ça. Ça peut modifier même l'ADN, la souffrance de quelqu'un, d'amener le corps à être plus fort éventuellement. On a besoin d'être plus fort. On est oui, quand tabarnouche, c'est ça. Oui, des petits. Mais ça, en lien avec ce que tu dis, c'est sûr que dans mon cours, en fait, moi, j'étais content parce que mon opération, ça s'est fait vite, là. Dans le sens, j'ai rencontré le médecin et puis là, il a comme à regarder ses bouchées, il m'a opéré la journée même, là. Tu sais, il n'y a pas au privé, tu sais, j'ai beaucoup de gratitude pour lui, là. Sauf que si j'aurais pu réfléchir à, mettons, à l'opération pendant 2, 3 mois, là, j'aurais sans doute fait de l'insomnie, là, tu sais, je veux dire. En fait, quand il m'a gelé, ça a fait mal, mais quand il a ouvert le bout du pénis, sur le coup, vu que j'étais gelé, ça m'a pas fait mal. Mais après ça, quand ça a dégelé, ça m'a beaucoup fait mal, là. Parce que, tu sais, j'urinais, puis c'était à travers de la peau ensanglantée, là. Tu sais, c'était à chair vive, là. Puis au début, je criais. Après ça, ça a diminué. Disons, les 2 premiers jours en particulier, très mal, tout le temps, c'est Tylenol extra forte. Ensuite, les 2 premières semaines, après ça a été moins pire. Sauf que la problématique, puis je vous explique un peu, c'est que là, la peau s'est refaite, mais elle s'est pas refaite rose comme elle devrait, elle est un peu blanchâtre, cassante. Fait que là, je suis obligé d'utiliser du dilatateur, mettre de la crème pour adoucir la peau. Fait que c'est pas réglé à 100%. Fait que ça me garde sous tension. Puis, tu sais, ça fait 3 mois que ça dure. Fait que là, tu sais, comme on dit, j'essaie de m'adapter, pas réfléchir à ça tout le temps, pour pas aussi être trop achalé, ma compagne, là, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd pour elle m'entendre me plaindre à tous les jours par rapport à ça, là, à un moment donné, tu sais. Surtout le pénis d'un homme. Hein? Ben, c'est ça, là, C'est c'est... ça que je trouve intéressant, moi, dans cette attaque. J'appelle ça une attaque de moustique, là. Mais le pénis chez l'homme, ça a tellement d'importance. En quelle mesure ils ne sont pas en train de te brûler des mémoires par rapport à toutes sortes d'affaires dont Bertolt parlait dans une forme Ben, d'inconscience? ce qu'il dit, c'est intéressant, Berthold, honnêtement, parce que en réalité, bref, ce problème de peau-là, je l'avais depuis plusieurs années, mais pas au niveau du méa urétral, c'est-à-dire c'était sur le pénis, sur le gland, j'avais des taches blanches à un moment donné qui apparaissaient, à un moment donné, ça disparaissait. Mais c'était esthétique plus que d'autres choses, ou tu sais, c'était désagréable au niveau de la peau, mais pas avoir un besoin que d'être circoncis, parce que certaines personnes, il faut qu'ils se fassent... enlever là, la peau qui entoure le pénis, parce que ça marche plus, là. Mais pas à ce Parce que point-là. ça sèche, puis ça, Ça tu peux plus déployer rien, là. Exactement. Ça Ça va pas bien. durcit, puis ça l'écrase, là. C'est ça. Très mal. Mais c'est ça, ce qui est particulier, c'est que c'est arrivé, ce problème-là, après la naissance de ma fille. Puis, par rapport au projet d'avoir un autre enfant, d'un côté, c'est comme ça m'intéresse, mais en même temps, ça me crée du stress, parce que là, j'ai peur par rapport au contexte présent, l'inflation. Tu sais, il y a plusieurs. On est dans une société où il y a plusieurs problématiques. Puis, tu sais, je suis un peu dans l'ambivalence. Puis peut-être qu'en lien avec ça, je suis un petit peu comme bouché ou fermé à un certain niveau au projet. Ou c'est la façon que c'est extériorisé le stress suite à la grossesse de ma compagne, puis les 3 années qu'on a vécues, 2020 jusqu'à présent. En lien avec la gestion de période qu'on a dite de crise sanitaire, ça m'a créé beaucoup de stress parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, si je ne peux plus aller au restaurant parce que je ne suis pas un adéquatement injecté, aller au cinéma, à un moment donné, peut-être que je vais être exclu totalement de la vie sociale, là. Fait que, tu sais, ces pensées-là m'ont amené à créer du stress. Puis en même temps, il y a des choses concrètes parce que quand j'en parlais avec ma compagne, elle est obligée de dire, mais là, j'étais pas juste dans la fabulation. Je veux dire, quand il y a eu couvre-feu à 20 h, on nous demande un passeport pour aller dans les quincailleries ou dans certains commerces. Je dis, Chris, j'hallucine pas, là, c'est des faits, je m'appuie sur du concret. Fait que là, j'ai vécu beaucoup de stress aussi dans les dernières années. Fait que peut-être qu'il y a une catalysation du stress par rapport à ça dans mon cas, qui était le point de faille à un certain niveau. Fait que ça, c'est des hypothèses que j'ai. Sauf que le point. Le questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est à quel point que j'ai une capacité d'auto-guérison individuelle pour retrouver un état où que la peau va être rose comme normalement, va être douce et comme ça l'était avant que j'aie ce problème-là de santé qui s'est déclenché il y a plusieurs années, ou je compose avec elle en disant, ben, ce problème-là, c'est une fatalité, c'est comme ma programmation biologique, c'est ainsi, puis faut que j'arrête de réfléchir à ça. Ben moi, je pense que Ben, tu dois y répondre. Vas-y, Bertha. oh, excuse, ben, je me dis, l'affaire, là, si le dilatateur, si tu l'utilisais souvent, je veux dire, ça doit être moins pire que si tu l'utiliserais juste de temps en temps, là. On finit par s'habituer. Ben, c'est pas ça, mais genre, ben, regarde, comme Ah. moi, j'ai des durillons, là, après les pieds, ben, j'ai tout le temps eu des souliers bien étriqués, puis j'ai été des années travailler debout. Mais j'arrange ça moi-même, là. J'ai fait venir un kit pour les pédicures, là, puis les podiatres avec un paquet de couteaux, puis de scalpel, puis de cossin, puis j'arrange ça moi-même. Mais c'est pas plaisant non plus, là. C'est sûr que j'aime mieux ça que de mon père. Je mon père le pénis. Chaque fois que je prends mon bain, c'est pas pareil, là, mais il reste qu'avec les années, ben j'ai un bout de faire que le problème, ben j'en ai pas de problème dans le fond, puis j'enlève à mesure. Mais reste que c'est sûr que c'est pas plaisant, là. Non, exactement. Ben, en fait, c'est comme le médecin qui m'avait mis en garde. Il me dit souvent, les gens, bon, ils se font opérer. Des fois, ils diminuent la fréquence d'utilisation du dilatateur. Puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'ils n'y pensent plus. Puis, 2 ans après, ben, l'urètre rebouche. Fait que là, c'est une autre opération. Fait que là, il faut que j'aie cette hygiène-là, dans le fond, cette façon de vivre, un peu comme, ben, je me brossais les dents déjà là, plusieurs fois par jour. Fait que j'ajoute ça à ma routine. Ça alourdit les choses que je fais au quotidien. Certes, je peux avoir la discipline de le faire, mais c'est contrariant, plus particulièrement par rapport au fait que si j'utilise pas puis ça bouche, ben c'est une autre opération qui m'attend. Là. Là, on est juste dans le décortiquage des symptômes. Si on ne trouvera pas de réponse là-dedans. Là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si on ne trouve pas de réponse, de toute façon, c'est au moins de vivre avec. Ben oui, c'est sûr, mais à quoi sert, tu sais, c'est ça, je te dis, à quoi sert, tu sais, l'urine? L'urine, ça élimine. Oui. Tu es plus capable d'uriner, donc tu élimines mal. Je regarderais qu'est-ce que j'élimine mal. Ça peut être tes formes pensées, ça peut être ta façon de penser, ça peut être plein de choses. Tout ce qui est relié à la peau, pour moi, c'est relié aussi à l'apparence, de quoi j'ai l'air, de me mettre debout, de me lever dans la vie. Je sais pas, je dis plein n'importe quoi, là, mais pour moi, c'est le même, je regarde comment moi je fonctionne avec des douleurs. À quoi sert la chose, à quoi sert l'organe touché, qu'est-ce que j'essaie de voir si c'est une piste. Puis là, ben, j'écoute, j'attends de voir si l'information qui descend a de l'allure. Et après, ben, je fais des tests, là, comme tu peux faire. Je l'ai dit, j'ai payé pour 150 000 piastres d'ostéo. Je suis allé voir des chiro, des ostéos, des physios, des si, des toutes sortes de monde, des guérisseurs, des traitements d'énergie. Rien ne fonctionne. À un moment donné, j'ai dit, ben là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? C'était la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était corriger ma pensée. Ben, il peut y avoir un volet au niveau de la pensée, tu sais, ça peut être multiniveau. Sauf que le point, puis l'un des questionnements que j'avais aussi, c'est que l'âme, quand elle vient sur Terre puis elle s'incarne, est-ce qu'elle va choisir un corps avec une programmation? Est-ce que, par exemple, il y a un risque de 80% de diabète? Est-ce que faut le voir de même ou pas, ça n'a pas rapport? Tu dis quoi à un enfant qui vient au monde qui meurt 2 ans après? Hein? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a quelque chose dans ton questionnement qui est, je trouve, bizarre, David. Je veux dire, oui. Un homme choisit d'incarner un enfant pendant 2 ans puis il meurt d'un accident, d'une leucémie. En quoi c'est différent de ton cas? Hein? Pourquoi? Ben oui, les hommes, ils choisissent cette sorte de corps. Ben oui, on choisit de venir ici pour des raisons de régler certaines choses, oui. C'est sûr que... Aujourd'hui, je considère qu'on choisit notre plan de vie. Je ne suis pas venue ici en choisissant pas. Là. Pour moi, je l'ai choisi, mon plan de vie. En tout cas, c'est sûr que c'est toi qui es concerné. Je veux dire, c'est comme un enfant qui vient au monde, qui est malade 2 ans, puis qui meurt. Souvent, c'est pour l'intégration des parents. Mais là... parents, effectivement. Mais là, c'est pas pareil. Non, ça, c'est un autre niveau. Pour ça, je te dis, c'est peut-être lui aussi, il y a eu un certain stress qui parvient pas jusqu'à la conscience par rapport à la naissance de ta fille. Il dit qu'il y avait des problèmes avant, Berton. Moi, mais peut-être que... Il y avait un conflit par rapport à ça avant, puis le fait que ça s'est concrétisé, là, ça a bouché. T'as de l'allure, ce qu'il dit, moi, je trouve. Parce que moi, je regarde ça juste au niveau de l'histoire, juste par l'observation. Il y a les organes du corps, il y a un langage du corps, puis il symbolise des affaires, puis c'est bien profond, là, c'est archétypal. Comme la femme là, qui avait martyrisé Aurore, l'enfant martyr, là, c'était pas sa mère, mais c'était une mère pareille, bien, elle est morte du cancer du sein. Puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de religieuses qui, justement, qui refoulaient leur côté, qui n'avaient pas eu de famille, finalement, puis tout, puis ils font des cancers du sein. Mm-hmm. Il y a quelque chose. Il y a même des femmes qui ont eu des enfants qui ont des cancers du sein aussi, parce que leur rapport avec la mère n'est pas réglé, ou leur rapport. En tout cas, moi, je regarde ça de même. C'est ça, il peut avoir une fonction symbolique. Mais moi, ce qui est ma curiosité, c'était de voir un petit peu à quel point notre vie est déjà prédéterminée, dans le sens que les événements, les maladies plus majeures qu'on va avoir, à quel point ça s'inscrit dans le cadre ou non d'un plan de vie prévu à l'avance. Ben, ça dépend tout le temps, c'est quoi tu as intégré dans le fond. Je veux dire, si j'avais jamais eu de problème, je veux On serait dire, pas là. On serait même pas assis là. c'est ça, j'aurais jamais rien fait dans le fond. C'est grâce à la lourdeur que j'ai eu une solidité à un moment donné. Exact. Donc, ça me rappelle un conférencier qui disait. J'ai commencé à me réveiller parce que j'avais des problèmes, puis il disait merci Seigneur pour mes problèmes. Quasiment. Donnant les remercier, c'est une autre histoire, mais bon. Je pense qu'il faut regarder ça, c'est ça, je dis, regarder que la souffrance, il faut la regarder comme un outil de travail. Puis au lieu de se plaindre, de dire, OK, le corps veut se guérir de quelque chose. Il faut que tu le trouves, le quelque chose. Ça demande d'être intelligent un petit peu. Oui, Parce que ben. il faut que tu explores. C'est que la question de la cause, malheureusement, dans la médecine conventionnelle, est évacuée. Dans le sens que j'ai rencontré deux urologues, puis eux autres, la cause, ça demeure inconnue. C'est une réaction auto-immune de ton corps. Tu sais, ils vont pas faire des liens par rapport à l'enfance, encore moins la notion de vie antérieure ou parallèle ou de plan de vie. Tu sais, c'est vraiment. Puis il y en a un, j'ai dit, est-ce que je dois ajuster mon alimentation, mon augmentation pauvre en oxalate? J'avais vu sur Internet que supposément ça pouvait potentiellement améliorer. Lui, il dit non, j'ai pas vu d'études par rapport à ça. Tu sais, c'est. Ben là, comme s'il regardait les études par rapport à toutes, lui, tout le temps. En tout cas, ils ont manqué les études des 3 dernières années, tabarnak. Ben là. Excusez-moi. Et n'importe quoi. Moi, les médecins, je m'en sers comme diagnostic. Pour ce qui est du reste, je ne m'intéresse absolument pas à ce comment. Le traitement, c'est à l'ultime pour moi, dans le Parce que la sens où j'ai plus le psycho, choix. c'est ça, parce que le psychosomatique, ils vont le sortir quand ça fait leur affaire et ça bouche un trou. Là, si c'est des affaires qu'ils n'ont pas envie de traiter, genre, c'est comme qu'ils peuvent pas faire grand-chose, comme la fibromyalgie, là, ils sortent dehors, c'est dans votre tête. Ben ouais, mais la douleur est réelle pareil. C'est pas parce que quelque chose est psychosomatique que t'as pas une douleur réelle. Je veux dire, dans le fond, peut-être que presque 100% de tout est psychosomatique, au Mais je te fond. dirais par rapport à la fibromyalgie, ça a quand même évolué au niveau médical, parce que j'avais discuté avec quelqu'un qui était atteint de ça, puis elle me racontait que pour l'évaluation objective par un médecin, il y a des points dans le corps sur lesquels ils vont presser. Puis si la personne sent une douleur significative, c'est à partir de ça que le diagnostic est fait. Il y a Ouais, ben, 17 points. moi, c'est tranquillement, là, parce que moi, la fois qu'on m'en avait parlé, c'était pas là, là. C'était encore à dire, c'est dans votre tête. C'est pareil comme la maladie de Lyme, là. Ça commence, là. Mais Ici, il il y peut a avoir juste un peu. 5 ans. Oui, Ouais. mon. Il a raison. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, Bertha. On découvre la maladie de Lyme, puis ici, avoir un test pour la maladie de Lyme, il faut que tu te battes avec eux autres parce qu'ils pensent tout le temps que c'est pas ça, là. Mais la médecine, pour moi, scientifique, il faut vraiment être intelligent pour savoir s'en servir. Moi, je m'en sers au niveau du diagnostic, comme je dis, puis je les pousse dans le diagnostic. Puis même là, je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, je passais des tests pendant des années. J'avais de la misère à marcher de plus en plus. Là, c'est plus mon dos, c'est mes hanches. Puis j'avais l'information que j'avais un problème des électrolytes. Entends-moi, électrolytes, fais checker. J'ai essayé 4 ans à faire checker mes électrolytes. Le médecin, à dernier, me disait que j'étais une malade imaginaire. J'ai dit, je suis tellement imaginaire, je suis même plus capable de marcher 800 mètres. Hey, tabarnak! Laisse faire ton imaginaire, là, je suis pas capable de marcher. Sais-tu ce que j'avais comme problème? Des carences alimentaires profondes. Les douleurs ont disparu à partir du moment où j'ai trouvé la solution d'aller me chercher quoi? Toutes les électrolytes nécessaires. J'avais beau y dire, je m'entraîne, je travaille tant d'heures, je donne, tu sais, physiquement, je suis tout le temps dans le corps. Non, tout est beau. Les tests sont tous beaux. Là, j'ai découvert que les tests au Québec, là, méfiez-vous. Hypothyroïdie aussi, je faisais de l'hypothyroïdie. Il a fallu que je dénvoie toutes mes prises de sang en France. J'ai un phytothérapeute qui faisait de l'analyse autrement pour découvrir c'était quoi mon problème. Ça m'a coûté 4 000 $. Mais j'ai plus de problème. Puis j'ai plus mal aux hanches. Mais ici, oh, ben, j'étais une malade imaginaire. Je n'étais pas hypothyroïdienne. Ben, c'est intéressant ce que tu nous partages parce que ça nous fait part des limites quand même importantes de la médecine officielle ici. Surtout au Québec, là, c'est limité depuis Ben, 30 ans. Hein, c'est fait que... ça. Ben, moi, je vois le Québec comme étant, avec le réseau de la santé publique, comme étant inadéquat. pour répondre aux besoins de la population. Il y a plein de gens qui n'ont même pas accès à un médecin de famille au moment où on se parle. Donc, bon, au niveau du nombre de lits disponibles par habitant, on est un pays du tiers-monde, là. Carrément. La France sont en grosse crise, puis ils ont deux fois plus de lits par habitant. Ils sont en crise. Parce qu'ils font la même démarche que nous, de couper des lits, couper des lits, couper des lits, couper des lits, puis après ça, dire qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, il n'y a plus de place, c'est plein. Même pendant la période des trois dernières années, je ne sais pas combien de lits ils ont coupé, là. N'importe quoi. Moi, je ben, c'est ça, c'est parce que d'autres, ils créent la pandémie, ben, c'est-à-dire qu'ils créent une situation c'est où il y a le une pénurie de lits, puis après ça, ben ils vont être après le monde pour dire, mais là, il faut vous respecter les mesures parce que là, ça déborde déjà, fait qu'il faut que vous fassiez attention pendant le temps des fêtes, pas trop de rassemblements. Mais, bon, puis du contrôle social. Mais le point que je voulais faire, surtout dans un contexte comme ça, ce qui peut être intéressant pour les gens, c'est d'être capable de développer au maximum leur capacité de gérer leur santé pour pas justement se ramasser avec le réseau de la santé qui est désuet ou que les médecins ils ont plus ou moins de compétences ou sont très limités, là. Bon, on s'en va vers une mentalité comme le Juche en Corée du Nord, là. C'est le Juche, c'est tu t'arranges. Un système D en français. C'est ça. Débrouille, système débrouille. Mais tu sais, je veux dire, si tu regardes, il reste que c'est les résultats d'un système un petit peu socialiste, dans le sens que après ça, ils veulent gérer ça. Ils prennent des ministres de la Santé, c'est des gestionnaires d'entreprise, dans le fond, c'est des corporatistes. Qu'est-ce que tu fais quand une compagnie perd trop d'argent, tu coupes? C'est ça. Fait qu'eux autres, ils connaissent pas trop grand-chose, donc, là. Puis ils font la même affaire depuis des décennies. Les gens, ils ont été infantilisés au niveau de leur santé pendant les années 50-60. C'était de l'infantilisation au niveau de la santé. Tu sais, c'est... Mais quoi? Et jusqu'à maintenant. Oui, ben tu sais, ces gens comme, tu sais, Dalton, docteur Marcus Wilby, là, dans ses... il veut soigner son patient, mais le patient, il veut pas être soigné, puis là, il est obligé de s'astiner avec, ouais, mais vous allez mourir, puis là, oh, laissez-moi tranquille, c'était tout le temps une affaire de main. Mais là, c'est rendu que là, tout d'un coup, il faut se responsabiliser, on est responsable de notre santé, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas expert, tu n'as aucune responsabilité sur ta santé, ta gueule, puis fais ce qu'on dit. Ah, ben là, il faut faire de l'auto-soin. Mais ils ont infantilisé le monde pendant tellement longtemps. L'auto-soin, la plupart du monde. Ben c'est ça, ils ne pourront pas changer du jour au lendemain, là, passer d'une polarité à l'autre. Là, c'est pas réaliste là, en quelques jours. Mais, il faut développer de la certitude pour soi. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que si j'ai une information qui descend, c'est moi qui ai raison, point barre. Même pas un médecin. J'ai fait face à un neurochirurgien à 25 ans. C'est là que j'ai compris que c'était moi le boss. Il voulait m'opérer, j'ai refusé, puis il m'a sauté quasiment dans la face. Là. Voyons donc, madame, c'est pas vous qui allez décider. Ah bon? C'est qui, tu penses? Je sais pas. Puis à partir de là, ça a été mon sentier plus important que ce qu'ils me disent. C'est ça, il faut avoir de la certitude en Christ, puis d'avoir de la colonne. Tu peux pas te douter deux secondes d'écart, sinon t'es cuit. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a un contexte aussi par rapport à ça, dans le sens que dans mon cas, j'étais au pied du mur. Quand le médecin m'a offert de m'opérer, je veux dire, j'étais plus capable d'uriner normalement. Fait que c'est pas moi qui m'arrête. Non, je te dis pas d'opérer. Là. Dans ton cas, c'est nécessaire. Tu sais, c'est correct. C'est pas ça. Mais à un moment donné, tu sais, c'est bien ce qui t'amène comme solution, mais tu vois que toi, ces solutions-là, c'est pas une solution. Ben, continue à explorer, tu vas en trouver et amener des solutions. Qui vont être peut-être en dehors de la médecine, c'est ça. Ben, si tu étais resté dans le système public comme c'est là, tu serais. Tu sais, je veux dire que tu n'as pas eu de nouvelles. Mais là, c'est parce que si tu ne peux plus uriner, tu commences à avoir de l'urée dans le sang, les reins commencent à. Ben, c'est ça, il y a un paquet de servicieux. Là. C'est parce que dans le fond, c'est un peu déprimant, mais quand j'ai eu mon médecin de famille, ben, il s'en revenait à ce qu'il a dit. Ben là, il a fait la référence pour que je rencontre un urologue dans le public. Mais c'était comme si tu vois que l'urée de bouche, ben cours à l'urgence pour qu'il te débouche ça. Après ça, les urgences ont débordé, mais on ne demande pas. Ben là, c'est ça, là. Je veux dire, les urgences, tout ce qui n'est pas réglé puis qui s'accumule en amont, à un moment donné, c'est l'urgence qui se ramasse là. Tous les gens qu'ils voulaient même plus, ils n'osaient même plus aller à l'hôpital pendant 3 ans. Ben là, ça s'accumule les affaires, puis il y a des diagnostics qui ne sont pas faits. Puis à un moment donné, il est trop tard, puis ils sont à l'urgence. Ben, savez-vous combien de milliards de dollars est investi dans le système de santé du Québec, les amis? Non, vas-y. 50, je vais vous le dire, moi. 50 milliards l'année passée. Il y a 52 semaines dans une année. Puis on est 8,5 millions au Québec. C'est-tu quelque chose qu'on n'a pas compris, là? Tout est dit. Ben, c'est comme est-ce le reste. Est-ce qu'on va être censuré, là, c'est-tu? Ben, ça fait des années qu'on le dit. Je veux dire, même les émissions à la télévision qui traitent de la politique avec humour, comme dans le temps, le Rira bien, ou Astor et Foman, puis tout, c'est justement nous rendre ça banal. Ben oui, on se fait voler. Ben On se oui, fait c'est voler, donc mais pas. C'est drôle, hein? Mais 50 milliards, imaginez ça, là. Ça veut dire que l'argent est là, mais elle ne va pas à bonne place. Ça fait 40 ans que ça dure, puis qu'on ne fait rien, puis qu'on trouve ça drôle, nous, les Québécois. Ben c'est ça. Continuez à trouver ça drôle, puis faites-vous enculer, que là, c'est le cas de le dire avec un sapin. Puis ce sera ça. En passant, il n'y aura rien qui va se régler si les gens ne bougent pas. Ça, c'est clair. Ben c'est ça. Ben, ce qui est clair, c'est que moi, j'ai décidé de bouger, je ne les écoute plus, puis je ne contribue plus. Mais je m'écoute moi. Quand ils les écoutent plus, ils n'ont plus de prise. S'il n'y a plus, les gens ont de moins, arrivent à trouver des solutions à leur maladie. Peut-être qu'il y a des maladies qu'on n'a pas le choix, là. Je ne dis pas ça. Si j'avais un cancer, je regarderais plusieurs options. Mais ce que j'essaie de dire, c'est pour devenir plus autonome et être capable de prendre nos propres décisions sans attendre que ce soit le médecin qui décide tout. Écoutez, une blague, là, j'ai une petite verrue de rien. Vous avez dit, torbante, la joke. Une verrue sur un pied. Et c'est la fin du monde, toi. Ben, Chris, imaginez-vous que c'est plus un virus. Le médecin me dit, je dis, hey, c'est un virus, ça, qui se réactive. J'ai eu ça il y a 35 ans, une fois. C'est comme une mémoire qui se réactive, là, pour moi, mais lui, c'est pas le même qui voit ça. Puis il me répond, non, non, c'est pas un virus, c'est une verrue. Ah bon? Ben, comment ça s'attrape? Ah bon? Comment ça s'attrape? Ben, j'ai jamais eu de réponse quand j'ai posé la question. Mais là, c'est que, écoutez bien ça, là. J'ai déjà eu une verrue dans ma vie, puis j'ai été deux fois me faire brûler ça à deux reprises, deux rendez-vous, avec une tige où ce qui est trempé ça dans de l'azote, puis il brûle ça, puis ça fait mal, puis c'est fini après deux shots. Mais là, ça fait quatre fois que j'y vais, puis toujours pas bon. Non, mais c'est ça, ça marche pas tout le temps que l'azote liquide. Moi-même, je l'ai fait. L'azote liquide, ils s'en servent plus, c'est plus ça qu'ils ont. Là. Ils ont une espèce de petit appareil, là, un petit fusil qui se met pas au pied de ton pied, parce que t'es même à l'autre bout, qui vise ta verrue comme un fusil. Écoute, c'est hilarant. Moi, je suis mort de rire. Je regardais le médecin, je suis comme, on dirait qu'il a peur d'une verrue, tu sais. Ils se mettent tellement. L'appareil, il est pas ça fonctionne pas. Ils ont changé quelque chose qui fonctionnait très bien pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Ben, c'est parce qu'il faut te revienne. Ben, c'est ça que je dis. Sont payés à l'acte. Moi, j'ai remarqué avec des proches, là, souvent, ils ont des tests de prise de sang, mais tant qu'à moi, le médecin, il sait qu'il a demandé une fiole de sang pour tel test, une fiole de sang pour tel test. Il sait que la moitié, il sait que ça va revenir négatif. Mais c'est comme dans le temps que le médecin, il venait te voir, puis finalement, il voit qu'il n'y a pas de traitement qu'il peut faire. Il dit « Ah, ben je vais quand même vous faire une saignée puis un lavement, parce que là, il peut charger de quoi. » C'est ça. Puis quand ils ne savent pas quoi te prescrire, ils te prescrivent de la cortisone. C'est ça. C'est ça que j'ai remarqué du monde dans mon entourage. Quand le médecin ne sait pas trop, il sort du bureau avec de la cortisone, une prescription de cortisone. Comme moi, je suis sorti du bureau avec une prescription d'infiltration de cortisone. Exactement. Que j'ai jamais touché d'ailleurs. Non, exactement. C'est sûr que ça leur permet de. L'effet pervers du système, c'est que ça donne des revenus récurrents, dans le sens qu'on s'attaque aux symptômes et non pas à la cause. Si le problème n'est pas de fond réglé, mais si on pense par exemple au cas du diabète, je veux dire, des gens qui à tous les mois vont payer des dépenses quand même importantes là, par rapport à ça. Tu sais, des gens qui se font, dans le fond, faire des piqûres là, à tous les mois. Pour l'insuline, exactement. Puis ça coûte une fortune. Ben, c'est une business où tu as des revenus récurrents jusqu'à temps que la personne meure. Tu sais? Oui, puis le diabète, il faut préciser. Parlons du diabète de type 2 qui est le plus répandu, qui est dû à quoi? À de l'obésité et une mauvaise alimentation. Mais jamais on va te parler de ça. Ben non. Ben, ça se corrige le type de diabète de type 2 avant d'arriver à l'insuline, en passant. Ben, j'ai déjà vu quelqu'un qui l'avait, que le médecin disait il faut que tu maigrisses. En même temps qu'il prescrivait de la cortisone qui est enflée de même. Le corps. Enflée. Ça aiderait peut-être et tout désenflé. En tout cas, ça se corrige le type de diabète de type 2. C'est possible de corriger ça avant que ça devienne trop chronique. Mais en général, il attend que ça soit chronique pour te mettre sur la piqûre. Puis c'est payant. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont comprendre que la médecine qu'on a aujourd'hui est noyautée par, on le dit, c'est tout le temps le problème du corporatif. C'est toujours des intérêts financiers qui prennent le contrôle de nos affaires. En bout de ligne, les autres, c'est pour, comme dit Bertol, c'est la rentabilité. Puis même qu'ils créent des problèmes pour être sûr d'avoir du monde plus tard. On vient de le voir dans les 3 dernières années. Il va y avoir du monde malade en tabarnak dans 2025-26. Ah, comme par hasard, toi. Ah, ils créent le problème, puis après ça, ils trouvent la solution, puis c'est au payant. Des deux cas, c'est au réseau. Mais là, C'est sûr ça, que c'est le monde. c'est regrettable de voir le fait que la médecine, c'est une business, ce qui fait que les C'est gens devenu. peuvent pas être objectifs par rapport à ça, dans le sens que la personne qui travaille, puis ça lui donne des revenus s'il y a des gens malades, c'est sûr qu'il n'y a pas intérêt nécessairement que les gens guérissent. Donc, Je ne dis pas que c'est... c'est les médecins là, qui pensent de Non, même, non, je mais sais, mais il y a le complexe les deux. pharmaceutique qui va pousser la vente de certains produits qu'on nommera pas le nom à plusieurs doses. Parce que ça donne des revenus récurrents. Le Oui, c'est lobbying, ça, il y a oui. du lobbying qui se fait. On l'a vu entre autres aux États-Unis avec la crise des opiacés par rapport à l'oxycontin, entre autres, qui créait de la dépendance, d'accoutumance. Puis il savait. Oui, exactement. D'ailleurs, Comme il savait ce qui se passe présentement, ce que ça faisait en passant. Ah! ben oui, mais ben c'est la même affaire. Je veux dire, partout où ce que c'est de plus en plus grave, leur solution, c'est de payer à la drogue au monde, puis d'ouvrir des centres, puis de. Encore plus de drogués depuis qu'il y a des centres ouverts, mais ça, c'était dans Ben le but oui. de contrôler les drogués, mais ça a fait qu'il Ça, y en a, au lieu d'en avoir 1 000, il y en a 10 000 c'est ça. Puis ça détruit aujourd'hui. l'économie, les commerces. Dans le Ben, fond. une partie de l'économie, c'est-à-dire que le volet de l'économie qui repose sur l'industrie pharmaceutique s'enrichit. Ben oui, mais le petit commerçant qui a une boulangerie à côté du centre d'injection, Hein? Du côté de la piquerie, comme Paul tu sais, dit. lui tout, c'est de l'économie, là. C'est juste pas la même affaire. Quand t'es dans un pays qu'il y a des régimes, genre que c'est le gouvernement qui paye, je veux dire, pour les soins de santé, des affaires de même, tu te ramasses avec des lobbyistes au gouvernement pour que l'argent public parte des poches de ceux qui financent, dans le fond, qui les aident. Ça va tout le temps être de même. C'est pour ça que un système où ce que t'as soins de santé payés par le gouvernement, soins dentaires payés par le gouvernement, que tout est payé par le gouvernement, t'as pas pire que ça pour avoir, faire une place corrompue. Donc, C'est pour ça autrement, en lien avec ce que tu dis, je que... prends la balle au vol par rapport aux soins dentaires parce que j'ai appris récemment dans les nouvelles qu'au Canada, à partir de 2025, puis progressivement en 2024, toute la population canadienne est censée avoir accès à des soins dentaires gratuits. C'est sûr qu'il y a certaines modalités qui vont s'appliquer, comme la personne qui n'a pas une assurance santé puis qui gagne moins de 50 000 par année. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont applaudi en disant que c'est une mesure de progrès social. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. OK. C'est ça. Parce que la meilleure affaire, si tu veux que ta population ait des soins dentaires, faut que tu t'arranges pour qu'il y ait de la prospérité, puis des capacités, que les gens soient prospères, puis qu'ils soient capables de s'en payer. Tu es mieux de t'arranger pour qu'il y ait un haut niveau de vie dans ta société, puis que les gens aient accès aux soins dentaires parce qu'ils ont la capacité de s'y payer, que un pays socialiste comme il y a eu en Amérique du Sud, que tout le monde est pauvre, puis c'est le gouvernement qui paye pour te payer des dents, puis tu vis dans une cabane avec un toit de tôle, ça n'a pas de sens. Exactement. Puis en passant, ce qu'ils disent pas, c'est les conditions. Premièrement, là, au niveau de la dentisterie, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est les 12 premières années de vie qui sont les plus importantes pour le suivi au niveau des dents, de 0 à 12 ans. Si ça devrait, s'ils veulent mettre ça gratuit, là, comme ils disent, c'est ça qui devrait être gratuit, tout ce suivi-là. Parce qu'après, si tout est bien jusqu'à 12-13 ans, en général, ta dentition pour adulte, pas un problème majeur. C'est connu par les dentistes, ça, c'est un dentiste m'expliquer ça. Mais les assurances, en général, ils payent juste le nettoyage, ils ne payent pas grand-chose hein, chez les enfants là, en dentisterie, dans les assurances qu'il y a présentement. Parce que comme il y en a des dentistes qui ils vont refuser de faire des amalgames sur des dents de lait. Mais il y en a qui font ça, là. Ben, j'espère, des dents de lait. Parce que le gouvernement paye jusqu'à 18 ans. Fait qu'eux autres, ils chargent, puis ils chargent, puis ils chargent. Oh, il y a besoin de ci, il y Mais a c'est pas besoin de jusqu'à ça. 12 ans? C'est 18 ans, me semble. OK. Ben, je sais pas, à moins qu'il ait changé ça, là. C'est la, ce que je disais, le 12 ans, c'est la, le dentiste qui disait qu'une dentition okay, ouais, bien, ouais. bien suivie de zéro à, ben pas zéro, là, mais de jeune jusqu'à 12-13 ans, une fois que les deuxièmes dents sont toutes reformées, puis que tout est placé, t'as pas des dents par en avant, t'as pas besoin de bras d'ajustement, ça, si ça, ta dentition est bonne à 13-14 ans, tout est bien, c'est pas probablement que tu vas avoir une vie assez simple avec tes dents dans Moi, tes ben, je parlais que le gouvernement, il paye jusqu'à Là, il paye 18 ans. jusqu'à 18 ans, le gouvernement, ça. Mais finalement, bon, ça, c'est. Moi, je trouve que ça a des effets pervers dans le sens que, ben, c'est ça. Dans le sens Ben, comme. c'est ça le système communiste, c'est que tout le monde attend du gouvernement d'être sauvé, là, puis d'avoir les finances. C'est ça le problème du Québec, le côté socialiste qu'on a. On ne veut pas, comment dirais-je, il y a quelque chose de paresseux, je trouve, dans notre société. Fournir des efforts. Je regarde les jeunes, puis ils viennent dans mes cours, puis je suis morte de rire. Ça se plaint, ça. Ça a pas de colonne. C'est comme, ah, c'est exigeant, hein? Ben oui, qu'est-ce que tu penses-tu que c'est facile, la vie, là, là? Il y a quelque chose de mou, de plus en plus mou, là. Faut envie de lui dire qu'est-ce que tu fais, là. Ben, c'est ce que je leur dis, d'ailleurs, parce que je sais pas si c'est pas dans le bon cours, ma chérie. Parce qu'ici, tu vas travailler, parce qu'il y a du stock. Mais ce que je vois, c'est que ça, de génération en génération, ça ramollit. Ma génération, je suis pas un modèle de ma génération. Les gens, il y a beaucoup de fonctionnaires dans ma génération, ça travaille pour le gouvernement. J'étais à Hydro-Québec, il y avait plein de monde de ma génération à Hydro-Québec, des fonctionnaires, on a plein. C'est une société de fonctionnaires. Ça, là, c'est dépendant du gouvernement tout le temps. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça fait 40 ans quasiment que je suis autonome, justement. Je ne veux rien savoir de ça. Je ne veux pas que le gouvernement. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sur tout, là. On est vraiment. Je veux dire, là, peu importe qu'est-ce qui va être lié à ton bien-être d'un système comme on a, ça va tout le temps servir. En tout cas, c'est une industrie, là, si on peut dire, dans le sens que ben ça justifie des jobs. Je veux dire, juste au niveau des services sociaux, puis de la façon que, tu sais, justement, les arrangements qu'il peut y avoir entre la DPJ puis certains cabinets d'avocats, puis ça finit que tout le monde vit de tout le monde, là. Mais bon, finalement, en tout cas, on s'éloigne un peu du sujet. Non, mais c'est intéressant quand même parce que ça me fait penser au fait que l'être humain est vampirisé par l'astral, puis tu as des êtres humains qui vont vampiriser d'autres êtres humains, un peu comme des vautours qui vont se nourrir des proies qui sont plus faibles. Donc, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que l'homme vampirise l'homme, puis l'homme est vampirisé par l'astral, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Où est-ce qu'on est dans des rapports de parasitage d'énergétique entre humains, là? Ben, c'est que. Comment je pourrais dire ça? C'est pour ça que au niveau. C'est quoi une communauté? Ben, il va y avoir un échange juste. Il va y avoir. Je veux dire, c'est supposé être des lois d'échange, pas des lois de vampirisation. Mais ça devient de même. C'est tellement bien dit. C'est vraiment ça. Mais on sait pas c'est quoi échanger. On est tellement sevré, pas sevré, on est justement pas sevré. On est tellement collé après le tâton du gouvernement qu'on pour être capable de raisonner comme ça, ça demande de décoller de ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les pauvres font vivre les riches. Ça, c'est pas une joke, là. Puis on est vraiment dans un système de main. Je veux dire, dans le fond, c'est la même affaire qu'une ferme. Dans le sens que. Ben, les fermiers, ils se nourrissent des animaux. Moi, je le vois de même. Si on regarde juste aux États-Unis, il était sorti un enfant, c'était un dentiste, mais ils ont fini par vouloir le mettre en prison, mais il faisait croire qu'il était Alzheimer. Il y a eu des programmes démocrates pour payer les soins dentaires aux enfants pauvres aux États-Unis. Puis il y a un médecin, puis lui, puis son assistante, pour économiser, il fraisait, il faisait des traitements de canal sur des dents de lait sans anesthésie, là. Hey, ils attachaient les enfants dans une bâche pour pas qu'ils bougent, là, puis on les entendait hurler jusqu'à l'autre bord de la rue. Il y a des enfants, là, ils ont eu toutes les dents fraisées jusqu'à la racine, là, dans toute la bouche, là, la même journée. sans anesthésie. Ben Ça a voyons fait un scandale de fou, mais c'était parce que c'était pourchargé à l'État, puis ramassé. Mais c'est tellement épouvantable. Moi, quand j'ai eu connaissance de cette affaire-là, j'en revenais tellement pas. Je comprends même pas comment ça, que ça s'est pas su plus que donc. ça dans le monde. Tu sais, je veux dire, fraiser des dents à froid, là, c'est ce que les Britanniques faisaient aux séparatistes irlandais, là, pour les torturer puis les faire parler, puis c'était pas long qu'ils parlaient. Non, non, Fait que... ben, j'en Il y a doute eu des pas, traitements de ça canaux, doit être puis traumatique pour ces enfants-là, tu sais. là, Hein. c'était On va tous y des retourner chez le enfants... dentiste. Ben, c'était tous des enfants pauvres issus de certaines communautés, tu sais, certains quartiers. C'était des Afro-Américains, des Latinos, des... Mais il reste ce programme-là, il n'a pas été fait pour aider les pauvres, parce que les gens qui votent des affaires de même, ils savent ce que ça va faire dans le fond. Ouais, exact. Ça fait ça ce qu'ils font. Mais là, tu sais, aux États-Unis, tu as des grosses compagnies, il y a des compagnies d'assurance, les grosses compagnies, là, tu as du monde qui ont plusieurs cabinets, je veux dire, c'est des compagnies qui ont des cabinets privés. C'est tout arrangé. Mais c'est juste pour dire que, comme prends cet enfant-là qui subit une affaire de même. Qu'est-ce qui a intégré à subir une affaire de même? C'est même pas Mais une qu'est-ce qu'il y a à maladie. intégrer? Ça, c'est difficile à Pourquoi qu'il y a connaître. cette programmation-là? Ben, parce qu'il est né sur la Terre puis il est confronté à la stupidité expérimentale du contexte socioculturel qui l'amène à vivre ça. Ben, Ben, moi, moi, je je pense vis. que ça peut être ça, mais ça peut être. En tout cas, je sais comment on sait ce qui est peut-être bon à faire versus pas bon si on n'a pas des idiots de même qui font des conneries. Ça devient. Je pense que ça fait partie des polarités, jeux de polarité, ça. C'est sûr que ça ne nous laisse pas insensibles, un enfant. Il y a quelque chose dans l'enfant. Quand ça touche les enfants, je perds ma neutralité. Fait que j'ai bien de la misère à être objective. Ben moi, c'est surtout qu'en plus, ces colons-là, il y avait une caméra qui Ah! filmait, puis il y a eu des images qui ont sorti. Pas un projet MK Ultra, ça? Non, non, c'était juste un cabinet de dentiste. Je me Yeah. rappelle plus le nom du dentiste. Il y a un nom d'origine juive. Puis son assistante est d'origine, une autre origine. En tout cas, mais ça donne de même. Comme par hasard. Ça Le donne de hasard même. est tellement pratique. Ben, tu sais, je veux dire, ben, c'est pas ça. C'est normal qu'il y en ait plus. Je veux dire, ils sont souvent médecins, eux autres. Ça n'a pas rapport. Mais il reste que, moi, quand j'ai eu connaissance de ça, j'étais tellement en colère. Puis, je veux dire, ça ne s'est pas parlé. Ça se parle. C'est des affaires, c'est des scandales. Ça devrait être aux nouvelles. Je veux dire, même partout dans le monde. On est dans l'inacceptable. Je veux dire, ce qui faisait, ça faut aussi mal se faire arracher les ongles un par un. Non, non, À c'est ce ça, compte-là, mais il y a quand à ce même des. compte-là, là, on pourrait parler. Oui, mais là, Bertha, il ouvre la porte à quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on doit penser des millions d'enfants kidnappés sur la planète par des pédophiles? On ne dit rien non plus, je fais remarquer. Ben, l'affaire, c'est que c'est un marché de combien de milliards, ça? Ben, c'est ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même plus gros qu'un dentiste comme affaire, là. Le dentiste, lui, t'as 2-8 milliards Bon, moi, d'individus je vois sur ça la tout, planète. je mets ça tout dans le même genre de crime Même tant qu'à paquet. moi. Ben, c'est ça. Parce que c'est d'être absolument sans scrupule pour des raisons d'argent. C'est ça, Parce que ben, en fait. ceux qui kidnappent, ce n'est pas les clients, c'est ceux qui font le trafic. Ah oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'il y a quand même cette réalité-là qui est très grosse, qu'on voit des enfants qui disparaissent sur la planète, des millions, Ben, ce qu'il faut dire aux gens là. qui nous écoutent, c'est que lors de l'été 2023, il y a la sortie aux États-Unis du film Sound of Freedom. Je pense que c'est pas à ça, moi, je OK. pense. Donc, ben, en tout cas, il abordait le sujet par rapport au trafic des sexuels des enfants, entre autres. Puis, lors de l'été passé, j'avais écouté des reportages qui disaient en effet que c'était une industrie de plusieurs milliards. Tu sais, c'est. Ouais. C'est plus gros que le pharmaceutique comme business. Ah ouais, mais ça te donne une idée de la grosseur de la business puis de la consommation de maltraitance d'enfants. Qu'on dit rien, qu'on fait rien, puis on n'explore Ben, rien. c'est-à-dire que je suis Tout pas va le d'accord. savoir. En fait, c'est le point que je voulais en venir, c'est que je suis pas d'accord avec toi. Je veux dire, il y a eu ce film-là qui est sorti aux États-Unis qui a été plus populaire qu'Indiana Jones au box-office. Donc, il y a eu Ouais, quand quand même je un dis on fait intérêt du rien, public pour quand je dis qu'on fait renseigner rien, par c'est que rapport je à te parle ça. de moyens d'intervention, pas de faire un film sur l'idée, là, parce que Ben, c'est c'est ça. C'est pour ça, moi, tout, je l'ai vu de même, dans le sens que, au lieu de faire de quoi, on fait un film. ça. pas intervenir, ça. Non, mais c'est parce que dans un premier temps, il faut que les gens soient conscients du problème pour agir dessus. C'est ça même pas que ça existe. Ben oui, mais ça se peut pas que les gens soient pas conscients. Ben, les gens qui même, les enfants, ils les dénoncent. Ils savent le monde. Ils savent d'aller. Puis plus on en parle, au lieu de faire de quoi, dans le fond, c'est rendu que c'est aveugle d'être considéré, ah, oh, ben c'est la vie. C'est normal. Ben oui, c'est ça. Tout le monde va dire, on le sait, ben qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Combien d'enfants meurent de faim dans le monde quand tu dis ça? Si tout le monde dit, ben oui, tu vois, une histoire plate, c'est la vie. Calice! Ah, oh, ben il y a trop de population, de toute façon. Oui, ça, c'est à l'heure. J'ai déjà entendu des affaires de même, ce qui est complètement faux. Je veux dire, c'est de la façon dont c'est géré qui fait qu'il y a pas assez pour tout le monde. Mm-hmm. Ça pourrait, on pourrait être 20 milliards sur cette planète-là. Pis, ah, ça doit être 30 milliards nourris sans problème. Ben oui. Puis il n'y aurait pas de problème. L'affaire, c'est de la façon dont c'est géré. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Ils tirent toutes les ressources pour 99% d'idiots qui travaillent pour eux autres. Pas le monde dans le 1% que j'ai connu, c'était du monde bien ordinaire. Non, je parle du 1% milliardaire, là. Pas du. Ah, ben, ils sont bien moins qu'un 1%, là. Bon, c'est... En tout cas, on est fait minorité, là. Mais... T'as raison, Bertrand, ils sont moins d'un 1%. Mm. Ben oui, c'est une poignée de monde, dans le fond, qui ont toutes. C'est ça. Ils ont peut-être 3%. Exactement. C'est sûr que les gens sont indifférents par rapport à ce type de cause-là. C'est pour ça qu'ils peuvent continuer. C'est ça que j'essaie de dire. Parce qu'on est indifférent, parce qu'on se met la tête dans le cul, parce qu'on fait du déni. Oui, mais tout ça, c'est pour se protéger psychologiquement. Ben, ça se protège, mais maintenant, ça maintient toutes ces horreurs-là. Ça, ah oui. Ça rien que s'amplifie. Là. Ça continue collectivement parce qu'on se protège individuellement de la réalité parce que justement pour des raisons psychologiques puis de santé mentale. Ah, ceux là, qui s'occupent. Ça atteint tout le monde, Bertol, là, présentement. Là, c'est, ce que je dis, c'est que le bobo a grossi. Puis on fait du déni pour se protéger, mais à un moment donné, c'est rendu que ça attaque tout le monde, là, présentement. Ben, moi, je trouve que c'est. Ben, ben franchement, là, comme la ville où je suis, là, dans le début des années 80, là, il y avait des. Ben, tu sais. Faut que je check ce que je dis, là. Mais, bon, ici, à la ville, moi, je suis au courant des affaires. Puis, il y en avait plus dans ce temps-là. À moins que ça soit mieux caché à cette heure-là. Mais dans ce temps-là, il y avait des taxis avec des jeunes de la DPJ qui s'en allaient à l'évêché. Ah, mais, tu sais... Ouais, ben, il est envoyé. Je sais pas comment c'est organisé, ben, franchement. Moi, je pense que c'est plus caché, Bertha. Je pense qu'ils ont juste appris à cacher. Peut-être. Parce que moi, le coin où je suis, ben, c'est comme, tu sais, la série qu'il y avait eu, il y avait un prêtre abuseur là-dedans, là, au nom du père et du fils. Ben, le personnage de ce. Il est inspiré d'un curé qui a vraiment existé. Okay. Puis c'est dans mon coin qu'il avait été envoyé. Quand ça a sorti, puis qu'ils l'ont envoyé dans mon coin, la ville où je suis, pendant des années, ils ont caché ici, les pires. Puis l'évêché ici, il est gros, là. C'est une grosse bâtisse. Puis c'est ça. Puis ils étaient tous là, là, puis aussi à une autre place où que des vieux prêtres à la retraite y allaient, là, qui était une espèce de. Puis les taxis se promenaient. Ici, c'est comme dans le communautaire, il y en avait un prêtre, lui, il est mort dans un honneur que toute la ville est à ses funérailles, et puis la mère, puis toute la grosse patente, comme c'était quelqu'un d'extraordinaire, puis ce prêtre-là, moi, je me rappelle, dans le communautaire, il y avait des jeunes adeptes de drogue dure, quand il n'y avait pas d'argent, il allait cogner là, il rentrait une quarantaine de minutes, puis il ressortait avec de l'argent. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Les travailleurs de rue, la police... Tout le monde le savait, mais il n'y a personne qui en parlait. Moi, ça m'est arrivé d'en parler, puisqu'on m'a dit que de faire, c'est d'aller faire des graffitis pour le dénoncer sur le garage, que je trouvais qu'il n'y avait aucun sens. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis c'était une personne liée à la ville là, qui m'avait donné ça comme solution. Mais je dis, ça donne quoi d'aller l'écrire ce que tout le monde sait là? C'est vous autres le problème. Moi, je l'avais dit de même. C'est vous autres le problème. Puis le gars, je vous parle, c'est un travailleur de rue. Dans le sens, c'est vous autres qui n'en parlez pas, puis vous le savez. Ben, c'est ça, mais moi, je pense que c'est le courage. À un moment donné, le mot courage, là, serait bien intégré dans nous. Mais en même temps, la personne, est-ce que là, elle joue au sauveur dans le sens que si on prend, par exemple, parce qu'il y a le film Son of Freedom, où il était question de quelqu'un qui a fait preuve d'héroïsme, c'est-à-dire qui a fait une intervention pour carrément aller neutraliser le trafic d'enfants dans un pays d'Amérique du Sud. T'sais, c'est pas tout le monde qui manie la mitraillette puis le combo à main nue. Là. Je veux dire, il faut faire preuve de jugement aussi Non, selon non, ses je ne dis pas que capacités. Berthold aurait dû intervenir, c'est pas ça que je dis, mais pouvoir changer les choses, puis d'aller frapper à la bonne place, que Berthold dit, c'est pas en faisant un graffiti, le problème n'était pas là, le problème. C'est que pour pouvoir faire ça demande, un, d'avoir les outils, c'est sûr, d'avoir le moyen de le faire, mais ça demande du courage aussi. Il y a des gens qui ont les moyens d'agir, qui ne le font pas. Ben, dans ce cas-là en particulier, c'est difficile parce que Ben oui. ce sont consentants puis ils ont en haut de 14 ans. Là. Fait que même si l'affaire, moi, ce qui m'écœurait, c'est qu'à son décès, de voir toutes les plaintes de la ville comme Les c'était une notaires. perte épouvantable, c'est un merveilleux. Genre que lui, il était à la même place pendant genre 60 ans. Tout le monde a maintenu les apparences, puis il est enterré dans les honneurs. Puis je me rappelle dans le temps, quelqu'un que je connais qui était allé mettre un commentaire dans l'article de journal qui parlait de sa mort, puis ils l'ont enlevé tout de suite. Elle a été censurée. Ouais. C'est ça, il n'allait pas dans le sens du Est-ce que ça me rappelle? narratif. Ouais. Ça me rappelle quelque chose d'aujourd'hui. On vit un peu la même chose par rapport à ce que tu dis, Bertone. Prenons l'exemple de Carl Tremblay, le chanteur là, qui est encensé, là, donc c'était la fin du monde. Là. Je ferai remarquer qu'ils m'ont donné, je ne sais pas quelle affaire d'honneur du gouvernement du Québec, là, mais Chartrand, y a-t-il déjà été reconnu pour ce qu'il a fait au Québec? Rien. Michel Genre le Chartrand. syndicaliste, Ouais, le syndicaliste Chartrand. ben, il ne Ben, l'aurait pas accepté. Je veux dire, s'il aurait voulu peut-être, donner mais l'ordre il du est juste Canada, il post-mortem. l'aurait. Post-mortem. Le reconnaissance post-mortem, parce que le Ah, Carl pour moi, Tremblay, il est mort. ben, là, Oui. même post-mortem, pour moi, il aurait refusé. Peut-être, la famille, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on met. Hein, ça va dans ton sens. Hein, on va mettre un gars comme Carl Tremblay. Excusez-moi, je n'ai rien contre lui, là, mais je veux dire, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait de merveilleux, lui, là. De chanter des chansons pour les cow-boys Ben fringants, oui, je le sais, puis ses puis. paroles, les bottines n'ont jamais suivi ses paroles, fait que ça va très bien. Mais c'est correct. Mais on va en Mais faire c'est parce un. qu'il va dans le sens de l'idéologie écologiste, à travers ses chansons, entre autres, fait qu'il fait partie du narratif officiel. C'est ça. Ben oui, je suis d'accord avec toi, on sait que c'est ça. Mais c'est justement, tandis qu'un Chartrand ou d'autres, non, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ont fait mieux que ça quand même dans la vie, puis on les reconnaît. C'est comme une façon de boycotter l'histoire aussi d'un peuple. Chartrand Oui, fait partie de la création de syndicats au Québec, Chris, à un moment donné, personne ne va s'en rappeler parce qu'il n'y a personne qui écrit rien là-dessus puis qui en parle, mais la ben, Michel reconnaissance Chartrand, de ces attention, j'ai choses-là. déjà vu dans des documentaires québécois dans son rôle par rapport à l'essor du mouvement du syndicalisme, là. Moi, je parle de reconnaissance, David, d'un gouvernement qui reconnaît un chanteur qui n'a vraiment rien fait de particulier, contrairement à des gens qui ont travaillé pour le collectif, qui ont fait quelque chose pour le collectif, puis qu'on ne reconnaît pas, puis qu'on ne parle surtout pas de leurs affaires. Vas-y dans une école, voir si tu vas avoir un cours sur l'histoire du Québec, si on va en parler tant que ça. Voilà. Il y a une Ben. espèce d'annihilation de la culture qui se passe. Entre autres. Ben, l'affaire, c'est parce qu'elle tremblait, ça touche à l'âme, puis à la culture populaire, puis c'était des tounes déprimantes. Ben, moi, je Ouais. Il trouve, là. dénonçait ce qui, dans son écoute, ses tunes. Moi, j'en ai écouté quelques-unes parce que je ne le connaissais pas tant que ça, mais mon neveu écoutait beaucoup les Cowboys fringants. J'écoutais ça, puis je trouvais ça intéressant ce qu'il disait, mais à la lumière de ce que j'ai vu de lui, c'est entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est deux mondes. Ben, il l'a fait, je veux dire, au bout du chemin, qu'est-ce qui va rester? Les étoiles filantes. Ben, c'est ça, il est parti, il est mort. Puis il est parti T'sais. rapidement, je veux dire, un cancer fulgurant à l'âge de 47 ans. Mais il reste que. Moi, je trouve que ça va avec ses. Moi, je trouvais ça. Moi, je suis tanné de. Moi, j'aime. Je vais pas. Je suis pas fort sur l'espèce de musique québécoise, chemise à carreaux, revendicatrice, de on se plaint de notre petit pain. Puis il y a quelque chose de déprimant. Puis moi, je trouvais ça déprimant, les Cowboys fringants. Puis je me rappelle, dans le temps, j'avais un de mes amis qui avait acheté le disque, je ne sais plus trop, là, il est rouge avec un poisson mort dessus. Puis il faisait jouer ça. Puis ben franchement, je trouvais ça déprimant. Je veux dire, c'était un peu le check l'autre de Desfortins. Ah oui, il Tu partait sais, par en avant. ben c'est ça qu'aiment les Québécois. Les Oui. colocs. Les colocs. Oui. Mais c'était C'est déprimant. déprimant, là, les dernières affaires qu'il a faites. Puis là, il tripait sur Mishima, pas capable de contenir ça. Puis là, on perd le référendum, puis il sauve le ventre. Tu sais, je veux dire, nos artistes, ils ont tous quelque chose de... On dirait, plus on est névrosé, plus on les aime, ça touche l'âme. Mm-hmm. Puis, regarde, là... Céline Dion. Bon, ben, elle touche un peu. En tout cas... Non, mais elle touche l'âme des gens, elle est très populaire, mais... Ben, moi, je trouve que c'est moins profond pareil, là. C'était quand même. C'est qu'il n'y a rien de pas si extraordinaire que ça, à part bien chanter. Ben, c'est une chanteuse américaine, là, tant qu'à moi. Fait que c'est sûr, c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, ça va pas toucher aussi intimement. Parce que regarde, là, depuis que Céline Dion et Steve pis tout, le monde, ils en parlent pas comme tant que ça, comme d'un drame. Je veux dire, ils ont pour son dire, sa carrière est faite, son argent est fait. Elle est surtout très faite, oui. Ouais, ben là, tu sais, je veux dire, si elle était morte à 40 ans, là, c'est pas pareil, mais tu sais, mais il reste que... Au Québec, on aime soit les affaires tristes, soit les affaires comiques. Ben, ça parle du peuple québécois. C'est-à-dire, à quelque part, si on se vaut dans la tristesse en écoutant du Carl Tremblay, c'est parce que quelque part, il y a comme un sentiment d'impuissance là, derrière ça que ça traduit, là. Ben oui, que ben, j'appelle c'est comme... le néocrétinisme. Bon, c'est ben... la suite du christianisme, ça s'appelle le néocrétinisme. Mais c'est parce que moi, la façon que je vois ça, c'est que Carl Tremblay peut être instrumentalisé par rapport aux politiciens là, qui disaient que c'était triste qu'il soit mort pour justifier par la suite les autos électriques, tout l'agenda écologiste là, pour diminuer la pollution, pour utiliser tout ça pour, dans le fond, justifier qu'on soit soumis à des mesures de contrôle au nom du respect de l'environnement. Bon, on nous prépare les sentiments au niveau de créer un idéal. Donc, on se fait drainer de la présence de la conscience par un idéal qui est une abstraction, dans le fond, qui existe dans le parallèle de l'âme québécoise. Puis, les Québécois, c'est un peuple qui se sent dévalorisé puis qui a une faible estime de lui-même. Fait qu'il a besoin de se dire, ben moi, je suis bon, je suis fin, je le fais, ce que j'ai à faire de bon, puis... Donc docile. On est donc fin. Ben oui, tu parlant de ça, avez-vous entendu parler, je fais un parallèle avec la voiture électrique. Je ne sais pas si vous avez au courant, en Inde, c'est-tu un premier ministre ou président en Inde, je ne sais pas, là, mais celui qui est au pouvoir présentement, ils ont décidé de créer une centrale quantique d'électricité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est très intéressant. Non. Ben, vous n'en entendrez pas parler, ça a disparu très vite, là, mais ce qui est arrivé, c'est que lui, on parle de voiture électrique. En Inde, ils n'ont pas d'hydro, ils n'ont pas assez d'eau pour faire de l'électricité, donc la voiture électrique n'est pas une solution, ni pour la Chine d'ailleurs en passant. Le pétrole, ils n'en ont pas. Ils sont dépendants de l'extérieur. Donc, lui, il s'est dit, et puis là, maintenant, ils savent comment faire des centrales, créer de l'énergie avec très peu de besoins de départ. Autrement dit, tu pars c'est une centrale quantique. Je ne connais rien au quantique. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est une centrale qui va être construite, qui coûte très peu à partir, autrement dit, peu d'électricité, puis qui génère énormément d'électricité pour la population, un peu comme Tesla expliquait que ça se renouvelle éternellement. Là. Et là, il s'est fait menacer par l'OTAN. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je dis, s'ils font ça, ils vont être attaqués. Oui, mais écoute ce qu'il a répondu à l'OTAN. Il a dit, OK, menacé. Il a sacré l'armée autour de la centrale. Il a dit, c'est ça. Il a mis l'armée autour de la centrale, protégeait la centrale, puis lui, il dit, moi, je l'installe pareil. Il s'est tenu debout devant eux, en disant, OK, attaquez la centrale, c'est moi que vous allez attaquer. Parce que mais dans le fond, s'il y a des gens qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus pour nous partager les articles en lien avec le propos de Mona, mais le concept d'énergie quantique, c'est-tu en lien avec une application concrète de la physique quantique dans l'optique? Par exemple, si tu fais référence aux travaux de Nikola Tesla d'exploiter l'énergie du vide, c'est-à-dire certains vont parler de l'énergie libre, que dans le fond, à travers ce qu'on perçoit comme étant le vide, bien, il y a de l'énergie qui est là, qui, si on serait capable de l'exploiter, dans le fond, on n'a pas besoin. On est capable de l'exploiter. Ça fait 75 ans qu'on est capable de faire de l'énergie gratuite pour tout le monde. C'est juste qu'ils ne veulent pas que ce soit connu. C'est pas pareil. Ben, apparemment, les extraterrestres utilisent ça pour se déplacer dans le cosmos sur des grandes distances. C'est-à-dire que l'énergie serait abondante partout, accessible en tout temps, sauf qu'il faudrait qu'on ait l'appareillage ou la capacité que ça soit disponible à tout le monde pour pouvoir vivre de ça, là. C'est parce que l'affaire, c'est de la façon dont, dont ça marche depuis toujours. De quoi de gratis pour tout le monde? Ben, en Syrie, c'était gratuit l'électricité en passant. Bon, et puis t'as-tu vu ce qui est arrivé à Syrie? Ils l'ont tué. C'est Déjà. ça. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que la technologie existe. Pas vrai qu'elle n'existe pas, elle existe. C'est possible de l'appliquer s'il y a une volonté, mais ils vont descendre. Mais là, je pense qu'ils vont avoir de la misère à descendre l'Inde au complet. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est très utopique. Je parlais des Québécois qui croient à la voiture électrique, mais la voiture électrique, premièrement, c'est pas vrai que c'est pas polluant. Ça, c'est absolument faux. Mais Ben en plus, c'est que ça répond à rien. On est une goutte d'eau dans une mer, le Québec. La planète en entier ne peut pas rouler à voiture électrique. T'as beau rouler avec ton Tesla, un char électrique au Québec, ça ne change rien. C'est la planète, ça. c'est On n'est sûr, rien, mais on est bien. On n'est ça rien. fait Je partie vous du regarde mythe québécois, puis l'idéologie que nous autres, on produit On d'électricité est à donc bon partir pour de l'eau, c'est de l'environnement. l'électricité, de l'énergie renouvelable. Donc, on se Ben donne bonne oui, conscience, mais c'est c'est ça. pas applicable partout. Puis c'est vrai que nous autres, on est à peu près 8 millions. Puis si on prend justement l'Inde, ils sont au-dessus d'un milliard, même chose pour la Chine. Fait que c'est pas vraiment transférable pour l'ensemble de la planète. Puis je suis d'accord Le avec deux toi. tiers de la planète ne peut pas rouler à voiture C'est électrique. ça. C'est pas une solution. C'est pas une solution. C'est une maudite consommation de marbre. C'est ça. Toujours. C'est tout. Mais Puis en pendant ce passant, temps-là, on. l'extraction des métaux là-dedans, là, avez-vous une petite idée que c'est pas toi puis moi qui extrait ça dans le terrain, là? C'est en Afrique avec des esclaves puis des hosties de conneries. Mais ça va bien sur la planète. Arrêtez-moi quelqu'un. Si tu arrêtes de me niaiser. Bon, c'est juste de l'hypocrisie, dans le C'est fond, comme ça. d'habitude. Puis au Mais Québec, on se cache derrière ça. On dit, oh, on est trop économique. de toute façon, en Inde, en Chine, dans le monde, t'as même pas une personne sur cinq qui a une auto. Ben là, je suis pas sûre pour la Chine, hein, parce que je pense que c'est quand Ah même plus pourri non, qu'on la pense. plupart de la Chine, c'est rural, puis. Oh, oui. Mais il en Il y en a. demeure, ce que je veux dire, c'est que nous, on se dit, on est là à tuer notre économie pour essayer de convenir avec quelque chose qui est une farce. Mais justement, par rapport à ça, parce qu'on a appris en cette année 2023 que le gouvernement provincial et fédéral vont investir 7,3 milliards de dollars dans la compagnie Northvolt pour construire une usine au Québec pour fabriquer des batteries d'auto électriques. Donc, est-ce que vous voyez ça comme étant un projet qui va faire fleurir l'économie du Québec? Pas du tout. Puis en passant, probablement que ça va être le deuxième chou blanc après le stade olympique. Pas entre autres. Pas sûr qu'elle va tenir ouverte longtemps. On verra dans quelques années. Je suis sûr que ça meurt, ça. Ben là, on donne de l'argent à une compagnie suédoise qui, si ça marche, ils vont faire des profits avec l'argent que nous autres on a mis, puis ça va sortir. Le plus gros, il Ben, ils sont sort. même pas restés ici en plus. Les salaires des employés, là, c'est pas ça qui va être la majeure partie de l'argent qui reste. Ça part en Suède. Fait que, bon, Mais c'est c'est là que pareil la pour. compagnie paye de l'impôt au Québec par la Ouais, suite. mais ils vont avoir, tu sais, pour des raisons incitatives de laisser les gens venir. C'est ça Faire qu'ils des ont affaires ici, il va y avoir des incitatifs, donc ils vont payer moins d'impôts, vont payer moins Et d'électricité. là, Le ils en payent pas. Fitzgibbon, là, il va tout arranger ça. Puis finalement, nous autres, on fera pas une scène. Ces chums vont en avoir fait, ils vont peut-être y donner une cote, puis c'est ça. Puis même que ça Ils vont ferme, ça avoir va être. spolié le Québec de 7 milliards de dollars, puis il faut avoir rien pantoute après. OK? Ben, à long terme, ça va être combien de milliards? Parce que là, d'un coup, là, ça va être en difficulté, le marché se développe pas aussi vite qu'on pourrait. Donc, le gouvernement réinjecte. Puis blablabla, Oui, ça peut on durer risque des d'avoir années. des dépassements de coûts, là. Ben là. Des Puis là, dépassements de coûts. du jour au lendemain, ça peut fermer, puis c'est des milliers Ben oui, d'employés dehors. mais Bang! je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que, comme la ville de Québec était supposée de construire un tramway, au début c'était 3 milliards, là c'était rendu 12 milliards, fait que finalement ils ont laissé faire. Mais je veux dire, le cumul de l'inflation, des dépassements de coûts qui est envisagé suite à l'augmentation de la hausse de la main-d'œuvre, les coûts des métaux, etc. Tu sais, c'est Ça va. toujours. Ouais. Puis en passant, construire un pont coûte 3 fois moins cher. C'est ça, moi qui me. Moi, ça me Mais gosse. c'est J'ai pas de jamais la compris que mobilité Québec n'a pas promis ça. durable. Le troisième lien, c'est pas la mobilité durable qui favorise le transport collectif. À Québec. Oui, c'est parce que là, on ne fonctionne pas selon la logique, on fonctionne selon de l'idéologie. C'est ça. C'est de En tout cas, l'abstrait, là. on vit comme dans une autocratie des temps de... Je ne sais pas comment le dire, là, mais on est comme déconnecté de la réalité au Mais on est Québec. On est comme connecté un aux dôme, paroles des chansons de Carl Tremblay puis toute l'idéologie écologiste, t'sais, la sainte Greta Thunberg qui nous annonce les changements climatiques. On est vraiment programmé pour se soumettre à un agenda collectif. T'sais, c'est ça le but. Ouais, puis est-ce que les gens ont remarqué que toi, tu viens de le dire, là, des changements climatiques, mais il n'y a même pas un an et demi, on parlait de réchauffement climatique. Comment ça se fait qu'ils ont changé la sémantique? Oh, d'un coup, on ne parle plus de réchauffement climatique, mais de changement climatique. C'est même marqué sur les véhicules de la ville à Montréal, j'ai vu ça, les changes des voitures, c'est marqué des changements climatiques. Ah, mais le C'est le nombre de. réchauffement climatique, on est capable de prouver que c'est faux. Donc, on ne peut Tandis que plus les dire. changements climatiques, on peut prouver que c'est vrai, étant donné que c'est comme ça depuis toujours. Bon, tu sais. En Chine, en ce moment, ils ont du froid comme ils n'ont jamais eu. Ben, la planète, il y a une grosse partie de la planète qui se refroidit, puis une autre partie qui se réchauffe. C'est des cycles solaires, on le sait maintenant. Nous, on sait que c'est relié à des cycles solaires. Il y a des grosses. Présentement, il se passe des grosses affaires sur la planète. Là, il y a des. Ben, la planète, elle se réchauffe dans le dedans. La faille, là, en Islande, là. Hey, ça en produit, ça, du gaz à effet de serre. Ils sont Ben, du arrivés nous dire, calvaire. toi, faut que tu respires moins, tu pollues. Ben non, mais ils l'ont écrit, Bertha, j'ai lu dans le journal. Ils ont dit qu'on émettait trop, notre expiration émettait trop de CO2. C'est Écoute, n'importe après, quoi. les pets de vache et tout Oui, ça, c'est tu ça, poses les des gaz questions. qui proviennent des vaches, là. Ben là, c'est parce que le Il y a trop CO2 de méthane là-dedans. Le CO2 qu'on rejette, puis que les vaches rejettent, les plantes, elles, le respirent, puis L'Amazonie. après, ils produisent de l'oxygène. Mais dans les Puis... chiffres qu'ils donnent là, sur la pollution du CO2, ils ne tiennent jamais compte de ce que tu dis, c'est un point important. C'est qu'ils donnent un ratio, mettons, de mettons 1,4 % d'émissions de CO2 au Canada, mais ils n'ont jamais déduit l'absorption des arbres de CO2, qui ferait baisser à 0,4 en passant. Et ils nous montrent 1,4. 1,4, mais ça représente quoi? On ne sait pas trop, là. Tu sais, c'est ça, je dis, c'est toujours de la manipulation de même. C'est du Ben, n'importe quoi. ça n'a aucune logique. L'oxygène sur Terre, il est produit par les végétaux. Les végétaux le produisent, produisent de l'oxygène avec du gaz carbonique. Carboné. Fait que ça, il y a de quoi qui ne marche pas dans. C'est comme s'il y avait pas. C'est comme s'ils font exprès pour. Ben, au fond, il y a quelque chose là-dedans qui est lié à une espèce d'homéostasie. C'est comme le cycle de l'azote dans l'eau d'un aquarium, d'espèce d'équilibre. Mais ils font exprès pour cacher tout, pour qu'il reste juste la partie qui appuie Fais leur les affaire. affaires. Fais les affaires. C'est ça. Élimine-les. Dans les Mais. statistiques. Excuse. Non, c'est correct. C'est Mais juste. c'est ça qu'ils font tout le temps dans toutes les analyses, que ce soit pour ce qui vient de se passer dans les 3 dernières années. Il y a des statistiques de mort qu'on a parlé tantôt, hors d'onde. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de savoir le nombre de gens décédés au Québec dans les 2 dernières années? Vax. Bon, ils sont capables, ceux Liaison, qui les chiffres, peuvent. Ben Bertha, oui, c'est quelqu'un élimine-les. qui veut le savoir puis qui est capable, il peut le savoir. Ben, c'est parce que c'est plus apparent sur les sites de l'INSPQ, entre autres. C'est Ouais, qu'il c'est pour le enlève des reste. choses pour qu'on voit certaines choses, mais ça va dans ton sens. Il retire certaines informations pour ne pas les montrer, pour que nous, on voit juste un aspect de la chose, mais il cache de l'information. Avez-vous vu en Italie, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est intéressant. Le premier ministre de la période dont on parle des 3 dernières années va est accusé de meurtre. De Ah, la période. il n'en parle Il était accusé pas de dans les meurtre parce médias de masse. qu'ils ont découvert qu'il avait caché de l'information, qu'il avait menti à la population sur les résultats, sur ce qu'on ne parlera pas, ce qu'on ne peut pas dire parce qu'on est censuré sur YouTube. C'est ça, c'est que les gens qui nous écoutent, il faut que vous compreniez que avant de faire l'enregistrement présent, j'ai averti mes invités de ne pas prononcer certains mots en lien avec la période qu'on a connue dans les 3 dernières années. Pour pouvoir continuer à parler. Parce que c'est sûr qu'on pourrait parler librement sur Odyssey, sauf que la problématique, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs des gens du public qui ont embarqué pour se connecter à ma chaîne Odyssey, là, dans le sens de s'abonner, devrais-je dire. Donc, si je fais une vidéo qui a peut-être 2000 vues sur YouTube, la même vidéo sur Odyssey va peut-être en avoir 200. Donc, les gens ne font pas l'effort de passer d'une plateforme à l'autre. Donc, moi, si je reste sur YouTube, qui est la principale plateforme de diffusion, je suis obligé de me soumettre à certaines règles et c'est sûr que par rapport à ça, je suis obligé d'avertir mes invités qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas parler pour pas que nos vidéos soient bloquées, là, naturellement. Ouais. Bon, je veux dire, Une fois, on en parle. on en parle, mais on détourne un petit peu, mais là, j'ai perdu le fil, là. Ben, on peut faire Pardon. allusion à C'est en certaines Italie. choses. Ouais. En Italie, oui, mais c'est intéressant parce que ils ont trouvé, ils ont découvert, ils ont des preuves, là, c'est pas des conneries, là. Ils ont vraiment trouvé, puis de toute façon, nous aussi, on peut trouver la même chose. On a un enregistrement de monsieur, l'ancien ministre de la Santé, pas ministre, directeur de la Santé, appelé Arruda Doda, hein, qui lui disait au gouvernement qu'il y avait des petits problèmes de myocardite identifiés, puis il disait, là, c'est un signal, mais on n'en parlera pas parce que ça va inquiéter le monde, mais on va gagner du temps. Parce qu'ils savent, là. Oh, dans le fond, c'est une affaire de lobbying puis de marketing. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont aussi caché, ils cachaient ce que je veux dire, c'est qu'ils cachent l'information, ils en ont même brûlé. Le gouvernement italien, ils ont découvert qu'ils ont même jeté des informations, ils en ont fait disparaître des informations, ils ont retracé des choses comme ça. Alors présentement, l'ancien ministre de la Santé de l'Italie est poursuivi pour meurtre, génocide. Ah, c'est surprenant. Je suis curieux de voir ce que ça va faire. On verra ce que ça donne, mais je trouve Parce que la que démarche intéressante. c'est au Québec, le directeur de la santé, il est rendu sous-ministre de la santé. Il a donc eu une promotion. Puis un Oui, sous-ministre, Arruda. c'est. Hein? Arruda? Ouais. Un sous-ministre, c'est plus puissant qu'un ministre au Ouais. Québec. J'y donne pas. Moi, je te le dis, je donne pas cher de sa peau dans toi, là. On verra. Ben, moi, pas personne, parce que comme justement, c'est un peu le sujet, de toute façon, ça ne m'étonnerait pas qu'il développe des maladies, ce monde-là. Oui, ça serait bien. J'aimerais bien ça. C'est ça, Ben, il y a mais une certaine. j'aimerais bien ça qu'il meure en souffrant, lui. Parce Attends. qu'Arruda, moi, je le sens pas. Tu sais, je veux dire, je le sens pas. Je sens pas un psychopathe comme je sens avec d'autres. Non, mais il a quand même manipulé pas mal de choses puis menti. Oui, mais ça se passe bon. Il y a certains défauts probables. Tu sais, je veux dire. Je pense qu'il est C'est. sous chantage, Bertrand. Il y a quoi? Je pense qu'il est sous chantage. Moi, ce que je C'est vois de ça, possible, mais il là. s'est fait avoir par certains défauts qu'il a, je pense, parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même quelqu'un d'arriviste qui a une certaine fierté. Mais qui dit C'est. arriviste, il fait des choses pour arriver à quelque chose. Les arrivistes, là, c'est ceux qui sont au pouvoir parce C'est qu'ils parce ont. que. Ouais, mais lui, il Trudeau s'est est un fait arriviste, miroiter. hein? Il s'est fait miroiter. En tout cas, je veux dire, moi, je le vois, le genre de défaut qu'il a. Tu sais, il porte des petits bracelets en or blanc. À chaque conférence de presse, il y avait un habit nouveau, son fait sur mesure. Très chic. Donc, il aime avoir Sais. l'attention, pavaner son ego. C'est une Ben. personnalité médiatique, là. Il y avait un côté théâtral. D'ailleurs, j'avais appris que ce monsieur-là, il voulait, quand il était plus jeune, faire du théâtre. Donc, c'est sûr qu'en ayant l'attention médiatique avec le rôle qu'il exerçait au niveau du Québec, donc il est devenu rapidement une personnalité connue un peu partout de la population québécoise. Donc, je pense qu'il y a une dimension narcissique très présente chez lui. Oui, Ben, mais il aime trop l'argent, je pense qu'il y a un petit problème quelque part. Bon, en tout cas, ceci dit, on ne le sait pas, là, c'est de la spéculation, mais. de la spéculation, je veux dire, un habit à 3 000 $, ça te paraît, là. Ben oui, mais il en gagne 400 000 par année. Il a peut-être les moyens. Bon, je sais, mais même si je gagnais ça, je n'en ferais pas faire autant, là. Non, pas toi. Faut être Lui, peut-être fou, là. monsieur la bête qui aime le. Ce que je veux dire, c'est qu'il aime tellement l'argent, d'après moi, il s'est fait Mais pogner c'est pas quelque juste part. l'argent, il y a une dimension popularité du public, avoir l'amour des gens, dans le sens qu'il faisait son rap, là. Tu sais, il avait fait une vidéo où il faisait du rap, puis ça a été très populaire, là, sur Internet. Il y avait des. Hey, je te cède mes droits, je te donne le go, puis. Hey, c'était quelque chose, les paroles de cette chanson-là, là. Je te cède mes droits, je te donne le go. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Ben, là, je veux pas trop qu'on rentre là-dedans parce qu'on va être censuré, mais Ben en tout cas, non. il y a une magouille. Ah, pardon? Ça m'étonnerait bien gros. Non, pas pour la Rouda, mais c'est pas lui le plus important. Mais je pense pas qu'on va pouvoir faire du déni très longtemps parce que même si nous, on est sous un dôme, le Québec, je l'ai dit, c'est une goutte d'eau dans une mer. Et la mère est très agitée ces temps-ci. Puis c'est pas le Québec qui va changer quelque chose, ça va se faire ailleurs. Ça va sortir, toute la vérité va faire sortir Mais pour pour ce moi. qui est de... Pas C'est toute, sûr que... non, pas toute. Une grosse partie de vérité qui va C'est sûr que c'est sortir. pas au Québec que ça va commencer. Non, c'est sûr, nous, c'est les derniers, mon chéri. Ben, tu sais, Mais on ici, pourra pour pas admettre... l'éviter, parce que ça va être tout le monde. C'est ça que je veux dire. Le Québec va être obligé de le regarder un jour ou l'autre, ce qui s'est passé Ben... ici, parce que ça va sortir partout ailleurs. Parce qu'ici, pour admettre quelque chose, il faut que ça soit l'évidence pour le reste de la planète depuis des années. C'est ça, c'est ça. Puis là, on n'a plus le choix, puis là, on dit, ouais, peut-être que... Ouais, finalement. Mais le Québec est rien dans le monde, hein. C'est ça, je veux dire. On n'est pas assez gros, on n'est pas pesant. Le Québec, il est pesant au niveau stratégique par rapport à des ressources puis Ressources, voilà. du corporatif lié à des affaires transnationales. Là, le Québec est important. C'est ça, pour les Ça, ressources. Et le danger, c'est que si jamais certains s'en vont d'ailleurs parce qu'ils sont poursuivis, qu'on se ramasse avec ta gang de pourris, là, ici. faudrait faire comme ils ont déjà fait Israël, puis avoir du monde qui est pourchasse dans le monde. Ben oui, comme pour les anciens nazis ou collaborateurs. Donc, il y avait des Oui. nazis qui étaient partis en Argentine, puis ils embauchaient des gens pour comment dire, ben, les éliminer carrément. Ben oui, eux autres, c'est tout le temps ça, la solution. C'est un peu comme l'affaire qu'il y avait eu les attentats à Munich. Ils ont retué tout le monde qui ont pu, là. C'était dans le temps, en plus, Goldamer, puis... C'est ça, mais avant de passer à un autre sujet, je veux quand même parler de la partie qui peut être dite dans un enregistrement YouTube. C'est-à-dire qu'en bas de l'enregistrement présent, je vais vous partager deux liens, des vidéos qui sont là depuis plusieurs jours, qui ont été faites, puis c'est documenté sur le plan statistique. Puis aujourd'hui, j'avais été vérifié sur le site même de l'INSPQ par rapport à la mortalité. C'est-à-dire, au début de la période qu'on a dite de crise, en 2020, il y a une certaine quantité de morts. Puis en 2022, alors que les mesures étaient mises en place, etc., la quantité de morts augmente. 12 %. Ben, c'est ça, il y a un pourcentage quand même là, important. Là. Il y avait au-dessus de 8 000, Douze pour cent de plus, c'est ça, c'est en ça tout cas que 8 000 personnes de plus à peu près que j'avais vu. Puis à comparer Mais... des années précédentes, en tout cas, c'est bizarre qu'il y ait autant de morts comme ça. Comme le faisait le gars dans la vidéo, il dit. C'est des facteurs qu'on nous dit officiellement inconnus. Il dit qu'il faudrait qu'il y ait une enquête par rapport à ça parce que ça n'a pas de bon sens, mais je ne peux pas m'avancer sur des hypothèses ou quoi que ce soit parce que c'est sûr qu'il ne voulait pas se faire censurer la vidéo. Mais si vous lisez entre les lignes, puis si vous avez suivi nos enregistrements qu'on fait depuis le début de la période de crise, Bertol, Mona et moi, je pense que vous allez avoir quand même une certaine idée sur certaines hypothèses de travail. Surtout si vous écoutez nos enregistrements qui ont été mis en ligne en totalité ou en partie sur Odyssey. Depuis 3 ans, on a pas mal tout dit. C'est ça. Mais là, ça commence à sortir. Puis il y a d'autres pays aussi. Il y a une autre vidéo qui partage par rapport à d'autres pays dans le monde. Puis c'est drôle. Certains pays, il y a un peu comme le Québec, puis le Canada, ils ont beaucoup de mortalité. Puis il y en a d'autres, zéro. C'est comme si ça toucherait certains pays, cette cause-là mystérieuse, mais pas d'autres. En tout cas, je peux pas aller plus loin, mais si vous lisez entre les lignes puis vous suivez nos conversations, vous allez sans doute comprendre à quoi qu'on fait allusion. C'est sans doute l'un des plus grands scandales de l'époque actuelle, mais qui est étouffé à la fois par les gens du gouvernement et les médias, que c'est silence radio, alors que la mortalité présentement en 2022, puis ce que s'annonce pour les 2023 aussi, va être plus importante que 2020, où on disait que chaque mort, c'est une mort de trop. On est au niveau, là, les Canadiens français en tant que peuple, là, grâce à ces 3 années-là, là, ben là, notre natalité, là, a jamais été autant dans le négatif, c'est du jamais vu, puis c'est voulu, ça, tant En qu'à moi, parler, là. l'un des effets de la chose était la stérilisation. C'était le but, tant qu'à moi, là. Parce que moi, tant qu'à moi, Là, c'est on ne tout lié à parle pas des des eugénistes. avortements qu'il y a eu là, en plus naturel suite à ça. On ne parle pas des femmes qui ont accouché d'enfants malades. On ne parle pas de plein de choses, mais que c'est là pareil, que les jeunes vivent en passant. Fait que moi, un gouvernement québécois qui est pas vraiment nataliste, puis qui agit pas dans ce sens-là, à mes yeux, c'est des traîtres. Peu importe le parti, peu importe c'est qui. C'est l'évidence même. Parce que c'est là que ça joue la survie des Canadiens français. Parce qu'on a chialé contre l'Église. Oh, il fallait faire des enfants, il fallait jamais arrêter. Puis tout. Ouais, mais il y avait une réalité en arrière de ça. Dans le sens que c'était pas si fou que ça. C'était Il le familier savait. de peuple francophone. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y avait des limites, on s'entend, dans le sens que la personne qu'on lui disait de faire des enfants chaque année, alors qu'elle était pour en mourir parce qu'elle avait des problèmes de santé importants, puis la femme avait des enfants pareils. Tu sais, il y a eu des abominations qui ont été faites au nom des politiques natalistes, là. Moi, mais là, c'est une question de discernement, là. De C'est cas ça. par cas, là. Mais il reste Je suis que. d'accord avec Bertha, le gouvernement qui n'est pas nataliste, c'est un gouvernement de trahison. Ah oui. C'est clair. Parce que c'est ça qui manque le plus. On est des populations vieillissantes, puis on continue à nous dire qu'on est une gang de petits vieux, mais on empêche les gens de faire des enfants quelque part en travaillant ce que j'appelle l'ingénierie sociale, là. Donc, tu sais, t'en es un, ben, David, qui a peur de l'avenir, là, avec tes enfants. Tu penses pas que tu es tout seul, là. Non, Il y a bien exact. des jeunes, moi, à qui je le demande, veux-tu des enfants? Puis ils me répondent, dans ce monde-ci, pas vraiment, non. Et qu'on les a brainwashés, là. Parce qu'en En plus, c'est pas dehors de logique. la On a chose. le monde qu'on a là parce qu'on n'en fait pas depuis des décennies, des enfants. Leur solution à Legault puis sa gang, c'est tout le temps de faire venir plus d'immigration, la même affaire pendant des années qui était en Europe, que c'était ça. Ça a foutu la barbe. Ben oui, puis là, en panique à la dernière minute, là, Macron s'est rendu veut faire des lois pour freiner l'immigration. C'est plus le temps, là, je veux dire, c'est de la façade à un moment donné. Avez-vous vu aussi une affaire que j'ai vue? Là, ça me fait penser à d'autres choses. J'en revenais pas, je suis tombée sur le cul. À Vancouver, ils ont chanté au Canada en anglais et en hindou. OK. En hindou. En hindou. Oh, ça me surprend pour. Non, non, mais excusez-moi, mais l'hymne national du Canada, c'est en deux langues, français et anglais. Ça n'a rien à voir avec l'hindou. Non, Ben, non, je c'est pense que ça a été ça. composé en français avant même, d'être traduit en Non, mais français. faut C'est le faire. Calista C'est Lavallée, c'est ça, un mais je Québécois veux qui a dire. composé ça. Ben, si on va dans la province d'Ontario, tu as une grosse communauté sikh qui est là, qui sont en exil parce que ils veulent qu'il y ait un pays pour les sikhs, qu'il y ait une partie de l'Inde, un peu comme il y a eu le Pakistan, quand l'Inde, dans le passé, s'était fragmentée en deux pays. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait les musulmans qui ont été au Pakistan, ensuite les gens qui pratiquent l'hindouisme en Inde, puis les sikhs voulaient avoir leur propre pays. Donc, il y a eu trois pays. Mais ça ne s'est pas actualisé pour les sikhs. Là, ils revendiquent naturellement la possibilité d'être indépendants et d'avoir un pays. Puis tu as des Ici au militants. Canada. Oui, puis tu as des gens qui Ben oui. sont pour ça. Puis là, c'est sûr que ça a amené des incidents Pas nous autres. diplomatiques dans les derniers mois entre le Canada et l'Inde. Ben Parce ça. que c'est ça. Et surtout que Trudeau, il est boycotté par tout le monde. Non, mais c'est parce que je t'explique si dans le mouvement, parce que le NPD va rallier des gens qui sont sikhs, qui sont pour que les Sikhs aient leur pays dans le coin de l'Inde, c'est sûr que ça ne fera pas l'affaire du président ou du premier ministre de l'Inde qui, lui, veut tout garder le contrôle sur le territoire, de l'en léguer une Ben, partie. David, est-ce que tu sais c'est quoi les sikhs? C'est une religion. Tu sais pourquoi? Ouais, mais une religion, c'est comme si tu me dis, il y a une différence entre les intégristes musulmans et les musulmans. Comprends-tu la différence, là? C'est la même affaire. Pas pour rien qu'ils veulent pas avoir des sikhs dans le pays en Inde. C'est des esties de malades mentales. Moi, du monde que j'ai jasé qui ont voyagé en Inde, souvent, ça tenait où il y avait des sikhs parce qu'ils étaient plus en sécurité. Ils sont extrêmement rigides au niveau Rigide. la façon de vivre, dans le sens où ils sont moraux. En Oui, Inde, il y a ils sont beaucoup de rigides. Oui, viols, mais. mais vous checkerez, trouvez-moi des sikhs dans ces accusations-là. C'est pas le genre, puis c'est matriarcal, les sikhs. C'est souvent la mère de famille qui mène. Chez les Sikhs, quand il y a des crimes d'honneur, c'est la matriarche qui donne les ordres. Le sikhisme, c'est parce qu'il y avait une guerre entre Mais les c'est de musulmans et l'extrême extrémiste les Sikhs. pareil, c'est ça que je veux dire. C'est comme, Une tu branche du sikhisme, Guru Nanak, c'est pas un extrémiste. Guru Nanak, le fondateur du sikhisme. Oui, mais ça, le fondateur, en ce qu'il a créé à l'époque, puis ce que c'est devenu. Parce que moi, j'en ai des sikhs dans la main de chez nous avec qui j'ai discuté, là. Puis c'est rigide en tabarnak, là. Ben oui. Je peux même pas lui serrer la main, je suis trop sale, là, tu sais. Il y a quelque Non, chose, t'es un peu. Ben, c'est pas pire que les juifs là. Ben, orthodoxes, là. C'est le même ça vient. principe. que j'essaie de dire, c'est que moi, ça va... moi dans ma mentalité de Canadienne québécoise, ça va pas être moi, ça. Ça n'a pas sa place pour moi ici. Bon, là... un pays, il n'y a pas de problème qui s'en crée un pays. Mais pas ici, puis pas avec cette mentalité. Non, mais c'est parce qu'il y a des clivages. C'est parce qu'il y a un agenda de certains membres de CITIC qui sont en exil au Canada, qui ont une grosse communauté en Ontario, qui a un poids politique, parce qu'ils influencent sur le NPD et certaines politiques de Trudeau. Puis là, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir l'indépendance puis leur pays. Sauf que par rapport aux dirigeants de l'Inde, eux autres, ils veulent pas ça. Fait que là, ça crée des conflits, puis l'Inde peut engager des gens pour éliminer des Sikhs qui sont trop revendicateurs au Canada, là. Je suis pas assez calé dans l'histoire de l'Inde pour savoir. Ben, c'est comme l'histoire qui est arrivée. Il y en a beaucoup, une communauté ukrainienne qui est très puissante. Et, à quoi ça sert d'avoir envoyé 64 milliards de dollars? Je sais pas combien. En fait, c'est 650 millions de dollars qui est prévu le Canada d'envoyer dans les prochains mois. Là. Ben, c'est tout le temps la même affaire. Tu prends l'argent qui appartient au peuple, puis tu l'envoies dans des affaires que finalement, ça va faire des profits à certains qui fabriquent l'armement. Ah, mais ça, pour moi, c'est des positions très dangereuses et extrémistes. C'est ça, je veux dire. Mais ça a tout le temps tout de même. Ben, peut-être, là, mais pour moi, je suis pas capable d'aller dans le sens d'accueillir des gens qui ont... Même avec les musulmans, j'ai beaucoup d'amis musulmans, non pas intégristes, mais des musulmans modérés. Ça passe très bien. Bon, surtout que tu tombes sur un intégriste, c'est une autre histoire. Là. C'est comme tellement rigide. Non, c'est une autre planète. Mais oui. Les Sikhs sont pas tous... Moi, l'affaire, c'est que le Sikh qui a fait son baptême Sikh, il y a le bracelet, il y a le turban, il y a le kirban, puis il y a l'espèce de culotte là, qu'ils ont en dessous de leur pantalon. Ça veut dire que lui, il a fait le serment qu'il allait consacrer entre autres sa vie, puis qu'il allait se battre pour l'indépendance du Punjab, puis de ces régions-là. Qu'est-ce que tu fais au Canada? C'est ça, moi, ma question. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est une diaspora, c'est un peu comme les Tigres tamouls. Ils sont expatriés, puis ils n'en ont rien à torche du Canada. Le but, c'est d'avoir une base ici, d'avoir une logistique, d'avoir des alliés, de se financer, puis tout, pour après envoyer le cash là-bas, pour le combat là-bas. C'est ça, exactement. Faut que c'est juste... Puis même des Sikhs, je veux dire, ils ne sont pas stupides, parce que des Sikhs, t'en as même dans le Parti conservateur, ils sont partout. J'ai pas dit qu'ils sont stupides, je dis juste qu'ils s'infiltrent. Ah non, je veux dire, c'est ça. Infiltrer dans nos... Tu sais, c'est rendu qu'il faut respecter tout le monde, les minorités, sauf nos droits. Moi, ça commence à me pomper solide, là, je suis plus capable. Je suis désolée, là, mais avant d'avoir du reste, je veux bien respecter les minorités, mais c'est quand même pas une minorité qui va mener ma vie, non. Bon, on est une minorité. Ben, dans le sens, tu sais, au Canada, là, on est une majorité de gens avec une certaine culture, même s'il y a des différences entre les francophones et anglophones. Tu peux quand même pas... Tu sais, regarde les lois qu'on passe pour tout l'alphabet au complet, là, LGB, blablabla. Non, il y a une minorité menacée au Canada, c'est nous autres, c'est les Canadiens français, c'est la minorité la plus menacée au Canada, tant qu'à moi. Je suis d'accord avec toi, mais ça fait 400 ans, ça. Parce que les Sikhs, ils peuvent retourner au Punjab. Ils vont tout le temps être en majorité dans ce coin-là de l'Inde. Tandis que nous autres... On peut pas s'en retourner en France, là. C'est plus la même affaire. Ça a plus pareil, là. C'est ça. Quoi qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont mises sur liste noire par les dirigeants de l'Inde, dans le sens qu'ils les voient comme une menace à la stabilité de l'État indien. Ben moi, je vois ça c'est un peu comme divisé pour régner. Les Sikhs ont tout le temps été liés à l'Angleterre, puis ont tout le temps été liés au pays liés à l'Empire britannique, toujours. Dès les débuts... la reine Victoria avait un régiment de Sikh dans l'armée britannique, puis ils ont tout le temps eu des liens très, très proches. Parce que, donc, les Sikhs, ils vont se ramasser dans des pays liés au Commonwealth. Puis ces affaires-là, puis c'est là que l'Empire britannique, dans le fond, fournit des bases. Venez vous installer, on va vous aider. Mais c'est parce qu'il y a une guerre, l'indépendance de l'Inde, dans le fond, c'est de la merde. Il y a toujours eu une guerre économique pour essayer de récupérer le marché de l'Inde par l'Angleterre, puis soumettre l'Inde, puis ils servent des Sikhs, l'Angleterre. Puis les Sikhs sont super, super fidèles à l'Angleterre parce que ils sont tout le temps rendus service. Même la reine Victoria, elle aimait les Sikhs, tu sais, elle avait des Sikhs dans son service, tu sais. Puis c'était chic, là, d'avoir un À un moment donné, c'était chic d'avoir Un petit un moins, domestique. là, l'autre, c'est Ouais. qui? Un domestique à turban avec une grosse moustache qui appelle tout le monde Saïb, c'était chic ça. T'sais, parce que t'sais, son habit, c'est des affaires se brodées d'or. Puis t'sais, ça faisait. En plus, il est déguisé qu'il a l'air des affaires de Maharaja, un peu des serviteurs de Maharaja. Mais faut, moi, pour moi, le sikhisme, ce qu'il y a en arrière, je parle au niveau politique, puis qui les aide depuis toujours, c'est des intérêts liés à tout ça, là. Fait que je suis pas surpris que ce soit au Canada, en Angleterre, en Australie, il y ait des Sikhs qui naissent en masse. Mais les Sikhs en eux-mêmes, tu sais, je veux dire, sont pas. D'habitude, sont honnêtes. D'habitude, sont. Ils sont tranquilles en général, ils ne sont pas très Ouais. hein. Ils ne se mélangent pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils ne se mélangent pas. Il n'y a pas d'intégration de ces cultures-là dans notre culture. Ça crée un problème de ghetto continuellement. Je le vois, là, j'ai une dame en avant de chez nous qui est d'origine indienne et pakistanaise, c'est deux. Et je suis la seule à lui parler parce que, mais il faut que je tienne un certain respect, une certaine distance, il faut pas que je lui tende la main. Plein de choses que je dois m'appliquer pour pouvoir lui parler. Et à un moment donné, c'est moi qui dois m'adapter à eux, non l'inverse. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Même si je le fais, ça ne me dérange pas. Mais socialement, ça peut, c'est pas vrai que ça va être c'est facile. Ça crée juste la division, ça, des ghettos, plus en plus. Oui, De culture. exactement, mais ça répond à l'agenda qui est véhiculé par nos gouvernements, c'est-à-dire diviser pour régner. Puis là où je suis d'accord avec Bertol, c'est qu'on est clairement menacé encore plus que jamais. Parce que l'immigration massive qu'on subit, ça s'en vient ici aussi, hein, en passant. Et on est minoritaire, puis on va devenir encore plus dilué. Ben, c'était le plan de McDonald's dans le temps. Pourquoi ça aurait changé, là? Il n'y a pas de C'est-à-dire. crabe. Je veux dire, ils appliquent le même plan depuis toujours, tranquillement, puis ça avance tout le temps, puis ils n'ont jamais changé de plan. Le Canadien français, McDonald's, il l'avait dit, il dit, on va le noyer dans l'immigration. Dès qu'ils ont pu, là, ah, ça famine en Irlande, fait venir plein d'Irlandais. Tellement qu'à cette heure, notre chanteuse de folklore la plus connue, c'est une Irlandaise. Puis nos reels, c'est des reels Des irlandais, rires souvent. irlandais. Ben oui, là après ça a été les Italiens, hein, les Italiens, nanana. Puis là ils ont fait rentrer en masse. À chaque fois qu'il a justement, entre autres, pour des raisons de foutre la merde un peu partout dans le monde par rapport à l'échiquier international, là, qu'à chaque fois qu'il y a la merde foutue d'un pays, il s'arrange pour venir des immigrants ici. Je veux dire, les Irlandais ils sont pas si pire assimilés, mais c'est des Européens catholiques, les Italiens aussi. Mais là où ça devient délicat. Ben, il reste que des Sikhs vraiment, vraiment, comment je pourrais dire ça, que eux autres sont purs, tu sais, puis nous autres, on est des impurs, là. Il y en a, ça existe, puis ils Ben, tu le sont. vois chez les Juifs hassidiques, c'est pareil. Comment Bon, qu'ils nous ben, eux appellent? autres, Les goy d'Union, les gros, les goyim. les goy. On est des goy, autrement dit, ils n'ont aucun respect pour nous. Ben, gars, c'est au singulier, Les non-croyants, là, goy. mais. Non, c'est goy, ça veut dire les gentils, ça veut dire que t'es pas de race juive. Non. C'est-à-dire que ta mère est pas juive. Tu Ouais, dis mais ils juste se les mélangent pas non gentils. plus, tu sais, c'est un ghetto à Montréal, là, la communauté hassidique, c'est un ghetto. Tu peux rentrer dans ces communautés-là, c'est juste faut que tu te convertisses. Ça. Tu peux pas devenir rabbin si t'es un homme converti, mais si tu maries une juive, tes enfants vont être considérés comme juifs, puis vont faire partie de la communauté. Mais il Ouais. reste Parce qu'elle dit, que. c'est nous qui devons aller vers eux et non eux vers nous. C'est toujours comme ça. Ben, c'est sûr. D'une Ouais, certaine façon, de la façon que les autres fonctionnent, c'est sûr, c'est de même. ben c'est ça. Mais Je sais pas, ils viendraient vers t'essaieras nous. d'être toi-même en Chine, moi, enfin, au Japon. T'essaieras ça. Non, j'irai jamais là non plus, Non, là. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toléré. C'est l'immigrant qui doit, en principe, S'adapter à la société d'accueil et non s'adapter pas à le la société contraire. d'accueil et C'est non ça. l'inverse. C'est Là, une tout est inversion drôle inversé. qu'on fait. Les Juifs, c'est pas des immigrants, dans le fond, c'est pas pareil, là. Non, non, mais là, je te donne toutes sortes de. Les Juifs, c'est quoi T'sais. pour toi? Mais Oh, je ben veux là, dire, c'est c'est pas quand même pareil. pas des Excuse-moi. Autochtones. Hein? Non. Mais faut pas t'oublier que c'est un peuple que le fait d'être déraciné fait partie de leur culture. C'est un peuple de fonctionnaires puis d'administrateurs. Donc, eux autres. C'est pas des immigrants tant que ça, autant que des gens d'affaires, des sous-traitants qui vont considérer qu'ils te rendent service. Parce qu'ils aident à développer ci, puis ils aident à développer ça. Puis il faut jamais oublier que pour les orthodoxes, Nous autres, on est destinés à Parachem à être leurs esclaves, puis on est supposé les servir. Ça, c'est ceux qui sont qui trippent sur Maïmonide et ces affaires-là, puis ont tout le temps à face là-dedans à lire ça. Là. Ils sont complètement. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas payer leur taxe d'eau à Montréal. Parce que c'est écrit dans Isaïe, quand je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Donc, ils n'ont pas à payer l'eau dans leur mentalité. Et quoi que la loi, que je ne paye pas mes contraventions aussi. Excuse-moi, parce qu'ils n'en payent pas de contraventions ici. Ils sont contestés systématiquement par un de leurs. Ben, ils ont plein d'avocats. Les plus grands avocats au Canada sont tous comme Julius Gray. C'est lui qui est allé chercher Mike Ward. Ben, tu sais, c'est comme l'autre, là. Anne-France Goldwater. C'est les Ashkenazes d'Outremont. C'est les... Mais elle, on peut pas dire. C'est une juive qui est pas qui est pas allée vers nous. T'sais, on peut pas dire, elle est... Ben là, c'est parce qu'il y a une différence entre les laïcs juifs puis aussi les des pratiquants. C'est... Ben, non, les assidus, c'est une branche dure, dans le fond, de la religion juive. Là, mais non, mais elle vient des Ashkenazes assez... Ben, elle est sortie un peu de ça, parce que... Elle est vraiment ben, maintenant, elle a mis le rabbin dehors, mais elle a marié un juif. Comment il s'appelle, son premier mari? En tout cas, tu sais, je veux dire... Elle est très, très, très juive, Anne-France Goldwater. Je la vois avoir des aventures avec des gens qui sont pas juifs, mais je la verrais pas. Elle peut pas marier. Il y a quatre choses, là, c'est en elle. Là, c'est un peu chez les musulmans, c'est la même règle, hein, Bertha. J'ai eu un conjoint, un copain musulman, puis j'ai dû mettre fin à notre relation après 3 ans, parce que pour pouvoir continuer avec lui, il fallait que je me convertisse. Puis, c'est comme pas possible, non. Oublie ça. Pour Anne-France Goldwater, admettons là, qu'elle est en amour avec un Québécois pour vrai, puis tout, là, c'est possible qu'elle marie sans qu'il se convertisse. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, la judaïté se transmet par la mère, pas par le père. Le père, c'est juste un sac de graines. Tu te débarrasses de l'enveloppe après. Parce que ça vient par la mère. Même chose chez les musulmans. C'est par la mère que l'enseignement musulman se fait. C'est pour ça qu'il demandait à ce que je me convertisse. Il n'était pas question. Bon, chez les Juifs, c'est pas l'enseignement autant que le sang. Pardon? C'est une affaire de sang. Pour les Juifs, le sang se transmet par la mère. Mais c'était pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Il n'y avait pas de test d'ADN dans le temps. Mm-hmm. On n'est jamais sûr c'est qui le père, mais on est toujours sûr c'est qui la mère. La mère, oui. Fait que c'est pour ça que c'était le même. Mais il reste qu'il y en a eu des mélanges. À New York et à Montréal, il y a des Juifs roux. Il y en a eu des mélanges. Oui, c'est vrai. J'ai eu des mélanges, récemment, j'ai écouté en lien avec la guerre en Ukraine une vidéo d'Idriss J. Abakan qui s'intitule « Pourquoi les amis, entre guillemets, de l'Ukraine auront été ses pires ennemis ». Donc, c'est une vidéo très intéressante en termes de géopolitique. Vous allez avoir le lien web en bas de l'enregistrement présent. En fait, ce qui est question dans la vidéo, c'est que les amis, entre guillemets, de l'Ukraine lui ont fait croire une confrontation géopolitique avec la Russie tournerait à leur avantage. Et là, au fil des mois, depuis le déclenchement de la guerre, là, c'est-à-dire en 2022, on voit que c'est pas ça du tout qui arrive. La fameuse contre-offensive qui était supposée d'avoir cours au début de l'été 2023, c'est pas actualisé. On est en train de réaliser, j'ai l'impression, que finalement, les pays de l'OTAN, comme le Canada, la France et autres, qui ont fait miroiter à l'Ukraine, que vous allez gagner, on va vous envoyer des chars d'assaut, on va vous envoyer des munitions, puis vous allez voir, ça va marcher. Finalement, j'ai l'impression que, comme il dit, on est peut-être été une nuisance qui a amené une prolongation inutile des souffrances pour le peuple ukrainien, en faisant croire qu'il y avait une chance de gagner contre la Russie. Ce qui rejoint un petit peu, je trouve, l'analyse géopolitique qu'avait faite Bertha Lamasse 2022, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est comme si, Bertha, dans ton analyse, comme tu as vu qu'à quelque part, on générait des souffrances inutiles en faisant miroiter des choses à l'Ukraine. Et là, avec les propos de Arbakan, puis ce qu'on voit de l'évolution de la situation pendant près de 2 ans, j'en viens à la conclusion que finalement, ton idée de base, c'est ça qui est en train de s'actualiser. Ben oui, puis c'est sûr que je pensais qu'il... Qu'il arriverait. Ouais, ben, finalement, c'est certain que... Je veux dire, c'est moi, je vois, c'est la suite du plan Marshall, dans le fond. Les Américains, ils ont intérêt à engendrer de la destruction, après, ils envoient leur corporation, puis les contrats pour reconstruire. Puis là, l'Ukraine, ils ont racheté une partie des terres agricoles. C'est le grenier de l'Europe pour les céréales. Fait qu'ils positionnent leurs affaires. Même que Zelensky, après 3 semaines, même pas un mois de guerre, il avait demandé de négocier une paix avec la Russie. Il savait qu'il ne gagnerait pas. Puis l'OTAN, c'est l'OTAN qui a dit non, non, non, non, non, non, non, non. Ben, ils ont envoyé Boris Johnson. Hein? Ils ont envoyé Boris Johnson. C'est lui qui a. Dans le fond, c'est l'Angleterre qui a mis un terme aux négociations. Encore l'Angleterre, hein? Ben oui, puis là, c'est l'Angleterre aussi qui a donné des bombes à fragmentation à l'Ukraine. À l'Ukraine. Puis des affaires, des bombes un petit peu. Tu sais, qui est des bombes sales un peu, là. Le nucléaire, c'est pas la Russie. Non, non, non. Mais non, mais c'est ça, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que des bombes à fragmentation, ça a permis de la radioactivité puis augmenter le cancer au sein de la population qui vont être exposés à ça par la suite. Ben oui. Exactement. Puis qu'est-ce que j'ai vu qu'ils ont reçu? Ben, c'est pareil, comme les Américains, là, en même temps qu'ils ont l'air de vouloir calmer Israël, puis tout, ils ont livré du phosphore blanc. C'est Ah, des armes interdites. C'est l'hypocrisie. Sur la bande de Gaza, pas la caisse. C'est complètement délirant. En plus, parce que la bande de Gaza, c'est comme un démonstrateur. C'est-à-dire que si tu filmes ces attaques-là, puis après, si en tant que pays, tu veux acheter ces armes-là, Donc, ben, c'est ça vraiment devient un le lieu expérimental d'armes, puis à ce moment-là, ben, les gens peuvent dire: Ah, ben, j'ai trouvé ça intéressant, telle attaque sur tel hôpital, ils ont fait du bon travail pour détruire, fait qu'on va utiliser ces armes-là. Ben oui. Ben, faut que Oui, tu le ça montres sert que. à ça. En Ukraine, je pense qu'il y a 600 000 morts, autour de 600 000 morts de soldats, là. Oui, moi j'ai entendu de mon côté parler d'au-dessus de 500 000 morts de soldats, puis que l'âge moyen présentement des combattants, c'est de 43 ans, là. Donc, Ils sont sur le bord de recruter pépé. ben c'est Et ça, quand c'est que. les femmes, hein? Ils recrutent les femmes aussi. Oui, Ben oui. il y avait une vidéo, là on ne sait pas si c'est vrai ou pas, là, mais qui avait été virale sur le web, comme de quoi qu'il y avait une femme enceinte qui combattait au sein des forces ukrainiennes. Mais moi, j'ai une question, Bertol, vu que tu es assez à l'aise avec ça. Est-ce que tu vois que l'Ukraine est défaite? Moi, d'après, pas défaite en termes de la guerre, ça fait longtemps que la guerre est gagnée, mais la Russie, ça fait longtemps qu'elle a gagné la guerre. Mais moi, je vois le pays, un pays qui est complètement démantelé, puis il reste un petit bout de terre, hein. Kiev, le genre. Tu sais. Le reste va être démantelé, va appartenir une partie à la Russie, une partie à la Pologne, une partie. Ça va être démantelé, ce pays. Ben, souvent, comme ça arrive souvent, au fond, ils vont C'est quoi que dire. le monde qui sont là aussi? Ben, il reste que ce qui se passe en ce moment, puis qui fait qu'il y avait des conflits par rapport aux régions plus à l'est, c'est justement à cause des frontières qui ont été créées de même après des guerres. Puis que les populations sont toutes dispersées. C'est un peu comme quand il y avait eu par rapport en Afghanistan, puis. Il y a des frontières qui ont été créées, puis t'as des peuples sont tous dispersés, n'importe comment. Oui, ben si on pense entre autres à l'Irak, tu vas avoir des Kurdes au nord, tu vas avoir les sunnites et les chiites, trois communautés différentes sur le même territoire. Or, les Kurdes revendiquent pour avoir le Kurdistan au nord. Puis les deux autres communautés pourraient aussi revendiquer pour avoir chacun. En réalité, ça peut être trois pays au lieu qu'il y ait un pays avec trois communautés distinctes. Un peu comme ils ont fait avec l'Afrique dans le temps, en divisant un pays, dans le temps que c'était des royautés. C'est toujours la même stratégie, en fait. Foutre la merde, tu crées des divisions, tu fais des frontières, tu divises les peuples. Les peuples, entre autres en Afrique de l'Ouest, les peuples se sont trouvés d'un bord et de l'autre. Diviser pour régner. C'est ça. Donc, C'est toujours la même stratégie. Ils sont pas très brillants, en fait, moi, je trouve. mais c'est parce que ça fonctionne. Fait que quelque Ouais. part, ils reproduisent ce qui fonctionne, c'est-à-dire qu'ils donnent des résultats. Mais moi, j'ai l'impression que l'Ukraine, un peu comme l'Afghanistan, les États-Unis, après 10 ans d'occupation en Afghanistan, puis ont dépensé au-dessus de 2 000 milliards de dollars, se sont tannés, puis ils ont laissé la zone aux talibans qui ont pris le contrôle. Moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, les contribuables vont peut-être être tannés de payer, les contribuables américains et canadiens. Et à un moment donné, après un certain nombre de mois ou d'années, ils vont peut-être dire, ben, on va arrêter de soutenir l'Ukraine, puis on va laisser le Donbass à la Russie. Ben, de toute façon, c'est déjà ça. Oui, mais ça va se concrétiser. Tandis que là, quand même, les pays occidentaux supportent l'Ukraine au-dessus de 1 milliard de dollars par mois pour permettre au pays de fonctionner sur le respirateur économique artificiel. Présentement, là, Oui. c'est drôle, Zelensky allait recourir à vraiment de l'argent pour Mais c'est ceux parce qui qu'il étaient en veut plus, parce que c'est pas assez. C'est parce que là, les restants militaires, tu sais, comme nous autres, on envoie 3-4 chars d'assaut. Il y a pas assez d'équipement puis d'armement pour être capable de tenir puis reprendre les zones qui avaient été conquises, là. La contre-offensive, ça n'a pas marché. C'est sûr qu'avec un paquet de chars d'assaut dépareillés, tu peux rien faire. Il aurait fallu qu'il y ait Il n'y a pas rien les. que ça, c'est que ça se conduit pas de même deux, trois temps, trois mouvements, deux semaines, là. C'est des mois, c'est des équipements qui prennent des mois à contrôler et à apprendre à travailler avec ça. Tu sais, il y a aussi, ils n'ont pas la main-d'œuvre, ils n'ont même pas la main-d'œuvre. Mais Ils là, ils n'ont l'ont pas de envoyé moins en moins des parce soldats qu'ils sont en pour train de envoyer des mourir. équipements, c'est pas pareil. C'est ça, il y a de moins en moins main-d'œuvre. Ils sont en train de mourir, les gens sur place, en âge de combattre. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y avait eu, par exemple, parce que les pays de l'OTAN, au total, il y a à peu près 2 000 chars d'assaut Léopard. Bon, mais si tu as 2 000 chars d'assaut, on s'entend qu'en termes de contre-offensive, ça va être plus efficace que 3-4 chars d'assaut du Canada puis d'un autre pays, là. Ça n'a pas l'air d'avoir fait un pli sur la poche des Russes, en tout cas. Ben, Excusez-moi je me l'expression. rappelle, l'Allemagne avait livré un paquet de chars d'assaut, puis ça a pris quelques jours, ils étaient tous brûlés, Ça s'est c'était brûlé. fini. L'armée russe est l'armée la plus puissante défensivement au monde. Ben, c'est Ils sont surtout en tellement. plus, ils fabriquent leurs affaires, En plus. c'est ça, là. Mais ils sont aussi défensivement très forts. Donc. Et puis, comme dit Bertol, ils ont l'autonomie, ils font, tu sais, je ne sais pas combien de balles par jour qu'ils peuvent faire, là, mais ils produisent leur propre équipement, puis ils sont très, très, très avancés dans l'équipement. C'est ça, mais ils ont été dépeints par la propagande occidentale, parce que j'ai quand même écouté plusieurs reportages par rapport à l'armée russe, comme, bon, ils donnent des vieux AK-47 aux gens, tu sais, c'est du vieux stock, tu sais, pour vraiment montrer que c'est une armée qui est en déroute, ouais. Voyons donc, les AK-47, même les premiers modèles, ils marchent bien encore. Tu dans les armes, les mieux, là. Tu sais, la propagande, David, hein, sur les Russes, là, je ne sais pas combien de fois qu'ils nous ont annoncé la mort de Poutine aussi. Là, il est malade, il est fou, il est mort d'un cancer. Écoute, à un moment donné, il est bien ridicule. Là, tu peux quand même plus croire ce qu'il dit Non, si tu non, c'est écoutes ça. les Mais réseaux le sociaux. but de démoraliser l'ennemi à travers ça, je pense, c'est contaminer les gens qui sont pro-Ukraine. Puis c'est ça, là, le cercle vicieux, c'est que ces gens-là se sont fait laver le cerveau, puis là, ils ont lavé le cerveau du monde en Ukraine comme de quoi qu'ils pouvaient gagner, parce qu'eux autres, intoxiqués par leur propre propagande. Je vais vous conter une anecdote que vous ne connaissez pas parce que vous étiez. Je suis allée, j'étais. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a des conférences, ça s'appelle Production FR France-Québec, de Samuel comment il s'appelle le lanceur de. Grenier. Samuel Merci, Grenier, oui. Samuel. En tout cas, en collaboration avec la France et le Canada, ils ont fait venir à Berkane, justement, mais. Il y avait Xavier Moreau, la dernière conférence où il y a eu Xavier Moreau, qui est un spécialiste pro-russe, là, évidemment, c'est un journaliste, un gars qui défend un peu la Russie, là, qui n'est pas neutre, mais qui a quand même une vision très lucide de ce qui se passe en Russie. Il vit là depuis 20 quelques années, mais en tout cas, il est venu au Québec faire une conférence, à Québec. Et il y a eu, à cette conférence-là, un groupe le pays en guerre qu'on vient de nommer, l'Ukraine, des Ukrainiens qui sont débarqués pour rentrer dans la conférence. Et j'ai été témoin de ce qui s'est passé. Je vous raconte ce qui est arrivé. C'était très intéressant. Olivier, le Français qui organise ça avec Samuel, quand ils ont vu ça, les gens arriver, c'est un groupe d'à peu près une vingtaine de personnes qui sont venues pour interdire la parole à Xavier Moreau. Imaginez ça, pas pire. Et moi, j'ai pas été jusqu'à l'extérieur, j'ai juste observé. Et là, comment ils ont négocié ça? C'était très intéressant, Samuel et Xavier et Stéphane aussi, de la Fondation des droits et libertés. Ils sont allés les voir, ils sont allés vers eux, ils ont commencé à discuter, voir pourquoi vous venez ici, tout ça. Pourquoi vous invitez Xavier Moreau? Vous n'avez pas le droit de l'inviter. Ben non, on est désolé, mais on est encore d'un pays libre où la liberté d'expression est encore possible. Puis il a le droit à son opinion, comme vous, vous avez le droit à votre opinion. Puis en discutant avec ces gens-là, à un moment donné, ils ont réalisé qu'il y a une des femmes que son mari est mort dans l'armée. C'en est un Ukrainien qui est mort là, dans cette guerre-là. Mm-hmm. Puis en fait, c'est que cette femme-là, sa peine est tellement grande qu'elle n'est pas capable de voir clair sur la situation. Puis là, à force de parler avec elle, imaginez-vous, ils sont partis tout pacifiquement, bien gentiment. Juste en discutant avec eux, puis en leur faisant comprendre que, puis on les ont invités, ils ont dit, vous voulez venir nous parler? On vous offre le micro si vous voulez. Venez nous parler. Ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont pas d'argument en passant. Non. Ils ont juste la peine. L'émotion. C'est ça. Mais j'ai trouvé la façon de faire très intelligente de ces gens-là. Mais c'est pour ça la guerre psychologique. Oui, vas-y. Ben, je veux dire, les gens, quand ils sont émotifs, ils ne résonnent plus, là. Il ne résonne plus. Puis la dame, c'est entre autres, cette famille-là, ne résonnait vraiment pas. Mais à force de parler avec eux, puis d'avoir de l'empathie, là, je pense qu'il faut que moi, ce que j'ai retenu de ça, j'ai dit, il y a tellement eu de souffrance dans ces guerres-là qu'il va falloir les écouter un jour. Pas rien qu'en Ukraine, je pense à la Palestine, entre autres. Il faut qu'à un moment donné, cette souffrance-là puisse s'exprimer pour qu'on puisse se dialoguer intelligemment. C'est ça, pour pas que ça s'exprime de travers. Puis là, on se ramasse dans une situation où est-ce que des écoles juives se font attaquer, puis il y a des coups de feu qui sont tirés, qu'on nous dit à Montréal contre des Regarde, écoles juives. Il y a une affaire, par exemple, qu'on peut parler, là, puis ça, il y a beaucoup d'exemples de ça, puis ça fait des décennies que ça dure en France, ailleurs, mais surtout en France, entre autres. C'est la tendance des personnes de certaines communautés à s'auto-victimiser en faisant eux-mêmes des graffitis, en faisant eux-mêmes des... Parce que ça fait plusieurs, là, en France, qui se font pogner, c'est eux qui ont fait des graffitis sur leur propre commerce. Mm-hmm. La fille du RER qui s'était faite... qui avait dit... ça avait fait le tour des informations en France qu'il y avait eu une attaque antisémite dans un métro, puis c'était tout de la bullshit. C'est tout organisé par eux. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que faut comprendre que au niveau des propagandes, il y a des agents au niveau de c'est des civils ordinaires. Des agents dormants. Oui, c'est ça. Puis là, admettons, là, on a besoin au niveau de la propagande parce que regarde, là, il y a des images qui arrivent de Palestine. Ils ont forcé des hôpitaux à se faire évacuer parce qu'ils voulaient les bombarder. Il y avait des bébés prématurés dans l'hôpital. Le personnel n'a pas le choix de s'en aller, puis quand ils ont le droit de revenir, tous les bébés étaient morts puis en décomposition avancée. Donc, on a besoin, pour faire contrebalancer ça au niveau de l'émotion, on a besoin d'un média, de victimiser certaines communautés. Mais dans le fond, c'est du monde instrumentalisé. C'est vrai que c'est des victimes, mais pas au sens où ils pensent. Parce que l'affaire, les bébés calcinés, là, qui avaient été supposément par la masse, qui avaient été mis dans des fours, puis tout, c'était créé par intelligence artificielle, puis c'était démontré, c'était pas vrai. Mais les 40% d'enfants sur les plus de 70 000 morts à Gaza, c'est réel, là. Fait qu'ils ont besoin d'un média, du monde qui ont des commerces, puis qui disent, on se fait faire des attaques antisémites, puis on est menacé. Mais c'est juste une guerre d'information, dans le fond, puis ça joue sur l'émotion. C'est ça, mais au niveau de la guerre de l'image, j'étais d'accord cette fois-ci avec Alexis Cossette-Trudel qui disait que la Palestine gagnait la guerre de l'image, dans le sens que de voir des enfants qui se font tuer suite à un bombardement, les gens dans la population vont être plus empathiques par rapport à ça, parce que les gens vont dire, tu touches pas un enfant, ça n'a pas de bon sens. Tandis que si de l'autre côté, tu vois des graffitis par rapport à des édifices qui sont faits ou des drapeaux brûlés, ça n'a pas le même impact que de voir des enfants qui sont morts dans des décombres. Mais ça, ils savent. C'est pour ça que dès le début, ils ont inventé des bébés calcinés. Ouais. C'est l'affaire des couveuses koweïtiennes, comme dans le temps, qui disaient que les soldats irakiens avaient jeté des bébés à terre au Koweït. C'était tout de la merde. Puis la fille qui témoignait de ça... C'était la fille d'un ambassadeur du Koweït. Il y a eu la même affaire en Yougoslavie, à un moment donné, quand, avec la guerre des Croates, des Serbes, là, il avait montré des images de gens qui jouaient avec des bébés au football. C'était un montage, ça. Oui. C'est pas réel. Fait que c'est sûr que de l'intox des deux camps, là, c'est-à-dire la manipulation de l'information à des fins idéologiques, fait que là, à ce moment-là, ben, t'as plus confiance aux médias de masse. Une chose qui est sûre, si on regarde la Palestine, Israël, on a juste à regarder, il y avait combien de Palestiniens avant que l'Israël s'installe, il y a 75 ans, puis il en reste combien aujourd'hui? On va tout simplement comprendre le génocide très rapidement. Ah, oh, j'ai-tu dit un mot? Faut pas le dire. Ben, il y avait la bande de Gaza qui était le grand bouvert qui restait, mais là, il y a un plan pour commencer à coloniser là. Là. Tout simplement, là, c'est de l'épuration ethnique, c'est tout. Carrément. Comme il y a partout, là, je veux dire, c'est pareil comme il y a eu en Europe de l'Est, puis un peu partout, c'est d'ailleurs de même. L'affaire, c'est que dans la tête d'un Israélien réellement convaincu, puis que c'est idéologique, puis c'est politique, ils ne l'avoueront pas publiquement, mais il y en a bien là-dedans qui ils disent qu'il faut les exterminer. Oui, je sais. Puis ils sont décomplexés quelque part, même s'ils ne le disent pas, ça se sent, puis ça paraît. C'est les médias occidentaux qui détruisent les pays. Dans le sens que c'est eux autres qui fournissent les cautions, les prétextes. Il n'y aurait pas pu avoir la guerre comme dans le temps de Bill Clinton, comme il y a eu par rapport dans le coin du Kosovo, puis tout sans les médias. Il n'y aurait pas pu détruire la Syrie sans les médias. C'est comme la Libye, il n'y aurait pas pu faire ça sans les médias. C'est les médias en Occident, c'est des assassins, dans le fond. C'est des meurtriers, là. Parce qu'eux autres, ils fournissent la caution morale par leurs affaires. À chaque fois que les Américains puis l'OTAN, ils décident de détruire un pays pour des raisons de géopolitique puis d'économie internationale puis de... C'est les médias. C'est les médias qui rendent ça possible. Possible, exact. Bien, c'est ça, il crée le consentement du collectif en bombardant les gens dans leur esprit de propagande. Exact. Allô. C'est ça. C'est comme Tamara Alteresco, elle, c'est la journaliste de Radio-Canada qui, elle, a couvert la Russie. Mais dès que Poutine il a dit, ben, ceux qui disent des mentrons, on va les mettre en prison, elle est partie. Hein. Et puis, pas boy, oui, mais hein, à sa question très rapide. Puis après, ça se plaignait qu'il était un dictateur parce qu'ils sont fait sortir, mais il a juste dit, si vous comptez des mentries. Oui, bien, la peine il était quand dit, même si vous lourde. Des nouvelles, ouais, j'avais entendu dire que c'était 5 ans d'emprisonnement. Un journaliste pouvait être mis en prison pendant 5 ans. Ben, des fois, ça dépend de la prison que tout, ça peut être bien long, c'est. Ah, je suis pas sûr, j'aimerais ça être là, moi, en prison. Moi non plus, là. Pas sûr qu'on est traité comme ici, moi. Mais il reste que. Prenez Reporters sans frontières, il y en avait un là-dedans. Comment il s'appelait? François Boutingo, c'est ça? Lui, il couvrait la guerre en Irak et en Afghanistan. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il pondait des articles qui disaient « C'était là devant moi, ils ont forcé l'homme à s'agenouiller avant d'y trancher la tête, puis tout. » Puis en même temps qu'il écrivait ses articles comme s'il était en Irak ou en Afghanistan, le monde du plateau Mont-Royal, il le voyait sortir et aller à la boucherie. À un moment donné, ça a sorti, c'était tout de la merde. Mais Reporters sans frontières, ça fait partie de la CIA. Ça fait partie des appareils de... Tout ce qui est Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, toutes ces cochonneries-là, c'est tout des agents des Américains. C'est pas un vrai journaliste, François Boudingo, c'était un propagandiste ridicule, d'ailleurs, parce que c'était tellement gros ce qu'il faisait que c'est sûr qu'il s'est fait pogner. C'est un peu drôle, mec. Ben là... Correspondant de guerre à Bassora, blablabla, puis tu le vois aller s'acheter des croissants à boulangerie. À boulangerie d'à côté, ça vient Mont-Royal. Il y en a qui ont commencé à parler, qui ont dit ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi ça? La même chose, Bertha, avec une femme, une américaine, qui était exposée d'un bombardement en Israël, puis en fait, c'est un montage parce qu'elle n'était pas pantoute en Israël, elle était aux États-Unis. Ben, c'est arrivé souvent, je veux dire, tu vois que c'est des écrans verts. Ensuite, en analysant l'image, ils peuvent le démontrer. C'est ça. C'est comme ça qu'ils ont démontré qu'elle n'était pas là-bas, mais c'était des images numérisées. Là. Mais ça, c'est... c'est mais tu sais, je veux dire... tout ce qui est lié au journalisme international, ça c'est CIA. Ça va être lié à CIA. Puis les soulèvements aussi, Abrakhan avait mentionné qu'en 2014, en Ukraine, en fait, c'était la CIA qui avait amené le changement de président puis les gens soulevés contre le régime en place. Là. En 2014. 2014, pardon, oui. C'est la même affaire que les stratégies de révolution colorée. Puis tu t'arranges qu'il y ait de la merde. Là, une fois que tu as des foules, puis là, tu as la police, tu as des foules. Là, tu as des snipers sur des blocs qui envoient des balles dans les deux camps. Puis là, la panique pogne. Ils ont tout le temps agi de main. Mais il reste que. Ils l'ont fait, tu sais, sur la colline au Canada, quand les camionneurs sont sortis. Là, j'étais là, moi, les premiers week-ends. Puis. Le drapeau, tu sais, qu'est-ce qu'on voyait à Radio-Canada? Il y a eu un drapeau nazi. Ben, c'était pas un drapeau confédéré, genre? Ouais, confédéré, que moi j'avais vu. Et peut-être eu les deux. En tout cas, ou nazi ou confédéré, mais en tout cas, il y en avait rien qu'un, c'était un infiltré. Les gens le dénonçaient à l'intérieur de la foule. Hein. Mais qu'est-ce que Radio-Canada a filmé, puis il était en TVA Mardia, là? C'est juste ce gars-là. Fait qu'ils ont présenté ça aux gens comme on était des fachos finis, là. Puis des intégristes finis. Mais il n'y a jamais eu de dommages. On était près d'un million la première fois en passant, hein, le premier week-end à la colline. Il y a quoi, une semaine à Toronto, là, avez-vous vu les Palestiniens qui menaçaient la police? Hein? Ils sont allés à Toronto il y a une semaine. Eux autres, ils n'ont pas de problème. Nous, on a été traités de tout et non, puis on n'a rien fait. Mais la semaine passée, il y a des Palestiniens qui sont allés dans une fête religieuse chrétienne pour foutre la merde. C'est le temps de Noël, hein, pour certains chrétiens. Et puis, ils sont rentrés dans un endroit. Puis, la police est arrivée. Puis, il y en a un, on le voit, là, il dit: toi, là, je vais te mettre 6 pieds sous terre, mon tabarnak. C'est un Palestinien, il parle de même. Ouais, un policier à Toronto. Policier. Hey! C'est quoi ça? Tu menaces un policier puis tu dis rien. C'est deux poids, deux mesures. S'arrêter quelqu'un par rapport au camionneur là, du convoi de la liberté, inquiète-toi pas que ça aurait été un drame. Ben, mais regarde, ils ont même bloqué les comptes puis tout, puis ils ont bloqué les banques, ça n'a aucun sens. Mais un Palestinien qui menace la police puis qui menace, il y a des enfants, on voit sur le tournage, là, il y a des enfants qui se mettent à pleurer parce qu'ils gueulent comme des cons. Ils sont dans une place, un centre d'achat où il y a des enfants pour aller voir le Père Noël, Chris. Là. Est-ce qu'ils collent cela? Comment ça fait qu'on n'intervient pas, qu'on ne dit rien, qu'on trouve ça bien bon? Ouais, mais. C'est plus ordinaire, là. Les gens, là, sur place, là, tout le monde était là, c'est le policier. Ben, je trouve que c'est à prendre avec des pincettes parce que techniquement, dans le fond, c'est quoi qui est en arrière de ça? Je veux dire. Ben, c'est organisé, c'est clair. Ouais, je le sais, ça. Mais l'affaire, c'est que ça n'aide pas leur cause, ça les nuit. Ben, ça leur nuit, mais c'est que ça crée de la division. On va les haïr, là, puis là, le monde va commencer à les insulter. Y aurait-tu été financé pour faire de la division? D'après moi, ils sont financés pour faire ça. De la même façon que la madame ukrainienne, que son mari est mort, ils ont peut-être eu de l'aide un petit peu pour aller à telle conférence, à telle place. Mm-hmm. C'est sûr. Parce que les CRS, ils ont tendance à faire ça. Ils ont des agents sur les réseaux sociaux, puis eux autres, ils t'orientent. Ah ouais. Mm-hmm. Oui, je suis sûr que dans ce que tu dis, il y a quelque chose de vrai, ou sont payés ou sont. Ben, ça fait partie de ce qu'on appelle peut-être l'opposition contrôlée. C'est ça. Ben, si tu veux aider la cause palestinienne, c'est la dernière affaire à faire. Ben, ça, c'est clair, surtout au Canada. Que... En plus que. Ils ont l'avantage jusqu'à présent parce que la tendance, c'est vraiment les gens ont tendance à dire pauvres palestiniens, au Canada. Parce que là, pourquoi ils s'en prendraient des affaires de Noël? Les Palestiniens à Gaza, il y a des minorités chrétiennes, puis ils s'entendent bien. Puis les justement, Tsahal, l'armée israélienne, ils détruisent autant de lieux chrétiens qu'ils peuvent, là. Mais la police n'en parle pas. Parce que c'est clair que moi, je considère que la police aurait dû les arrêter. On a vu des choses à la colline pour moins que 100% du monde arrêté. Des petits vieux à genoux, là. J'ai vu un homme, un petit vieux, 66 ans, se faire mettre à genoux par 4 flics à Ottawa, là. Je trouvais ça ordinaire en tabarnak. Ben, supposément que. Il était juste là, lui, par hasard. Tu sais. Ben, supposément qu'il y avait des agents du FBI puis des policiers américains à Ottawa. Ben, tant qu'à moi, de toute façon, c'est pas surprenant parce que au niveau des services américains, souvent c'est eux autres qui informent les gouvernements canadiens sur ce qui se passe sur son propre territoire. Ils ont carte blanche, souvent ils citent. D'accord. Fait que, tu C'est sais, infiltré. ben, dans le fond, on est en train de. Je veux dire, c'est un peu comme si les agences américaines, les gouvernements, là, Les agences carrément. à toilettes que je les appelle. On les nommera pas, ils ne sont pas censurés. Non, Ben, non. Trudeau, en tout cas, il a appelé les Américains à rescousse cette fois-là. De toute façon, c'est déjà les Américains qui le conseillent surtout, les firmes américaines, puis McKinsey, puis. Ce que j'allais dire, je ne pense pas qu'il y ait une grande direction au Canada quelconque. C'est sûr. Tu as répondu à ta question, David. On était où? On est parti un peu. Non, mais c'est bien correct. En fait, à la base, c'était, parce que je trouvais intéressant la vidéo d'Arbacane qui disait que finalement, ceux qui se disent les amis de l'Ukraine, dans les derniers mois, ont été plus une nuisance qu'une utilité pour les gens ukrainiens. Ben, c'est évident. C'est En tout cas, avec évident. des amis de main, pas besoin d'ennemis. En tout Ben, c'est cas. ça. C'est Et comme les le père. Américains, ils sont toujours le corporatif, l'Américain, ils ont toujours fait ça. Ils trahissent tout le monde. Ils disent n'importe quoi. Ben, ils ont Ben, c'est trahi comme. l'Irak Ils dans le respectent aucun passé. engagement Oui. signé. Il y a plein. Ben, pourquoi qu'ils partent d'Afghanistan en laissant au-dessus d'un milliard en équipement militaire? Parce que c'est un investissement, parce que dans le futur, ils ont besoin que ça reste instable dans ce coin-là. Puis d'avoir besoin des prétextes pour un jour encore. C'est super stratégique, l'Afghanistan. À retourner Ou que là, l'armée, ouais. ou que ou que comment qu'appelle, ces équipements militaires-là servent à autre chose aussi. Hein. Ben, c'est parce que Tu sais, ça. regarde, on trouve plein d'armements qui est envoyé en Ukraine, en Israël, par exemple, de Gaza. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce Ben, que il y ça en fait a, là, ça a nous? passé par l'Ukraine puis l'Afghanistan. Ben, c'est ça. C'est manipulé, c'est Y clair. a du Hein. Ça suit. détournement d'armes, c'est sûr, il y a des marchés noirs, puis. Ça suit les mêmes chemins que la drogue puis le trafic de personnes. C'est les mêmes réseaux, tant qu'à moi. C'est tout lié à des agences. Comme la CIA, puis ces affaires-là. Eux autres, ils se financent de même. FBI Ben, eux autres, sur le aussi, territoire américain. territoire américain, mais c'est corrompu solide aussi. Mais, tu sais, c'est comme Ouais. la CIA, eux autres, ils ont besoin des budgets flottants non déclarés, donc il faut qu'ils se financent à l'extérieur. Donc, ils ont Tellement. des opérations de drogue, de trafic de personnes, de toutes sortes d'affaires. C'est ce qu'on nomme pas Bertol, là, c'est MOSSAD. Avez-vous compris? Oui. Je dis, c'est puissant, ça aussi. Je peux-tu le nommer, là? Peux-tu le Mossad. dire? Oui, c'est correct, ça. Le Mossad. CIA et Mossad, là, ça travaille ensemble, ça, là. Ben oui, ben, le Mossad, admettons que C'est puissant. on enlève les services américains, on enlève les services anglais, on enlève les services liés au réseau de la Nouvelle-Zélande, puis le reste, puis tout, le Mossad, c'est plus grand-chose. Démantelé? Ben, je veux dire, le Mossad, ils se font servir l'information par les autres agences. Là, ils lui donnent l'information, je veux dire, Je la pense plus. à Epstein, c'est un agent de Mossad, Epstein. Ouais, mais ça passe tout par la MI6 puis Londres. Non, Elle, ça là, passe. Ghislaine, Maxwell. sa fille de tu sais, c'est tout lié, c'est Ben, lié c'est au deux agents, Mossad d'après ce aussi. qu'on sait, c'est deux agents du Mossad, là, qui ont Ben. mis sous chantage plein de gens qui sont allés fourrer l'une à mauvaise place. Oh, le petit jeu de Mais mots. les Savez-vous services qu'avec. anglais, tu sais, comme lui, il avait le Globe à Londres. Le Mossad, puis les services anglais, puis la CIA, c'est tout pareil. Ils travaillent ensemble, d'accord avec toi. Avez-vous vu que la liste va sortir, là? Les 177 noms de la liste d'Epstein, mardi prochain, ça sort De Jeffrey publiquement. Epstein, les gens qui ont été à son île pour des activités récréatives avec des Il y a mineurs, un juge de la Cour entre suprême qui a guillemets. exigé que la liste soit mise à public, puis ils sont 177. OK. Il y en a déjà qui disent qu'ils vont quitter le pays si la liste est sortie, dont des gens d'Hollywood. On Okay. verra ce que ça fait, mais je vous dis mardi prochain, c'est OK, supposé ben, ça va être sortir un mardi. dossier à suivre. On va voir si Bill Clinton en fait partie. Ah, ça, c'est clair. Ben là, c'est sûr. En théorie, mais C'est je veux sûr, dire, c'est c'est quand même sûr. quelqu'un qui est influent. Il a été président des États-Unis. Ouais, mais c'est pas si t'es chum, là. pour ça que c'est sûr. Le pire, c'est qu'il y a du monde là-dedans qui ont pris l'avion d'Epstein. C'était peut-être vraiment pour leur rendre service, puis ça a donné de même. Puis ils vont passer pour n'importe quoi. Je sais pas, ça se peut, mais c'est ça, on verra qu'est-ce qui sort, là, mais... Ben, c'est arrivé qu'Epstein, il propose son jet privé à du monde parce qu'il y avait des problèmes avec le leur. Oui, oui, Fait que, tu sais, il y en a, ils vont se retrouver dans la merde. Kennedy a avoué, d'ailleurs, le dit, Kennedy Junior, là, il le dit qu'il a pris l'avion d'Epstein il y a un mois et demi, il en a parlé, il dit, il l'a pris deux fois pour un voyage avec sa famille. Mais comment ça, l'autre est mort? Non, non, je dis Kennedy, celui qui est Kennedy, là, celui qui se Non, promène. je parle il y a 2 mois et demi. Non, non, il y a à peu près un mois, le M. Epstein, Kennedy, il est mort. oui, je ne parle pas d'Epstein, je te dis que M. Kennedy, je suis toujours mêlé dans le nom d'un Kennedy, là, mais celui qui se présente pour le Parti démocrate, qui voulait être dans le Parti démocrate, là, il a fait la déclaration il y a à peu près un mois d'avoir pris dans le temps OK, l'avion ouais. d'Epstein, c'est ça que je dis. Excuse-moi, je me suis mal exprimée. Ben, il prend de Ça en est l'avance un qui n'a pas pour nécessairement sortir. abusé, là. Hein? Il prend de l'avance, c'est pour sortir. Moi, Oui. quand j'étais petit, puis j'étais sûr que j'allais me faire prendre, j'avouais. Oui, mais ça veut dire qu'il savait que ça allait sortir. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui Oui. l'écoute, tu comprends? Oui, on est d'accord qu'il se protège, là. Je suis d'accord avec toi. Ben, tu sais, moi, les Mais il est Kennedy, dans le secret des dieux. moi, c'est ça l'affaire. Donc, il est mieux de faire attention. Mais tu sais, je veux dire, juste le clan Kennedy. Complexe. Ben, moi, c'est surtout le bonhomme, là. Lequel? Parce que moi, je suis mêlée des Le père, Kennedy. là. Le John F. père. Non, Kennedy. non, non, son père. OK. Le père de. Oh, Le allez, vas-y, père ça de. t'allume. Le grand-père. Celui-là qui avait des petites lunettes rondes, là. C'est des années 40-50, là. John F. Kennedy, c'est-tu Ouais. Ben ça? non, leur père. Ouais. Je suis mêlée des Kennedy, je te l'ai dit, Non. Bertha, là, j'ai pas suivi tellement les Le père Kennedy. de John Fitzgerald Kennedy, le père de Robert Kennedy, puis le père de Rosemary Kennedy. Oui, il s'appelle comment, lui, ce Kennedy-là, ce Je me rappelle père-là? comment il s'appelait, donc. Je ne sais pas. Je peux pas t'aider. Mais tu En tout cas, sais, lui. ben, m'en aller voir. M'en aller OK. voir. Lui, il a fait fortune dans la contrebande d'alcool. C'est des gangsters irlandais. C'est le même qui a pu mettre sa famille dans la haute société parce que c'est des petits Irlandais pauvres à la base, là. C'est des. Mais le père, celui-là que je parle, le bonhomme, lui, il avait des liens avec la mafia, puis les politiciens, puis les services. C'est lui qui a voulu que ses fils ils deviennent politiciens, dans le fond. Pour son clan, pour que son clan devienne. Ben puissant. Au Mais tu pouvoir, oui. sais, je veux dire, c'est une des pires familles, là. C'est aussi pire que les Bush, là. Tant qu'à moi, là, je parle, tu sais, j'ai rien contre les. Comment je pourrais dire ça? J'ai. Tu sais, je veux dire, je dis pas toute la famille est de même, là. Mais c'est le Non, même non, mais il y genre a de. certains Ouais. individus de la famille. Mais je sais qu'ils ne sont pas blancs comme neige, hein, je savais, c'est sûr. Ah, maudit, j'ai ça à chaque fois que je charge de quoi sur le bonhomme, il apparaît rien que le fils. Puis moi, je veux dire, c'est pas lui qui est le plus intéressant. 1940, tu dis, je n'étais pas née encore, là. Je blague, mais. Moi, ce que Ben lui, il a j'avais. fait sa fortune avec la prohibition. Fait que ça fait un bout, là. Donc, Après la Deuxième Guerre mondiale. Ou avant la T'sais, Deuxième Guerre. il donne. Ok, père Joseph Patrick Kennedy. Jamais su. Je ne savais même pas qu'il existait un Joseph Patrick Kennedy. Bon, les Irlandais s'appellent souvent Patrick. C'est lui le premier qui est débarqué aux États-Unis, tu dis? Non, il est Les né à premiers? Boston, me semble. Ok, je suis là. Il est né à Boston en 1888. Il est mort le 18 novembre 1969. Homme politique et diplomate américain. Apparaît bien. Ouais. Diplomate, mafioso à 16 heures. Puis tu sais, son père, c'est un tavernier, son père. Tu sais, après, il y a eu la contrebande. C'est pour ça que je parle de la contrebande d'alcool. Puis le monde n'en parle pas. Mais c'est le même qui sont devenus. Parce que c'était un peu comme même quand Kennedy il était président, c'est Jackie Kennedy, dans le fond, c'était elle qui voyait au protocole, puis recevoir les gens, puis tout, parce que Kennedy, il n'y avait pas d'éducation, dans le fond. Les deux, là, c'est des. On pourrait dire parvenu, on voit. Ben, Moi, je les considère comme des. C'est, dans le fond, c'est des prolétaires qui sont devenus bourgeois. Puis, mais c'est comme Kennedy, là, John Fitzgerald Kennedy. Mettons qu'il y avait un concert à la Maison-Blanche, il se levait pour applaudir quand c'était pas le temps, puis il comprenait pas les concertos, comment ça marchait, puis tout. Puis c'est Jackie Kennedy qui le pognait, puis qui le rassoyait. Parce que c'est du monde. Ils se sont fait payer une bonne éducation, mais ils n'étaient pas nécessairement assidus, là. C'est des playboys, je veux dire. Eux autres, c'était de. Tant que tu causes du monde de party, mettons, là. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que. Le clan Kennedy, moi, je dis tout le temps, je regarde tout le temps les origines pareilles, parce que il reste que le bonhomme Kennedy, c'est aussi pire que George Bush père, là. C'est le même genre de monde. Il a fait lobotomiser sa fille pour la cacher, pour pas qu'elle. En tout cas, Elle Rosemary était malade Kennedy. mentale. Ils ont dit qu'elle était malade mentale. Ils ont dit qu'elle était malade mentale. Elle n'était pas malade mentale, mais elle risquait d'être une source d'embarras pour la famille. Puis après qu'ils l'ont présentée à Haute Société, puis tout, ils ont compris que peut-être qu'elle était peut-être pas. C'était pas de lumière, mettons. Fait qu'elle faisait des gaffes, puis tout. Puis maintenant, le bonhomme, il s'est tanné, puis il s'est mis à la mettre à l'écart. Puis là, elle est devenue dépressive, puis elle a commencé à avoir plus de problèmes, ce qui est normal. Puis c'est là qu'ils l'ont envoyé en cachette en pleine nuit, se faire découper le cerveau à vif avec une lame de rasoir. Ils ont fait chanter l'hymne national, puis quand elle était plus capable de le chanter, là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté de tailler. Puis son père, il est jamais allé la voir. Puis même son frère, quand il était président, il était même pas au courant parce que le bonhomme, il cachait ça à la famille. Fait que comment qu'elle va, Rosemary? Oh, elle va bien. Elle va très bien. Elle est en train de l'assassiner, mais elle va bien. Elle va très bien, elle a une affaire privée que j'ai payé du monde pour la cacher, puis elle se fait violer par les employés, elle devrait accoucher bientôt. T'sais, ça, ils ne l'ont pas dit, mais il reste, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est des familles. Je veux dire, moi, je comprends pas. C'est parce qu'il est mort jeune. Mais John F. Kennedy, moi, je comprends pas le culte qui est autour, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Ils en ont fait une icône. Ils en ont fait un objet. Puis c'est eux autres qui l'ont fait, dans le sens, c'est eux autres qui l'ont tué, dans le fond. Mais il C'était pour reste que. cacher le meurtre, puis on fait ça aussi, tu sais, vernir la chose pour cacher ce qu'ils font. Ben, il était devenu un problème. Il mordait la main qui. Bon. Qui nourrissait, ouais, c'était le problème, effectivement. Ben, les Canadiens en politique, ils ont tout le temps été aidés par la mafia. Là, il y avait Traficante qui avait aidé à l'élection. Puis là, le petit frère, entre autres, puis le frère, il voulait faire des lois pour détruire la mafia. Puis bon, puis là, la mafia est liée tout à CIA parce qu'au niveau de l'information, la mafia tient des motels que la CIA puis l'FBI, ils ont des caméras. Puis essayent de pogner des politiciens avec des putains, des affaires de même. Fait qu'ils ont tout le temps des liens ensemble, puis tout. Puis c'est là que c'est un paquet de monde qui se sont réunis, puis on dit qu'on s'en débarrasse. On va faire un show. On va faire de quoi de beau, ça va être bien fait. Tout le monde va. Mais c'est comme la madame que son mari est mort en Ukraine. Il y a un choc qui est créé. Puis après, t'as une icône. Il est entré dans l'éternité. Il fait partie de l'arme américaine, puis tout. Mais c'est une forme après qui va servir à manipuler le monde. Comme Barack Obama, quand il a fait sa campagne, c'était beaucoup copié sur Kennedy, je trouve. Ça ressemblait un peu, là. Ouais, comme orateur, ouais. Ben, c'est un bon orateur, mais c'est vrai que son discours avait quelque chose de proche des Canadiens. Ben oui, ben il s'associait avec eux, tu sais, ça faisait référence à du mémoriel, puis bon, c'est un démocrate. Tu sais, il y a tout un contexte socio-culturel pour créer une acceptabilité sociale en s'appuyant sur des formes connues qui font écho au sein d'une population américaine sur plusieurs générations. Ben, comme Joe Biden, dès qu'il rentrait à la Maison-Blanche, il a mis le buste d'un Kennedy. C'est sûr, ça le sert. Mais techniquement, c'est comme les lois par rapport à la ségrégation raciale, les lois fédérales, puis tout. Kennedy, il les a jamais appliquées. Puis il n'a jamais eu le courage politique. C'est Lyndon Johnson qui les a fait appliquer. Moi, à mes yeux, Kennedy, c'est un raciste. Ah ben oui, pour moi aussi. J'ai pas dit que c'était des dieux. Pas au contraire, là, c'est. Non, ça je suis d'accord. Ben, Ben, je savais pas que c'est très possible. T'sais, c'est comme, mettons, on va parler. C'était, voyons, Washington ou Lincoln, en tout cas, un des deux Lincoln. ouais, c'est ça, qui était contre l'esclavagisme, supposément, mais il y avait lui-même des esclaves. Oui, ben c'était une guerre économique dans le sens que le marché des esclaves, bon, ben dans le fond, c'était dans le sud surtout, puis que par rapport que l'économie attenait à ça, là, il y a une rivalité, puis il y a un paquet d'affaires, puis là, bon, ben finalement, là, après, quand ils ont décidé d'arrêter l'esclavage, là, c'est là que tu as des États du Sud, ils ont dit, ben là, vous allez mettre l'économie à terre. Mais d'une certaine façon, c'était voulu, je veux dire, c'est des stratégies de transfert d'énergie. Puis Lincoln, il avait été avocat à Montréal. C'est quelqu'un de. Comment je pourrais dire ça? C'est pas juste un Américain borné, là. C'est quelqu'un qui avait une certaine Il intelligence, avait mais une si tu te vision. regardes là. Il est vrai? Une vision. Moi, ben, c'était noir un peu. Dans le sens de quelqu'un de déprimé, puis de dépressif, puis. Mais c'est pas lui qui a permis la fin de l'esclavage en soi. Oui. Oui, il a aboli l'esclavage, mais c'est pour des raisons de guerre économique. C'est ça que tu dis. Ben oui, mais moi, je le vois de Sûrement. même. Ben, ça doit être ça, Donc, le d'être sûrement pas mouvement, derrière le d'égalité. mouvement abolitionniste, c'était pas un souci nécessairement humaniste ou humanitaire. Il y avait une question, encore une fois, d'économie ou de jeu de pouvoir, j'imagine, là, tout simplement. C'est sûr qu'il y a de l'argent, tout ça. C'est le même depuis des milliers d'années, c'est sûr. Ben, je sais qu'il y a des coins du Sud, il y a des propriétaires d'usines qui voulaient employer, mais c'était compliqué parce que là, il y avait des règles, il fallait que tu sépares les employés, il fallait qu'il y ait des toilettes séparées, des cantines séparées, ça finissait plus. Puis là, c'était les débuts de l'ère industrielle, puis tout. Puis probablement qu'il y a eu des démocrates du Sud qui étaient pour ça, là. Dans le Mais sens que. ça allait aussi dans un mouvement mondial de 1900, début des années 1900. Beaucoup de gouvernements en Europe, tu voyais beaucoup de royautés, d'autocraties qui créaient des gouvernements parce que les peuples étaient en réaction. Il y avait de la révolution en Russie, il y a eu la révolution avec Nicolas, tu sais, comment il s'appelait le dernier Le dernier tsar tsar? de Russie, Ah, le dernier Nicolas tsar de II. Russie, là, Ouais. il a été, ça a été une catastrophe parce qu'il a refusé de créer une espèce de parlement, en fait, là, réel. Mais il y avait cette mode-là, là, de mettre des parlements comme. C'est une façon de contourner le problème parce que les peuples se révoltaient, en fait. Là. Il y avait Ouais, ben, ça tellement de dépend le révolte. genre de système, là. Suis pas très claire dans ce que je dis, là, mais ce que je vois qu'un mouvement global de. En Europe, il y avait des changements importants. En Amérique aussi, dans le temps du changement justement de l'esclavage noir-blanc, des Noirs aux États-Unis. Ça Ben, correspond à la même période, un peu de début de l'industrialisation. oui, ben, moi, je le vois de même, dans le sens, c'est les débuts de l'ère industrielle, puis on a besoin de main-d'œuvre, donc ils ont créé la classe moyenne. Pour ça, il fallait donner des droits du monde qu'il n'y en avait pas avant. C'est ça, c'est ça. Merci, tu le dis bien. Très clair. Oh, c'est juste économique, dans le fond, c'est tout. Tout le temps, ça motive C'est des ça. changements. Puis là, si on entre dans la quatrième révolution, c'est-à-dire la révolution numérique, ou cinquième, comme dit Mona. Semblerait qu'on est rendu à la cinquième. Bon, il y en a qui vont spéculer, c'est la cinquième. Ça veut dire que là, si on remplace les individus par des robots et l'intelligence artificielle, là, qu'est-ce qui va arriver de cette population-là qu'on avait besoin? Pardon, c'est qu'on a besoin des gens ou on a besoin de l'IA, de quoi Ben là, que c'est c'est que que. il y a des emplois répétitifs comme les emplois de journaliers vont être remplacés par des robots. Ouais. Ben oui. Des automates dans des entreprises, puis de l'intelligence outil artificielle qui va faire des tâches, comme par exemple de la saisie de données automatiques sur des ordinateurs, etc. Donc, le besoin de main-d'œuvre va être moindre dans les prochaines années. Fait qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? T'es Ben, on est en détruit. train de le faire. Ils sont en train de le faire. T'es Ils sont en détruit. train d'éliminer 20 du monde. Par la nourriture, par le système de santé publique, par toutes sortes de moyens. Sorte de C'est pas moyens du. pour. La classe moyenne, ils l'ont créée, ils peuvent la détruire. Là, ils veulent la détruire maintenant. Ben oui, ça fait plusieurs. Moi, je pense que ça fait au moins 30 ans qu'ils font tout pour Oui, ça. quand je dis maintenant, c'est au moins 50-60 ans. Mais ce que je veux dire, ils ont créé la classe moyenne dans le temps pour des besoins X. Là, ils n'ont plus besoin de ça, ils veulent l'éliminer. Mais c'est toujours les mêmes raisons qu'on dit, dans le fond. C'est toujours des raisons économiques de faire du cash. Ben oui. Ben c'est comme les Et Afro-Américains aux États-Unis. Oui, ils ont libéré de l'esclavage. Mais après, ils sont arrangés pour détruire ces communautés-là. Les Afro-Américains divorçaient moins, c'était des familles stables, il y avait moins de criminalité même que chez les Blancs. Puis il y a carrément eu un plan de destruction des Afro-Américains aux États-Unis par du culturel, entre autres, du faux culturel. Tu avais le jazz qui ont tu sais, je veux dire, c'est eux autres qui ont inventé le rock'n'roll avant que ça soit repris. Puis après, il y avait le jazz puis toutes sortes d'affaires, mais dans le fond, ça vient tout du gospel puis ces affaires-là. Mais c'est là que des producteurs sont arrivés puis ils ont comme commencé à faire. Ouais, le jazz, c'est devenu une musique d'alcoolique puis de drogué. Ça a été, je veux dire, ça a été voulu. Aujourd'hui, les Afro-Américains sont plus divorcés que les Blancs, puis sont plus criminalisés. Ils ont réussi à inverser ça. Puis ils essayent de nous faire à croire, ben c'est parce que c'est des victimes de l'oppression. Mais ça n'a pas rapport, parce que même dans le temps qu'ils étaient plus opprimés, il n'y avait pas ces problèmes-là tant que ça. Donc, quelque part, c'est tout à l'hypocrisie, puis le double langage, c'est tellement hypocrite. Mais il reste que, bon, il y a un moment donné, ils ont eu besoin d'eux autres pour avoir une certaine main-d'œuvre qui était moins chère. Puis à un moment donné, bon, OK, là, les droits civiques, puis tout, pour qu'il y ait accès à certains emplois. Puis là, après, ben, ils ont commencé à détruire le manufacturier aux États-Unis. Parce qu'ils ont commencé à démobiliser partout, puis ils n'en avaient plus besoin. Mm-hmm. Ils ont fait pareil au Québec. Oui, ben, c'est pas mal la même stratégie partout qui applique. Ben oui. Nous autres, on nous a détruits en nous enfermant dans... comment je pourrais dire ça? Bon, en nous enfermant dans notre... justement, dans ce qu'on pourrait... Comment je pourrais dire ça? La culture canadienne-française n'était pas si conne qu'elle l'est maintenant tant que ça. Là. Je sais pas, je veux dire... Bon, en tout cas, tu sais, c'est devenu vraiment de la merde. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un nivellement vers le bas, mais ouais, tu sais... Le nivellement par le bas ici, beaucoup. Ouais. Mais tu sais, nous autres, on est enfermés à cause de la langue, entre autres. On n'a pas besoin de frontières avec des gardes, avec des mitraillettes pour éviter que les Québécois aillent ailleurs. Le fait qu'on maîtrise mal l'anglais fait en sorte qu'on n'a pas de mobilité professionnelle tant que ça. Ben, moi, je sais pas, mais je veux dire, l'anglais, je le comprends. Je le parle mal, mais je suis capable... Je trouve pas qu'on est autant enfermé par des formes comme ça que psychologiquement, dans le fond. C'est devenu un prétexte que ce qui fait partie de notre identité, puis justement des attributs de ce qui pourrait servir à notre force puis notre survie, c'est rendu que c'est ça qui nous enferme. Je sais pas, là. Je suis pas certain. Ben, et moi, j'ai l'impression que le fait qu'on n'a pas eu une bonne, en tout cas dans notre temps, Bertol, on est de la même génération. Je veux dire, l'anglais, c'était mal enseigné dans l'école où ça commençait genre en troisième année. Tu sais, c'était pas favorable parce qu'on a une maîtrise aussi grande de l'anglais que le français comme langue officielle au Canada. Ben, c'était, si le Québec, c'était la dictature, puis c'est moi qui mène, il y en a même plus de cours d'anglais. Mais pas d'argent là-dedans, moi, là. On va commencer par les affaires de base, puis on verra après. On devrait peut-être essayer de savoir écrire le français, ce serait bien. Ben, c'est ça. Ah, on va commencer par connaître la géographie, puis la science critique, puis être capable de raisonner, puis d'écrire, puis de compter, puis on verra après. Mais c'est parce que là, tu gardes les gens captifs d'ici, dans le sens qu'on est dans un endroit des plus taxés en Amérique du Nord. Si la personne n'est pas contente, elle ne va pas dire « ben je vais aller aux États-Unis, dans le reste du Canada, elle n'est pas capable de maîtriser la langue anglaise. » Ben oui. Quand il y a eu la crise de 1929, il y en a combien de Canadiens français qui sont exilés aux États-Unis? C'est incroyable comment il y en a eu beaucoup. Ils l'ont appris sur le tas. C'est une langue facile à apprendre en passant. Ben, ouais, c'est sûr, c'est une langue de débile. Ne nous affolons pas, là. Je veux dire, c'est quand même une langue, je ne dirais pas nécessairement débile, dans le sens que c'est une langue qui est carrée, qui va droit au but. Je veux dire, c'est... C'est une langue de barbare. Dit Bertol, OK? Oui. Moi, à mes yeux, je veux dire, c'est une langue de barbare dans le sens que... Ben, c'est ça. C'est des langues qui viennent du Nord. C'est pas des langues gréco-latines, là. Non, c'est des langues beaucoup plus simples. Ben oui. Pour apprendre l'anglais, je n'ai pas d'opinion sur la question, mais je peux juste dire que je ne suis pas très douée pour les langues, ça c'est facile à apprendre. Parce que je suis blé d'Inde aujourd'hui et non bilingue. Ben, c'est-à-dire que l'anglais, à l'origine, provient. Il y a des termes qui viennent de la langue allemande, français aussi, par rapport au niveau de la monarchie. puis de la royauté, parce que ces gens-là se sont fréquentés sur plusieurs décennies. Puis il y avait une autre langue aussi par rapport à. Voyons. Excusez, je me rappelle pas, mais en fait, si on prend Oh, c'est un mélange, l'anglais, t'as un paquet d'affaires le là-dedans. T'as du garlic, gaélique, du ouais, norrois, de c'est tout ça. mêlé. C'est ça, mais il y en a trois principales, là. De ce que j'avais compris, c'est en lien avec les jeux de pouvoir et les alliances stratégiques entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Puis si tu prends l'étymologie des mots, habituellement, c'est ça, tu as le garlic, tu as l'allemand, puis tu as le français, souvent dans les racines des mots en anglais. T'as beaucoup de mots qui viennent de les peuples nordiques là. Aussi parce que l'Angleterre c'est pas pour rien que Boris Johnson il a la tête blonde de même. Ils ont eu beaucoup de monde qui sont venus de Suède, de Norvège, du Danemark à certaines époques. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'il y a certains Anglais, tu sais, je veux dire, ils ont la face rouge et les cheveux jaunes. Ils ont la face rouge, les cheveux jaunes, puis les yeux bleus, là, moi, quand je vois ça. C'est pas la même race que moi, là, je le sens, là, je le sais, puis j'aime pas. T'sais, pas dans le sens que je suis à ce point-là, mais il reste que ben, leurs ancêtres, on voit d'où ils viennent. Ils viennent du nord de l'Europe, puis leur langue aussi, quelque part. Puis l'affaire, c'est que l'Angleterre, au fond, c'est pas pour rien qu'on dit la Grande-Bretagne. Dans le sens, t'as la Bretagne de l'autre bord, puis t'as la Grande-Bretagne. Mais ils ont tout en une. Mais si tu prends les figures les plus importantes de l'histoire anglaise, comme Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion, il n'a jamais parlé anglais, il parlait français. Parlait français de la cour anglaise, les gens de la cour. Ben oui. Même en Russie, ils apprenaient le français, c'est une langue. Ben C'est oui. la langue Ben de la toutes les. diplomatie internationale. Mais c'est une Parce... langue extrêmement complète, en fait. C'est une langue, il y a tellement de mots et de possibilités d'exprimer des choses avec une précision, parce que la langue le permet, les mots sont là. C'est une langue très développée, le français, on en parle. Ici au Québec, on ne sait pas grand-chose à part lol puis fuck you, là, mais c'est une langue magnifique, les gens la perdent. Au Québec, c'est terrible le degré de français des jeunes d'aujourd'hui. Comparé rien qu'à moi qui ai 62 ans, j'en viens pas. Des fois, je dis des mots, puis c'est quinconce. Hein? Quinconce, ça veut dire décalé. OK. Mais c'est un mot qui est perdu dans la langue française, mais décalé, quand tu veux décaler ton tapis, mets-toi en décalage. Le vrai mot, c'est quinconce. C'est un mot que personne dit. Je m'amuse à le dire rien que pour ce que ça vaut 50$, là, mais il y a plein de mots de la langue française qu'on n'utilise pas. C'est une langue qui se perd, moi, je trouve, très triste. Ben, c'est voulu. Tu sais, je veux dire, prenez Pierre-Carl Péladeau, maintenant, il était à un spectacle, puis là, il voulait se lancer en politique, puis poser PQ nationaliste, fait qu'il criait, il avait Prévert, en français, en français. Tu regardes ses postes qu'il possède, c'est tous des programmes américains, c'est tous des gugus US Got Talent, je sais pas trop. Oh C'est ces histoires de chanteurs castrés, là, déguisés en mascotte, c'est toutes des tunes américaines, quasiment, je veux dire. ça y En plus, les ressent. Américains, c'est tellement américain, ils ont racheté le concept, puis ils l'ont fait aux États-Unis. Moi, si je me rappelle, à l'école, en troisième année, on prenait des chansons en anglais, qui étaient les hits dollars, si on peut dire, puis là, on les traduisait en français. Puis moi, le premier choc que j'ai eu, c'est donc ben des textes stupides. C'est stupide. On dirait que c'est des enfants de 4-5 ans qui ont écrit les textes. La langue écrite, la langue chantée en anglais. Ah, c'est très limite. Pour moi, c'est une langue d'affaires. C'est une langue un peu comme disait pas Berthold David. C'est une langue qui est utile pour communiquer rapidement de l'information ou d'échanges rapides, donc d'affaires, de commerce. Mais si tu aimes une langue, puis tu aimes explorer une langue, c'est sûrement pas l'anglais qui est de l'extraordinaire, je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas que c'est une langue de brute, mais c'est une langue assez peu développée, en fait. Ben là, D'affaires, business. tu sais, c'est un peu comme, bon, si on regarde en Europe, là, le foot, les hooligans, ça vient d'où? Vas-y, je ne sais pas. Je sais pas moi Ben, non plus. c'est les Anglais. C'est les Anglais qui ont commencé ça à se taper sa gueule après sous l'eau. Ils saoulent au pub, ils vont au foot, puis ils se tapent sa gueule, ils font des émeutes. Ah, oui, j'avais déjà Mais ils ont entendu. tout le temps été de même. Ils ont tout le temps été de même. Mais je parle là, tu sais, je généralise pas, mais il reste que, tu sais, ça vole pas haut, puis c'est comme, une de mes tantes est allée en Écosse cet été. Elle voulait visiter le château de Mary Stuart, puis mais il a fallu qu'elle est allée autour et tout, est allée en Angleterre, puis moi, je le sais même pas comment qu'elle fait. Je sais même pas comment qu'elle a fait. Elle a visité des pubs, des affaires de même. Mais tu sais, je veux dire, c'est du monde. Ils sont à côté d'un bar, puis ils parlent de croquet, puis c'est comme les Américains, je veux dire. Les Américains, là, on est là pour dire à Guy Nantel, il a questionné du monde, ils sont pas capables de mettre le Québec sur une carte. Les Mais Américains, les Américains, c'est pas mieux. C'est bien pire. C'est ben, bien pire. Je suis pas sûr que c'est pire, mais en tout cas, pour moi, c'est pas mieux. Je le sais, j'en ai croisé des Américains en voyage, puis ils savent rien. C'est vraiment Ben des non. ignorants de première. Ben, c'est quoi donc? Je pense que Paris Hilton était venu à Montréal pour l'ouverture d'une boîte de nuit. Puis les journalistes, ils demandent, disent, comment vous trouvez ça le Québec? Elle dit, c'est quoi ça le Québec? C'est-tu en Europe? C'est une crise de niaiseuse. On le sait, dans le fond. Je veux dire, rien qu'à. Tu sais, juste. Moi, juste. Comment je pourrais dire ça? Par le visage. Ah oui. Par l'harmonie de la face. Ben oui. Pourquoi en Angleterre, ils ont tellement des dents croches, puis c'est Sont pas sûr, c'est beaux. des insulaires. Ben oui, mais il y a de la consanguinité par là, mais on n'en parle pas. C'est pas pour rien qu'ils sont ils tripent sur l'eugénisme. Ouais, ça a du sens. Mais c'est leur problème, pas celui-là de toute la planète. C'est pas de ma faute s'ils sont. Si c'est des chiens trop racés, puis qu'ils marchent croche, tu sais, puis eux autres, faut qu'ils. Après, il faut qu'ils imposent le standard à toute la planète. Puis pourquoi? Parce que dans le temps, la maudite Tudor est venue à bout de sacrer une volée aux Espagnols, puis qu'ils ont pris le contrôle maritime, puis qu'à cette heure, ils ont pris le contrôle du monde. Mais finalement, c'est parce qu'ils ont une intelligence technique. C'est comme des ouvriers très, très habiles. Moi, je les vois de même. Mais ils n'ont pas produit, je veux dire, dans le fond, là, Ben, je ils ont parle au su niveau exploiter culturel. les colonies. T'sais, ils ont tiré profit justement de leur capacité technique pour, au niveau géopolitique, ça a été le peuple qui, au niveau des affaires, a établi des colonies un peu partout, là. Ben, c'est sûr, quand t'as pas la loi canon, puis t'es pas obligé de suivre t'es plus besoin de suivre les règles de l'Église catholique en affaires. C'est sûr que tu vas dominer tout le monde. C'est sûr que si t'attaques les Espagnols pour leur voler leur or, puis que le roi de ton pays, il t'encourage, puis te paye pour ça, tandis que les Espagnols n'oseraient jamais faire ça, c'est sûr qu'ils gagnent. C'est le plus croche, puis c'est le plus pourri qui gagne, c'est comme à l'école. C'est sûr que le gros tannement, qui est 2 fois plus gros que les autres, il va dominer. Tu sais, c'est comme. C'est vraiment ça, là. Où Mais tu il reste que. veux ben, ça va Ça, quand tu regardes ça va dans le sens de l'ordre de la guerre de Sun Tzu où que tu suis pas de principe ni rien, tu sais, c'est vraiment l'objectif, la stratégie qui mène plutôt que de la morale puis une éthique. les Anglais, c'est des pragmatiques, puis ils sont pratiques, puis les Américains aussi. C'est ça. C'est ce qu'il y a de plus admirable chez eux autres, c'est ce qu'il y a de plus intéressant de leur culture. Mais il reste qu'eux autres, ils peuvent pas faire, je veux dire, c'est une assimilation forcée, dans le fond. Il est culturel, leur pouvoir, dans le fond. Dans le sens que c'est sûr qu'elles s'exportent bien leur culture. Elle Non, s'adapte pas. à. Ben, c'est ça, tu sais, ça fait à tout le monde. Ça fait à tout le monde, c'est pas vraiment une culture, c'est comme juste quelques aspects d'une culture. Ben, tu sais, c'est comme les téléromans américains que je t'aimais, là. L'autre, là, en français, il bourre le monde de ça à Québécois, des écrits de niaiserie comme Top Model. Ça vient tout de Californie. Mais, ben, franchement, je pense que c'est l'émission la plus stupide qui a jamais existé. T'écoutes ça, là, puis tu aspires ton énergie vitale. Tu tombes dans un état second. C'est comme être sur les pilules, tellement c'est stupide, puis qu'il n'y a rien qui se tient debout là-dedans. C'est comme, même des enfants, d'après moi, pourraient trouver ça ridicule. Ben ça, c'est ce qui exporte le plus. C'est Les niaiseries. l'américanisation du monde, pour rendre les gens un peu partout à l'image de ça. C'est-à-dire que les gens soient formatés, que la personne soit en Inde, qu'elle soit au Québec ou même en Russie. On vise à tout programmer les gens en fonction des mêmes contenus culturels. Puis que tu interagis avec quelqu'un au Québec, en Inde et tout, ils vont tous être soumis à l'idéologie américaine. Ben, c'est une Ouais. idéologie, dans le fond. Moi, je vois plus ça, c'est pas vraiment une idéologie, dans le sens qu'il n'y a pas de contour clair. C'est une espèce d'expertise qu'ils ont de convertir tout à leur avantage, puis de s'adapter à tout, puis de forcer les. Ils vont même te convaincre. Ça fait penser dans le temps à l'Empire romain. Il laissait, admettons, qu'il faisait la conquête d'une région, puis ça devenait une province romaine. Il te laissait ta religion, il te laissait ta culture. Mais il fallait que la base, la culture, comme l'argent, puis les affaires de base, fallait que ça soit romain. Donc les Américains sont pareils. Et, comme Kadhafi, il voulait plus servir de l'argent américain. C'est pour ça qu'il est mort. Mais c'est la même affaire que les Romains, il était pareil. Pourquoi c'est l'aigle le symbole des États-Unis? C'est le même symbole que les Romains, dans le fond. Puis l'Angleterre, ça, c'est le lion. Mais le lion, ça a tellement pas rapport avec l'Angleterre. Il n'y a jamais eu de lion en Il y a jamais eu Angleterre. lion en Angleterre. Ben là, fait que dans le fond, on a affaire à des programmations qui se transfèrent. Puis finalement, ces forces-là, ces mémoires-là, sont pas mortes. Mais il s'est passé du latin au. Parce Les que nazis avaient dans. l'aigle aussi comme symbole. Ben oui, Les mais la nazis. Germanie a été une province romaine à un moment donné. Il y Ouais, a c'est vrai. une histoire proche entre les Germains et les Romains. C'était, tu sais, les Germains étaient. C'est sûr que la Germanie, c'était lié à Rome, puis il y avait du commerce, puis il y avait des guerres, des alliances, puis tout. T'as la vieille Syrie, moi, Claude Empereur, à un moment donné, les Germains, ils apprennent qu'il n'y a plus d'empereur à Rome, fait qu'ils prennent une délégation militaire, puis ils se rendent à Rome. Puis là, les Romains, ils ont fait quoi? Fait que là, ils ramassent. Dit, oh, mon oncle Céline, sénile de Caligula qui bégaye, on le met empereur, il le ramasse, puis il lève, là, vive l'empereur, parce que les Germains s'en viennent. Mais c'est encore de même, dans le sens que si tu regardes le jeu extrêmement important qui amène l'Allemagne pour l'Europe, je veux dire, Présentement. ben oui, la présidente de l'Union européenne, c'est une Allemande, puis c'est la France, puis l'Allemagne au niveau de l'Europe continentale qui détermine le reste, là. Ils s'en foutent un petit peu de l'Italie. Pourquoi? Parce que au niveau économique, c'est l'Allemagne, là. Ça va tout le temps être dans le même, je veux dire, c'est une Et sur le culture. bord de la mort, l'Allemagne, économiquement en passant, parce que avec leurs amis, qui sont leurs meilleurs amis, puis qu'on nommera pas, ben, comme ils sont équipés avec des bons amis, ils risquent d'y passer aussi. Parce qu'ils sont en train de tuer leur là. C'est une catastrophe, là, présentement. L'économie s'effondre, ça n'a plus de sens, les entreprises quittent le pays. Pour test, c'était le pays qui avait Le plus riche. le plus gros pouvoir manufacturier. Mais le plus riche aussi de Oui, le plus l'Europe, riche c'est. de la zone euro. Tu sais, il allait beaucoup mieux que la Grèce, parce que quelques années, la Grèce était sur le bord de la faillite. Ben, ça a été un laboratoire, la Grèce. Ce qu'ont subi les Grecs, toute l'Europe va le subir. Je veux Ça dire, s'en vient. c'est une répétition, là, ce qu'ils ont fait. Tu as des banques, puis tu as des particuliers qui ont pris le contrôle. Ils ont racheté plein d'îles. Ça ne devrait pas appartenir à des intérêts privés. Ça appartient aux Grecs. Ils ont racheté des pleins d'îles. Pareil comme dans le temps qu'ils venaient piller les statues pour ramener ça dans les musées à Paris, puis à Londres, puis. C'est un peu ce qu'il essaie de faire ici aussi, hein, Bertold, de nous endetter au point d'après ça, on appartient aux corporations. De toute façon, le Canada n'a jamais appartenu aux Canadiens, là, mais bon, Ben, ça c'est nous une appartient même pas. corporation. Hein? C'est une corporation. C'est ça. Hey, les amis, je vais devoir vous quitter, moi, parce que je commence à plomber. Ben, Ben, moi c'est aussi, bien il faut voir correct. ma couche. On va compléter l'enregistrement, en fait, pour terminer. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Ben, j'ai plus exprimé ma maladie que parlé des maladies. Oh! Ben, en fait, sur le terrain sur lequel je vous ai amené, c'était l'histoire du potentiel On est trop censuré dans cette émission-là. d'auto-guérison que les gens peuvent avoir. quand on est confronté à un problème de santé. Moi, c'est sûr, premièrement, cette année 2023, ça a été mon problème de santé auquel j'ai fait allusion au début de l'enregistrement. C'est plate. Je suis toujours en mode pour essayer de trouver des solutions, d'autres façons de faire. C'est sûr, j'aimerais pas avoir ça, mais je vois pas. Tu sais, parce que il y a des gens par rapport à l'instruction supramentale vont dire, ben, l'esprit va commander à la matière quand l'individu se conscientise ces choses-là. On devrait faire une émission juste là-dessus. OK. Oui, parce que Parce que c'est un sujet très vaste. Hein, le vice-versa est vrai aussi, dans le sens que j'en ai vu du monde qui avait des capacités, puis s'il était au niveau de la matière terre à terre dans de l'expérimental qui vraiment les perturbait, ils perdaient leur capacité. La matière peut court-circuiter l'esprit dépendamment du contexte aussi. Puis, est-ce qu'on peut se guérir par de la conscience? Ça voudrait dire qu'il y a une partie des maladies qu'on crée nous-mêmes dans notre inconscience, peut-être. C'est un sujet qu'on devrait vraiment prendre le temps d'élaborer là-dessus. Notons-le, parce que moi, ça m'intéresse, c'est juste trop fatigué. Mais ça m'intéresserait de le parler. Bon, on ne sera pas censuré. Ben, juste au Ouais. niveau. Moi, si je regarde juste l'effet placebo, à mes yeux, c'est la pointe d'un iceberg. Parce que c'est clair que tout est psychosomatique quelque part. Parce que tout est lié. Je veux dire, tous les corps sont interreliés. Puis, t'as une perturbation dans quelque chose que tu vois pas, puis ça se répercute dans tout le reste. Puis finalement, ben, c'est comme. C'est comme il y a des cas, souvent, on voit ça dans ceux qui font de la médecine chamanique. Les médecins n'arrivent pas à trouver une cause, puis tout, puis finalement, le chaman, il se met en transe, puis tout, puis il va finir par dire, ben, t'es malade au niveau d'un autre corps, et c'est un autre plan, puis ça se répercute dans ton corps physique, matériel. Puis là, c'est là que ils vont procéder à toutes sortes d'affaires, là, ben, tu sais, c'est un peu comme quand les mambos, là, ils prennent des cheveux, des poils d'aisselle, puis de pubis, puis ils mettent ça dans des pots, puis ils cachent ça dans les armoires. Mais c'est parce qu'anciennement, il y a bien longtemps, les maladies, c'était des démons. Oui, C'était des c'est ça. démons. En Mais tout cas, peut-être c'est pas fou. tu vois, comme c'est un sujet qui nous anime, là, il est reparti notre berceau. Oui, mais il y a une bonne énergie. Oui, ben c'est ça, je Donc. dis, c'est un sujet à élaborer. Ça va. De parler Oui, des corps subtils, on parle des corps subtils, puis ça devient intéressant parce que ça, c'est un terminal. c'est ça. Et le terminal est malade parce que ça part d'ailleurs. Ça, c'est le symptôme. C'est ça. Mais en même temps, comme tout est interrelié, c'est-à-dire disons, le plan éthérique peut agir sur la matière comme la matière peut agir sur le plan éthérique. T'sais, ça peut aller dans toutes les directions, là. C'est pas un terminal à sens unique. Ça serait à discuter parce que moi, je vois pas ça de même du tout. Mais là, je suis trop Ouais. fatiguée pour élaborer. Toi non plus, Bon, ben, moyen. Ça me prend tout le temps des sujets. moyen. En tout C'est cas, c'est un juste, sujet faut que qui je me lève de devrait bonne heure. t'intéresser. Excuse-moi, Bertol, j'ai parlé par-dessus toi. Non, moi, c'est juste, faut que je me lève de bonne heure demain, là. OK, Bon, on ben, va c'est s'arrêter correct. là, mais un sujet à revenir dessus, c'est Oui, c'est intéressant. ça. Ça va être un sujet à revisiter. On reparlera de ton pénis, David. Oh, excuse-moi, je voulais pas mettre la lance. Non, mais je te taquine un peu Non, parce non, que mais c'est bien correct. t'es gentil. Ouais, c'est ça. Mais t'es au bout. Je Parce que des fois, je fais des blagues avec ma compagne, là. Tu sais, ma mère a dit, ton problème, faut que tu mettes ça entre les mains du bon Dieu. Là, je dis quand même pas pour mettre mon pénis entre les entre les mains du mains de bon ta femme, Dieu. peut-être. Bon, ça arrête là parce que je commence à devenir niaiseuse. Je suis morte de rire, moi. Bon, t'as un problème sérieux que t'as, non, je blague. Ben, c'est intéressant ce qui t'arrive, je trouve ça intéressant. Ben, en tout cas, Ben, ça me garde sous tension, puis ça m'enracine dans la matière. Je flotte moins dans les airs. Puis, ce que je vous dirais dans les premières semaines, suite à l'opération, là, j'aurais pu faire vœu de chasteté comme les moines, là, sans effort, là. T'sais, ça me faisait c'était tellement pas trop mal que je voulais difficile, plus rien savoir de la sexualité. Ça m'a amené dans un aspect très impersonnel, là, tu sais. Disons, J'ai aucun intérêt pour les plaisirs érotico-ludiques que parlait André Moreau. Donc, Non, j'ai non, sorti un c'est peu pas du ça que j'ai dit. jovialisme, amené dans une conscience très froide, là, que, tu sais, comment dire, je ne voulais plus rien savoir de la sexualité, puis, tu sais, j'étais dans un mode d'évitement, c'est-à-dire, j'ai évité de manger des choses aphrodisiaques comme du chocolat, etc., parce que ça me faisait super mal, fait que je voulais rien savoir d'avoir des relations sexuelles, tu sais. Est-ce que l'érection te fait mal aussi? Présentement, non. Non, mais pendant la période de prescription, Oui, même les... ben, présentement, non. Attends, il dit pas, j'allais fumer, moi. Non, Non. mais écoute, dans les 2 premières semaines, donc, le médecin il a dit pas de relation sexuelle pour pas que, parce que dans le fond, j'ai eu des points fondants pour pas que ça se défasse. Parce que la peau OK. était coupée, là, il fallait qu'elle reprenne comme il faut, il fallait éviter aussi les risques d'infection. Parce que la peau est ouverte, comme une plaie que t'as ouverte, tu peux faire une Ouais, c'est infection. sûr. Fait que là, c'était clair, non seulement c'était prescrit, pas de relations sexuelles, pas de douche, pas d'activité physique intense non plus. Fait que, tu sais, j'étais en mode repos. Puis, moi, pour moi, c'était comme un calvaire. Puis là, c'est sûr que ça a changé ma vie. Tu sais, cette année 2023 qui prend fin, ça a été une coupure au niveau de ma santé, carrément, puis de mon rapport au corps aussi. Hein? À Ben, quel âge, toi? faudrait. Là, j'ai 42 ans. Comme disait à ma compagne, je dis, si je me rends à 80 ans, pour que je me rende un dilatateur urétral dans le pénis régulièrement, ça va être long en maudit, surtout vers la fin. Moi, c'est un préposé au dilatateur, là. Voilà, Il y a c'est aussi ça, ta des résidence. énergies transmises, peut-être qu'un banni n'aurait plus besoin de faire l'amour, c'est tout remonté vers le haut. Faudrait que tu demandes à l'esprit, pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Ça, c'est Gérard Depardieu qui aurait dû avoir cette maladie-là. Tu lèves une très bonne question. Donc, En tout cas, il y a une raison. En tout cas, c'est assez intéressant à creuser, mais pas en public, maintenant. quoique c'est précisément le fait que ça se parle pas publiquement que c'est un problème qui est comme tabou ou que, tu sais, ça empêche d'y voir un peu plus clair, tu sais, c'est méconnu, hein? Ouais. Ça touche un organe très précieux chez l'homme. Le pénis, là, quand tu touches à ça, je suis sûre que c'est une grosse épreuve. Puis je suis Oh morte de oui. rire en disant. Mais je ris pas de toi, je Non, ris de la je nature sais. de l'homme, l'homme et son pénis. Hein? Comme la femme avec son côté plaillé, un peu Mais ce rosé. problème-là, en passant, peut arriver à la femme. Malheureusement, de ce que j'ai vu sur Internet, c'est que la plupart des documents du lichen sclérosé atrophique, c'est des femmes qui souffrent de ça. C'est encore plus problématique parce que l'organe sexuel de la femme, c'est l'intérieur du corps, on s'entend, là. Fait que Ben, c'est plus c'est-à-dire difficile qu'il y a à. le même problème de l'urètre là, chez la femme? Oui. L'urètre peut boucher, les grandes Boucher, lèvres OK. aussi. Tu sais, c'est vraiment. Puis, tu sais, je disais des témoignages de femmes qui sont obligées de se regarder la vulve avec des miroirs pour voir l'état. Tu sais, c'est très problématique. Moi, c'est sûr que ma crainte, c'est que ma fille ait ça, parce que c'est vraiment un calvaire avoir ce problème-là, là, tu sais. Ouais. Intéressant. Je vais me questionner mon contact, mais je vais te revenir avec des Oui, réponses. s'il y a des gens qui Je vais m'écoutent, voir, je vais qui ont essayer des de pistes de trouver quelque réponses chose. puis de solutions, d'ailleurs, j'ai déjà fait un appel à tous dans mes enregistrements il y a plusieurs semaines. Il y a des gens qui m'ont mis sur des pistes, tu sais, en lien avec ça. J'ai pris des notes. Il y a des choses que j'ai explorées. Mais ce que Bertha l'a mentionné là, tantôt, mais ça me vivrait beaucoup. Tu devrais réécouter cet Oui, enregistrement parce qu'en fait. inquiétez-vous pas que je vais le réécouter l'enregistrement d'aujourd'hui. Ben, ça me vibrait quand il l'a dit. Mais moi, pour moi, Bertha l'a mis le doigt dessus. Je m'arrête là. Bonne soirée. C'est bien correct, fait qu'on va compléter donc l'enregistrement. C'est sûr que je peux rappeler aux gens que si vous avez envie de faire du yoga, pilates thérapeutique, c'est toujours possible avec mon oncle, que ce soit en présentiel ou à distance. Dernière Donc, année. bon, Terminé ben, 2024. C'est fini après. bon, parce qu'après ça, tu prends ta retraite ou. Fin juin, c'est terminé. Bon, fait que c'est une offre pour une durée limitée. Limité. Donc, c'est sûr, ça me fait toujours plaisir d'annoncer des choses en lien avec mes invités, étant donné que je ne vous donne pas des cachets. Je ne suis pas comme Radio-Canada qui va vous donner des milliers de dollars pour participer à un enregistrement comme tout le monde en parle. Donc, Moi, la façon que je vois les choses, ben, c'est sûr que si vous appréciez mes invités, ben, vous êtes les bienvenus pour participer à leur activité ou même bénéficier de leur consultation, parce qu'on a fait de la consultation, coaching, d'individuation. Puis c'est sûr que dans le monde, il n'y en a pas des milliers ou des millions qui font ça là, de personnes là, présentement là, en lien avec l'instruction supramentale. Ça ne court pas les rues. Non, ça court pas les rues, c'est très exigeant. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que les gens, donc, ça intéresse de l'avoir encore une fois les coordonnées de Mona en bas de l'enregistrement. Puis pour ce qui est de Berthold, ben c'est sûr que toi, tu continues toujours tes enregistrements au fil des ans, toujours fidèle au poste, là, habituellement le samedi matin. Donc, Oui. Ben, des dernières fois que c'était qu'on allait avoir un entretien, là. oui. J'ai tout le temps, j'ai les mêmes la veille ou le jour avant la veille qui viennent asticoter. Puis ils sont même pas au courant. Je Ah oh comprends oui, pas ben ça. j'en ai des tannants. OK. Ah oui, Puis quand on est pour avoir un entretien ensemble, ils savent pas eux autres, mais elles sont tout le temps là la veille ou l'avant-veille pour venir m'asticoter puis me gruger comme de l'énergie. donc, des gens qui vont t'écrire des messages. OK, puis ils Oui. veulent avoir l'attention. Mais c'est sûr que c'est intéressant à regarder comme phénomène parce que tout est interrelié. Donc, Ben oui. c'est sûr que comme moi aujourd'hui, On dérange en tout cas. Non, c'est ça, mais il y a des choses qui se produisent. Comme par exemple, un matin, je me suis réveillé, puis mon lecteur MP3, il y a un des deux écouteurs qui fonctionne plus. Fait que ça m'a mis sous tension. Donc, des fois, quand il y a des enregistrements, je vis certains chocs de vie pour me mettre dans une tension, pour être un petit peu plus électrique qu'habituellement. Mais toi, c'est sûr, Berthold, il y a peut-être une forme d'opposition énergétique. Parce que tout se perçoit au niveau occulte, là, les informations, tu sais, comme disaient les gens dans la physique quantique, on n'est pas séparés des autres. Hein? Sauf qu'eux autres, sont totalement inconscients de ces affaires-là, puis ils sont pas au courant d'eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en arrière qui sort d'eux autres, là. Parce que ça fait 3 fois que ça arrive. Quand la sphère ne peut pas manipuler une personne, passe par son environnement. Hein? Ben oui, tout le. Il Ben, essaie de ouais. déstabiliser par l'environnement. Ouais, je vous en reparlerai. Moi, j'ai un chum qui se fait déstabiliser ces temps-ci. C'est assez solide. Ils peuvent pas m'attaquer. Fait qu'ils attaquent mon chum. Non, c'est Moi, ça. Je Ouais. sors de l'astral. On en Ben, reparlera. j'ai carrément vécu des journées que c'était de même là. Tout le monde me tombe dessus, il n'y a pas de raison. C'est ça. Quand tu sais, des fois, même on dirait que les malades mentaux dehors, ils veulent te sauter dessus, puis il n'y a pas de raison. Mais c'est ça, c'est que d'un côté, ça peut être des forces astrales qui cherchent à te vampiriser, mais simultanément, ça peut être l'esprit qui laisse ça court aussi pour t'amener à être un peu plus électrique puis vibrant dans ta parole que tu pourrais l'être. Un peu comme Daniel Ménard qui me confiait après avoir fait, lors du premier enregistrement en fait que j'ai fait avec lui, qu'il y a des chats qui étaient morts pour qu'ils soient dans une vibration particulière au moment de la parole. Oui, Tabarnak. c'est ça. Pour qu'il monte en colère, parce que lui, il tenait, c'est sûr, beaucoup à certains de ses chats, il était très investi émotivement par lui. Donc, là, c'est sûr que j'avais dit, ben là, il faudrait quand même pas qu'il y ait un chat qui meure à chaque fois. Puis là, il m'avait dit, ben j'ai 30 chats. C'est sûr que ça donnait place à plusieurs enregistrements, là, tu sais, s'il y en a d'autres qui meurent pour le garder sous tension. Mais cette dynamique-là que je trouve perverse au niveau de l'esprit, dans le sens que Bernard de Montréal vit aussi des grandes tensions avec ses activités de conférence. C'est bien beau amener la personne à être plus électrique dans une colère mentale, mais il y a une facture humaine parce que quelqu'un qui est tout le temps sous tension, à un moment donné, il peut faire une dépression ou à un moment donné, il va être trop irritable, il va péter un plomb, puis tu sais, il part toutes sortes de choses qui peuvent arriver en lien avec ça, là. Effectivement. C'est un sujet à aborder éventuellement, mais là, je vais vraiment devoir vous laisser. Parfait. Parce que là, on commence à développer des sujets intéressants. On va les noter. Oui, exactement. Plus que Donc, la politique internationale. Je trouve que la politique internationale, c'est intéressant, mais ça intéresse peut-être pas autant de monde que nous. Moi, je pourrais parler de ça des heures, mais ça peut être plus intéressant de toucher d'autres volets aussi. Ça, je oui, ben c'est sûr que ce qui est bien quand on fait des enregistrements, c'est que des fois on va parler, c'est ça, de politique internationale, que ce soit le conflit en Ukraine, mais en même temps, ben, on aborde des principes d'instruction supramentale. Donc, tu sais, c'est varié. Oh, je... OK. Donc, sinon, en terminant, ben, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient les enregistrements que je fais depuis plusieurs années, il y en a d'ailleurs au-dessus de 500 dans mon audiothèque sur archive.org, vous êtes bienvenus pour les télécharger, si vous les aimez. Prenez jamais pour acquis que ce qui est là présentement le sera toujours, parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses, dont la fermeture de certains sites web, et ainsi de suite. Puis sinon, ben, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière, dans le sens qu'il y a les sites de paiement sécurisé qui existent, PayPal et Interac, dont vous avez les coordonnées en bas, si vous voulez me faire un virement. Donc, si vous aimez ça, donc écoutez ça là, au fil du temps. Là, naturellement, vous êtes toujours les bienvenus pour en faire. Et puis, ben, c'est sûr que pour tous les gens qui nous ont écoutés là, depuis le début de cet enregistrement, ben, je vous salue et je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. À bientôt. Joyeux Oui. Noël. Merci Bertrand, merci David. Merci à vous Exactement. deux. Oui. Passez une belle soirée.